Fun Radio. Fun. Willy William et Chris Cab. Fun Radio. J'ai troqué ma voiture pour un vélo. Roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale. On était là, là, là. Quelques musiciens me donnaient la mélo. C'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la, la, la, la, la, la. Parce que moi, je me balade en Paris. Je me balade en Paris. Pam, ram, pam, pam, pam, pam. Ceci est un message officiel d'intérêt public. Mesdames et messieurs, le programme qui va suivre n'a aucun sens et est dépourvu de logique. N'essayez pas de comprendre ces individus et leurs leaders, car ils sont totalement débiles et attardés. Nous nous excusons à l'avance pour tout propos déplacé ou choquant qui vous donnerait l'envie de vous cracher avec votre véhicule ou de porter plainte à la police. Ça ne servirait à rien puisqu'ils nous écoutent aussi et rigolent de nos blagues. Eux, n'essayez pas non plus de changer de poste de radio. Il est coincé. N'essayez pas de le toucher, vous allez vous électrocuter. N'essayez tout simplement pas de zapper. Ou nous allons vous rechercher et vous trouver chez vous quand vous y attendez le moins. Genre, dans votre salle de bain. Ou alors, au petit coin. Merci pour votre attention. Et nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de l'émission Vince, du dimanche au jeudi, 20h-23h sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun. Ouais. Je suis arrivé juste à temps, le mec qui a maîtrisé son hoverboard dans les petits couloirs de Fun. Bonsoir la Belgique, bonsoir tout le monde, bonsoir Kaufman. Bonsoir. Bonsoir tonton Roger, comment ça va tonton Roger? Bonsoir Vince. Bonsoir Coralie, au 02 851 4x0, standard, comment ça va Coco? Ça va, ça va. Allez, remis d'hier tous? Non. Ah non, eh ben, écoutez ma voix. Si je devais parler normalement, ça ferait un truc un petit peu comme ça. Ah oui. Bonsoir François Zich. Salut Vin, ça. Alors il y a François Zich, oulala. François Zich, il a fait le régisseur. Il a fait, donc dans l'émission spéciale qui a eu lieu hier depuis le CVSP Leuze, hein, puisque nous étions en direct pour Mon Incroyable École 2016. Et le François Zich au top, il a fait maître de cérémonie. Enfin, pas maître au de cérémonie. Top, au top, tu vas très très vite. Hein, parce qu'à partir du moment où il a dû monter sur la scène pour essayer de. Ah, c'était plus trop ça. Ah ouais, c'est le DJ, moi. Hein. Faut pas être DJ pour monter sur scène. MC, faut être. Faut même pas spécialement être MC pour monter sur scène. Tu racontes des bêtises. Non, mais ça dit, hier il était chauffeur de salle. Enfin, chauffeur de salle. Chauffeur de. Ambianceur, il était ambianceur le mec. Hein. Alors, tonton Roger, je suis très surpris. Oui. Tu es venu avec, on va dire, ton ADN, avec ta descendance, ton immortalité. Ton mari ? Non. moi, j'allais dire un pot de sperme, mais. Non, mais déconnez pas. Hein. Et il est venu avec son fils. Voilà. Hey, bravo, oui. Bravo. Moi. Sérieusement, je vais faire une fin d'antenne. On évite les fins de concert habituellement sur tonton Roger. Non, il y a pas de problème. Non, il y a le fiston qui est habitué. Non, mais il écoute. Non, alors t'écoutes souvent l'émission. Tu t'appelles comment? Patrick. Ça va? Patrick. C'est mon fils. C'est Patrick. La vérité. Tonton Roger, j'ai l'impression que t'as quel âge, Patrick? J'ai 12 ans. Alors, j'ai l'impression qu'il y a 12 ans, il savait qu'il allait faire une émission de radio. Il a vu et qu'il allait avoir un Patrick qui allait faire le tour de la Belgique. Hein, et donc, du coup, il s'est dit : ah, je vais déjà prendre l'avance. Fiston ! Quel pénis ! Alors, bon, Patrick, donc t'écoutes souvent l'émission et tout ? Oui. Bon, tu sais que c'est de l'humour qu'on fait sur ton papa, on est pas sérieux. Hein. Oui, je sais. Ah, voilà, ça va. Non, mais on ne sait jamais parce qu'il y a des amis à tonton Roger, on l'appelle tonton Roger, donc tu peux l'appeler papa Roger, du coup. Il y a des amis à tonton Roger qui pensent que c'est vrai les blagues qu'on fait sur lui dans les écoles, etc. Non, alors que rien à voir. Hein, c'est pas vrai, mais tout à l'heure, on parlera du problème de Patrick, hein, quand même. C'est quoi son problème ? D'attouchement. Non. Mais je rigole ! J'avais dit qu'on n'allait pas faire de fun dans c'est ce fini, sens-là. C'est fini. Incroyable. En tout cas, Patrick, bienvenue à toi. Ça me fait vachement plaisir. J'adore parce que je le vois. Moi, je me suis dit, bon, c'est un auditeur qui est passé nous faire un petit coup. Il est peut-être en vacances et tout ça. Et tonton, je dis, c'est mon fils. Et, c'est un honneur pour moi. Merci. Voilà, j'espère que tu vas kiffer l'émission, tranquille. En plus, il a les écouteurs et tout. Ouais. Ça y est, il est installé. Oui, il est pro. Hein. Attends, j'aurais vu tonton Roger à bricoler un truc pour que vous ayez. Oh, il est malin, tonton Roger. Il a un double jack. C'est ça. Voilà. C'est ce que son fils a dit aussi. Attends, excuse-moi, mais moi, quand tu dis avoir un double jack, c'est avoir un double Jack Daniels, tu vois. T'as vu le truc. Hein. Bon, les amis, qu'est-ce qu'il y a prévu pour ce soir, François Zich ? Une battle du jour, il y en a deux. Il y en a deux aujourd'hui. Ah, il y en a deux. Il y a le match du jour, bien sûr, Suède-Belgique. Il va commencer, attention, Dans une heure. Un peu moins, 21h. Ouais, mais bon, on va commencer à en parler vers 20h20, tu vois. Nous, on en parle dès 20h20. Il y a également la battle du jour. Est-ce que vous préférez l'atmosphère de la rentrée ou l'atmosphère du dernier jour ? Alors, lui, il est malin, il met ça le dernier jour d'école. Hein, ouais, c'est bientôt fini. Voilà, mais pratiquement tout le monde est en vacances maintenant, hein, on peut le dire. Enfin, pas pratiquement tout le monde, mais peut-être qu'il reste quoi, 2-3 examens. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que tu préfères ce moment où tu arrives en cours et tu dis allez c'est reparti, c'est une nouvelle rentrée, on va s'amuser, on va se mettre bien, tu sais c'est un petit peu un nouveau départ comme ça. C'est vrai. Ou alors le moment où tu dis c'est bon 2 mois de vacances. C'est ça. Parce que moi 2 mois de vacances je trouve ça long à la longue. Ah on s'ennuie. Oh. Hein. Au bout de 3 semaines on s'ennuie. C'est la fine bouche. Je crois la première semaine t'es wouh. Ouais. Deuxième semaine la fête. Puis t'arrives à la mi-juillet. Et là tu te dis, tu râles un peu parce que tu fais purée, le mois a passé vite, oh non ça va passer super vite, ça va déjà bientôt être l'école. Mais en fait tu t'aperçois vers le 15 août que c'est super long. Ça t'ennuie un peu. Ouais, et tu fais c'est bon, tu sais quand t'es revenu de vacances. Sauf, t'as la chance d'avoir des parents. Des parents, c'est comme des patrons hein, qui sont méga friqués, qui te font visiter le tour du monde. Ah c'est vrai, ouais. Là t'arrives à la rentrée, tu fais, déjà la rentrée. Oh mon Dieu, mais, de la chance, hein, mais je ne m'y attendais pas. Kaufmann, tu m'as l'air fatigué toi depuis hier, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, on est rentré tard, on s'est levé tôt et puis on va de nouveau se coucher tard et puis j'étais pas prévu hein, pour tout te dire aujourd'hui. C'est vrai, pourquoi t'es là alors? Je suis venu comme une roue de secours. Tu veux beaucoup plus que mais ça non. T'inquiète pas non. En parlant de roue de secours tu ressembles de plus en plus au bonhomme Michelin. je voulais te le dire. Mais c'est gentil. Merci lui. Alors François Zich, il rigole. C'est pareil. Hein. J'ai essayé de trouver une fête avec Bridgestone et tout ça, j'y suis pas arrivé. Bon, les amis, vos messages au 3044. Encore bravo au CVSP Leuze. Quelle soirée hier. Wow. Ah ouais, magnifique. Ah, c'était Magic Rof qui est venu nous faire un coucou sur scène, dans l'émission aussi. On a eu les DJ Tomorrowland, Duxedum. On a eu Makazi, DJ Flash qui représente Fun Radio, bien sûr. Tony Peel, Liam Summers, et puis tous les jeunes DJ aussi de la région. Et franchement, big up à Alan aussi qui a bossé avec nous dans ce projet. Il s'appelle Cardel, DJ Cardel. Voilà, merci à encore Kaufmann. Oui, oui, mais avec plaisir. Heureusement qu'il était là pour ce projet. S'il n'avait pas été là, on l'aurait pas fait. Le voilà. Bonhomme Michelin te salue. Je t'en prie. Et maintenant, on est bien sûr en vacances. Enfin, pas nous réellement. Vous êtes en vacances et on lancera ça l'année prochaine. Bon, les amis, au programme, on a donc la battle du jour Belgique-Suède. Alors, pronostic, Kaufmann. Bah, moi, j'espère 2-1 pour la Belgique. Ok, tonton Roger. Je dirais aussi 2-1. 2-1. Vous pensez quand même qu'il va y avoir un goal? Bah, ils ont quand même Zlatan, j'espère. Moi, Zlatan, je crois. C'est son... Attendez, parce qu'il faut parler sérieusement. Zlatan, ouais. Ça va être son dernier match, peut-être, pour l'équipe nationale de Suède. Ouais. Je crois que dans sa tête, il sait. Ouais. Il va tout donner. Hein. Il va prendre sa retraite internationale. Ouais, oui, il l'a dit, oui. Voilà, après l'Euro, c'est fini. Et ben voilà, donc, c'est son dernier match potentiel. Oui. Ouais, sauf s'ils sont meilleurs 3ème. Ils peuvent encore se qualifier. Voilà, mais je crois qu'il va tout donner. Tu crois pas. Dans les gros matchs, il y a du mal, Zlatan. Il y a du mal. C'est vrai, tu trouves? Ouais, il y a vraiment du mal dans les gros matchs. Ah bon, ok, d'accord. Il marque beaucoup contre des équipes un peu plus faibles, mais dès qu'il y a des matchs importants. Ouais, il mais je me dis que là, comme par hasard, contre nous, de nouveau, il va faire chier. J'y crois pas, moi. 2-0 pour la Belgique. Bon, ouais. Ça va, la Belgique va perdre. Pronostic de François Zich, toujours l'inverse. Bon, t'as dit quoi, toi, alors? 2-0 Belgique. Ah, quand même, ça va, c'est bien. Coralie, tu dis quoi? 2-0 pour la Belgique aussi. Ah, voilà. Ah, bah, dis-nous, 30-44, est-ce que vous pensez, là? Toi, tu penses quoi, Patrick, là, pour le match de ce soir? 2-1 pour la Belgique. Ah, bien, bien. Donc, tout le monde dit victoire de la Belgique. Ouais. Toi aussi, non? Ah, bien sûr, Je suis quand même un but de la Suède. Ah ouais, quand même. En fait, je crois que le premier but qui va tomber, ça va être un but de la Suède, genre inattendu, on s'y attend pas, genre non. On va galérer, mais on va gagner quand même derrière. C'est le sentiment que j'ai, mais maintenant je peux me tromper, je suis peut-être un Stéphane Poel. On a le temps de débriefer ce qui s'est passé hier soir dans l'émission de Mike Open Space. Ah, il s'est passé des choses. J'adore, écoute, parce que mais comment tu fais pour être au courant de tout ça? Là, c'est tonton Roger. C'est de l'information. Tonton Roger qui me l'a dit, mais apparemment, Coralie a donné son top 10 des mecs préférés dans la radio. C'est vrai. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Oh merde. Ah. Alors je commence par la mauvaise, vas-y. La mauvaise? Ouais. Tu veux que je commence par la bonne? Ouais, c'est mieux. Allez, vas-y, pour le délire. Je commence par... C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que t'es dans le top 5. Des mecs les plus beaux de la radio. Des plus beaux de la radio? Ouais. D'accord, ouais. La mauvaise, c'est que t'es loin derrière Mike Open Space. Non. Ah bon? Non. Il est premier. Ouais. Il est premier? T'as mis Mike premier dans beauté? Mais... Oui, moi je le trouve super beau. Déjà que. Alors, non, mais en même temps. Pas pour rien qu'elle porte des lunettes. J'allais dire, les nettoyer de temps en temps. J'allais dire, on trouve toujours beau les personnes qui nous ressemblent. Donc j'ai compris. Oh, mais ça va, fais pas cette tête. Et en 10ème position, c'est qui? En 10ème? Ouais. En 10ème, dernière. Je sais pas. Notre ami de la promo, Bertrand. Mais c'est un beau gosse, Bertrand. Bah, c'est ce que je lui ai dit. C'est un beau gosse. Ah, il est en première, t'as dit? Non, il est 10ème. Et autre membre de l'équipe classée, devine qui c'est? De l'équipe? Ouais. François Zich? Non. Enzo? Non. Même pas Enzo? Non. Non, c'est pas du tout mon style, j'aime pas trop. Tonton Roger? Ah, c'est une question de style, en fait. Bah, je calme pas, bien sûr, c'est mon avis, donc. Bah, c'est pas toi, Kaufmann. Bon, il reste qui? C'est pas toi, quand même. C'est toi, Kaufmann? Bah, je te remercie d'y avoir pensé en dernier, mais non, c'est pas moi. Ah, ok, d'accord. Y'a que ça. Mais y'a qui dans l'équipe encore? Bah, oui, bah, y'a peut-être du côté des stagiaires qui ont envie de se frapper. Ah, Alan? Non. Non plus, bah, il reste cul comme stagiaire, tu vois. Maréchal. Ah, lui, il existe encore, pardon, oui. Salut, il était avec nous hier. Ouais, c'est son style. Mais non, mais comme quoi? C'est un peu métis quand même. Tu vois, ce classement, c'est un peu comme le classement FIFA Coca-Cola. tu as des doutes, tu vois, sur la véracité du truc. T'es deuxième. Et pardon? Tu es deuxième. Tu es deuxième? Oui. Derrière Mike Open Space? Oui, tout à fait. Ah, mais je suis quand même vexé de ouf. En même temps, je suis content de ne pas être dedans, moi. Du moment que t'es derrière Mike Open Space, on va bien. Hein. Ouais, c'est vrai, parce qu'être devant. Être l'inverse, c'est différent. Ouais, c'est ça. Bon, ça va, il vient d'Asie, on a pas mal, je pense. Bon, allez. Le son Rehab sur Fun Radio, voici le single Freak. Dans quelques instants, on sa battle du jour. On a une autre battle du jour qui va arriver après. Oui. Donc, c'est est-ce que vous préférez l'atmosphère de la rentrée ou alors l'atmosphère du dernier jour? Give Me Five, la radio perd le contrôle, qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. Oui, mais là, c'est une surprise normalement. Ah, bon, il y aura une surprise pour Radio Perd le contrôle. Je suis très curieux, tiens. C'est pas moi qui va la faire. De Michonne aussi, sérieux? Ouais, c'est pas moi. On the line, I got a little freakiness inside. And you know that's the man that's gotta deal with it. I don't care what they say. I'm not about to pin nobody's way. Cause it's all about the dog in me. Mm-mm. I want a freak in the morning, a freak in the evening. Just like babe. I need a perfect brother that can satisfy me. Just for me, if you are the kind of man. Cause I'm that kind of girl. I got a freaking secret, everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. We can all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood, on against the lead. Cause we can any time of day, it's all good for me. kind of man, 'cause I'm that kind of girl. I got a freaking secret, yeah, everybody sing, 'cause we don't give a damn about a thing. 'Cause I'll be a freak until the day, until the day. Sur Fun Radio. Ah, je lâche mon overboard, j'ai failli me péter la gueule. Bon, bienvenue sur Fun Radio Libre Antenne, il est 20h12 et je le lâche pas cet overboard. Hein. Ah, t'as vu ça hein, ah non, c'est un truc de dingue, je m'attendais pas. Moi, je pensais que j'allais genre m'emmerder après quelques jours. Mais dans la rue, tu te balades avec ? Ouais, ouais, aussi. Ah, ok. Et je te dis pas, hey, je te dis pas comment on me regarde. Alors, j'ai failli me taper la honte. Pourquoi ? La fois où j'étais avec Coralie, là, on était au centre-ville et tout, ouais. tout allait bien, tu vois, je me baladais avec, c'était sympa. Je suis arrivé, il y avait plus de batterie. Oh. Et en fait, quand je suis arrivé dans le métro, ouais. Et puis bon, je le laisse reposer et tout, puis je le réactive et j'avais une longue montée. Et il y avait plein de gens à VWED. Alors moi, je tranquille, tu vois, avec mon téléphone en main. Et tout d'un coup, il fait bip bip bip bip. Et moi, d'habitude, il me fait bip bip bip. J'en ai encore pour démettre, tu vois. Okay. L'enfoiré, il s'est éteint après 2 secondes. Tu me vois lancé à toute allure et tout d'un coup, il s'arrête. Et quand il s'arrête net, hein. D'accord. C'est-à-dire que y a, je sais pas, comme un freinage sec. Et tu me vois voler. Wouh! Et c'est là que j'ai fait ma rondade. Ah, mais je voulais déjà raconter ça. Ouais. J'allais te le dire, mais. Ouais. J'étais très étonné. Je deviens vieux. Ah, bah il était pas là-bas. Heureusement, voilà. François, je le rappelle. Tiens. Ah, mais nous, avec plaisir, une deuxième fois, une troisième fois, si tu veux, plus le temps dans l'émission. Alors, tu sais ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps. J'étais dans le métro avec mon. C'est vrai. Ah, oui, d'accord. Tu vois, François, je kiffe quand je bête. C'est ça qui fait plaisir. Allez, les diables qu'on nous a envoyés au 3044 Vince, est-ce que je peux passer à Fun maintenant? Nemo, tournez. Ben, Nemo, bah, t'es là. Voilà, il m'envoie. Bah non, tu peux pas, merde! Il m'envoie un texto 3044, mais il est là. Qui t'a ouvert, Nemo? Personne? T'as forcé la porte? C'était ouvert. Si le patron est en train d'écouter cette émission en ce moment. On est mort. Ah, pas nous, mais la personne responsable, oui. Oui. La personne responsable. Trouve un responsable, trouve un responsable. Backup Space. Alors, on nous dit. Justement, il vient de sortir. Comment ça? C'est lui qui a laissé la porte ouverte. Il est sorti. Ah, d'accord. Non, parce que je vois Hoffman dans son téléphone. Genre, on dirait qu'il a mis des caméras de surveillance partout. Tu vois, il est au courant de tout. Alors, salut Vin, je suis bloqué dans mon camion à devoir travailler. Pouf, je te fais confiance pour nous tenir au courant du match des Belges. Big up à vous tous. T'inquiète pas, on va faire ça, il n'y a aucun problème. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent l'émission et qui n'aiment pas forcément le foot. Ouais, ouais. Ah, désolé, je vais vous faire giffer le foot ce soir. Bah, hein. Oui. Ah non, on est tous ensemble pour mater. Hey, vous matez le match de foot avec nous aujourd'hui? Ah, voilà. Ouais, bah, si vous voulez venir le voir, bah, venez en studio. Profitez-en. Ah oui. Ouais, jusqu'à l'identité à l'entrée. Yo Vince, vu le fils de tonton Roger qui s'appelle Patrick, tu peux lui demander où est Boblé pour genre. Oh non, de la part d'Alessio. Tonton Roger, il a pas rigolé là. Non, il parle même pas. Non, pas du tout. Non. Bon, allez, relax. Alors, match de la Belgique, ça va arriver dans quelques instants. Je vous rappelle, on a Calvin Harris qui va arriver avec This is what you came from. For, pardon, je dis toujours from. Mais ouais, hier aussi, c'était arrivé. This is what you came for. Ouais. C'est pour ça que t'es venu. Oh là là, bah, bon. Je sais pas. Ouais, je fais des traductions comme ça vite fait. Les amis, c'est passé un truc dans l'actualité. Ah. Et si vous me trouvez la bonne réponse, vous me l'envoyez par SMS au 3044. On vous file les tout derniers cadeaux de l'année. Les tout derniers. D'ailleurs, Kaufman, t'as encore gardé des petits trucs comme ça. Bien sûr, mais ils les recevront l'année prochaine par contre. Ah non. L'année prochaine, 2017. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a réussi à négocier pour les packs fun. Ouais. Ah, vas-y, raconte. David a réussi ça. Ouais, c'est vrai. Donc il m'a dit que 20 packs fun allaient être envoyés chaque jour. Par jour 20. Ah, bah enfin, quand même. Ouais, oui, ce que je dis, dans 20 jours, ils ont envoyé des packs. Je précise, il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui nous envoient des messages sur les pages d'Ibrantan Vince notamment. Alors, c'est partout, hein, sur Snap, on m'envoie des Snap, Vince, machin, etc. Et alors, il faut bien, je dois vraiment vous expliquer quelque chose, parce que parfois, on me dit, ben Vince, mais t'es un mytho, t'offres pas les cadeaux et tout. Alors, je fais une émission de radio. C'est sûr qu'on a l'habitude de faire beaucoup de choses à Fun Radio. Et qu'on offre beaucoup de choses. On offre beaucoup de choses aussi. Et il y a un service qui s'occupe de ça, mais bien les pauvres, ils sont deux. Ils sont deux à tout faire, les cadeaux, que ce soit les cadeaux d'Audrey, les cadeaux d'Evan, nos cadeaux à nous. Et je sais que chez nous, il y a un retard, parce que nous, on a beaucoup de gagnants dans l'émission. Ouais, mais voilà. En même temps, je veux dire, il y a un auditeur qui a perçu son cadeau, il nous envoie un mail, et on dit au service de promotion d'envoyer, enfin de faire le nécessaire, puisqu'il y a encore plein de jeux qui ne sont pas partis. Et donc le lendemain, il dit merci pour le cadeau, cependant, vous êtes trompé de console. J'ai reçu un jeu PS3 à place de PS4. Et la promo répond, c'est pas grave, garde le jeu, on t'en envoie un deuxième. Donc il y a parfois des avantages. double cadeau, quoi. Donc voilà. En tout cas, on va faire le nécessaire. Les amis, une question insolite qui s'est déroulée dans les médias. Si vous avez la bonne réponse, vous m'envoyez par SMS au 3044. Il s'est passé quelque chose d'assez spécial. Ah, quoi donc? Alors, comment je peux expliquer? C'est assez intéressant comme truc. Il y a eu quelque chose dans un Décathlon. Ouais. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans un Décathlon? Le magasin de sport. Un Décathlon a fait le buzz, mais les personnes ne savaient pas qu'ils ont fait le buzz. Ah, c'est celui où je me suis baladé à poil. T'es pas loin de là, tiens. Oui, à chaque fois qu'il dit ça. Ouais, t'es pas loin de là. Ah non, il s'est passé un truc au Décathlon. Et ça a fait, voilà. Il y a des sportifs qui ont fait un strip. Ça a fait plusieurs millions de vues. Ah oui. Quelque part. Est-ce que c'est un rapport avec des tapis de course? Non, ça n'a pas de rapport avec des tapis de course. Mais d'abord, réponse, allez-y au 3044. Comment? Des sportifs qui font un striptease? Des sportifs, non, c'est pas un sportif qui font. C'est pas des sportifs. Enfin, si, c'est possible en fait. C'est possible, ça peut arriver, ça peut être le cas, mais ça, on sait pas. Est-ce que ça. Il y a une histoire de tente? Dans quel sens le tente? Les tentes. Non, c'est pas une histoire de tente. Les tentes qu'on monte, oui. Non. Alors, quelqu'un me dit une jeune fille est décédée. Non, c'est pas ça. Un meurtre? Non, c'est pas ça. Dans un Décathlon, il y a eu un truc. Et genre, ça a beaucoup tourné, quoi. Quand je dis beaucoup tourné, c'est pas que l'info. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur. Ils avaient du matériel de qualité pour une fois. Oh, ouais, ils ont du qualité. Ça va, ils ont des bons trucs chez Décathlon. Là-bas que j'ai été faire la coupe pour mon incroyable école. Non, c'est vrai. Entre autres là-bas. Une partie là-bas, une partie ailleurs, tu vois. Puis après on combine et puis ça fait un chouette résultat. Il y a des gens qui donnent des infos mais pas assez précises. Salut toute l'équipe, merci pour l'émission d'hier. Mathias, avec plaisir, si vous étiez là hier, vous avez assisté à l'émission, vous avez assisté à mon incroyable école au CESP, ben envoyez votre texto au 3044 et je le lis en direct. Alors, quelqu'un me dit, pas mal Rafton, pas mal, c'est très très bien là. Il y a des gens qui donnent des réponses mais c'est pas assez précis. Je suis sûr que vous allez y arriver, on a le Calvin Harris qui arrive avec Rihanna. Et puis tout à l'heure on a Jennifer Lopez avec Enyo Mama et ce soir est prévu une radio par le contrôle spéciale que c'est pas toi qui fais. Normalement non. Et qui va faire ça ce soir? Ah, tu vas voir ça tout à l'heure. Oh là là, je me pose des questions. Ah? Je sens qu'on va se marrer. Ah oui, on va se marrer. Ouais, je sens que moi aussi je vais me marrer. Toi un peu moins. C'est ça que je voulais dire. Et est-ce qu'on va appeler Dominique ou pas aujourd'hui? Oui, on va essayer d'appeler Dominique. Ah, parce qu'on l'a eu hier en plus, et hier on a fait un canular de bouffe. On va essayer de vous sortir la vidéo. Il s'est passé un truc de dingue avec Dominique. On l'a appelé. Ouais. Donc Kaufman l'a fait tourner en bourrique. Et puis après tous les gens qui étaient là-bas à mon incroyable école, ils sont tous fait passer pour des Patrick. Et tout le monde a crié arrêtez. On s'est fait passer pour le gang des Patrick. Mais vraiment un véritable gang quoi. Allez, 20h19 on est en direct. D'ici 40 minutes, Belgique-Suède. Oui. Allez, arrête tout de suite. Voix de Fun Radio. J'écoute Vince de 20h à 23h. Car ça met de bonne humeur. Gagnez votre smartphone Alcatel Pop 4 5 pouces grâce à Fun Radio. Toute la semaine, écoutez Evan et la tribu dès 6h et l'Happy Hour avec Audrey dès 17h. Et repartez avec votre smartphone Alcatel Pop 4 avec son processeur quad-core et son écran 5 pouces en envoyant Pop par SMS au 6322. Un message. Les cadeaux high-tech, c'est uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Le vendredi 24 juin, les Coca-Cola Summer Movies sont de retour. Durant toute la journée, venez profiter entre amis des meilleurs films de l'été, de surprises et de 4 avant-premières exclusives avec notamment Camping 3 et Insaisissable 2 en avant-première événementielle un mois avant sa sortie. Vendredi 24 juin, le Coca-Cola Summer Movies dans un cinéma près de chez vous. Fun Radio. Dance Floor Music. Keep it locked. Fun Radio. Le son Dance Floor. Trying to run that game, it sounds so sweet when it say my name. I say, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? Said the boss last night, buying out the bar. Said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that sax? Baby, I've been waiting for the one to blow my mind. That's wanna Kim and Ye. I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax? Hard ass fool, Mr. Know It All. Think you got flood down to a formula. I'm like, boy, stop, run it back. Pack a big guy, Cuba, can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for no one to blow my mind. De 20h à 23h, sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. What you came for. Lightning strikes every time she moves. préfères à moi. Hein, tu préfères Rihanna avec Calvin Harris plutôt que moi. Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. Ah, c'est sûr. Pas de doute. Hein. Ah, je m'en doutais. Hein. Je m'en doutais. C'est que du fun avec lui, c'est incroyable. Hein. Le François Zich est dans la place. Tonton Roger, oui. Et son fils ce soir. Oh. Coralie au standard. Et François Zich. Pardon, Kaufman. Quand je me confonds. À 23h, Vince vous parle sur Fun Radio. En même temps, vous avez déjà entendu un animateur radio qui ne parlait pas. Et il est dégoûté. Mais ça va, si on va dégoûter pour si peu. Un affront. Bon, ça va. C'est un affront. Oh, bien joué. Bon, ça va toujours, Kaufman? Oui, on aura une surprise à vous annoncer vers 22h30. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des surprises dans l'émission, là. Oui. Bah, c'est quoi la surprise? La victoire de la Belgique? 22h30, faut être. C'est quoi la surprise? Alors, j'adore parce que lui, il est producteur de l'émission François Zich. Il est supposé être au courant de tout. Et il est pas au courant. Et quand il est pas au courant, il a peur. Il se dit, ah oui. Non, le timing. Je m'inquiète. Je peux vous donner un indice si vous voulez. C'est quoi? Été. Oh, tu vas offrir un truc pendant l'été. Ouais. Ouais, t'as vu, je grille comme Tonton Roger, il grille les jeux. J'ai toujours. Mais j'en dirai pas plus. 22h30, rendez-vous. D'accord, et tout à l'heure, donc, on a une spéciale radio par le contrôle. Alors, le principe de la radio par le contrôle, c'est d'écouter les autres radios. Oui. Et quand les autres radios, bah, on les écoute, bug. Parfois, on se rend compte qu'ils font des conneries, qu'ils font des bugs. D'habitude, c'est le France aux Ziches. Mais à mon avis, c'est toi qui vas prendre ce soir. Ah, ce soir, ça va être intégralement Fun Radio, intégralement Libre Antenne, je le sens. Pas intégralement, il y aura un peu de tout. D'accord. Mais tu seras dedans. Mais je serai dedans. Normalement. D'accord, bon, bah, ça va être quelques minutes sur Fun Radio. Alors Vince, un salarié chante pour promouvoir des produits du magasin. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé là au Décathlon là? Il s'est passé un truc qui a fait un petit peu le tour du net dans plusieurs sens. Dans le premier sens, c'est l'information. Et dans un autre sens, c'est dans la diffusion. Voilà. Okay. Et ceux qui ont vu l'information se sont dit, ah, j'ai envie de voir la diffusion. Tout comme moi, j'ai cherché. Ah, t'as cherché? Et on a Damien qui est là. Salut, non. Damien. Allô, Damien, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, génial. Excuse-moi. Et toi? Eh ben, ça va, maintenant je t'entends, Damien, pas de problème. Damien, tu as le même âge que tonton Roger, à savoir 41 ans. Je m'entends. Pas de problème. T'inquiète pas, Damien. Et tu viens de tourner 97.4. Alors, Damien, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de Décathlon? Alors, quelqu'un a visionné, a fait un film dans les vestiaires chez Décathlon, des filles qui se changeaient en maillot, et a posté ça sur les chaînes porno sur Internet. Et je ne les ai malheureusement pas trouvés. C'est une bonne réponse. Je les ai, si tu veux. On voit le lien. Justement, ça fera plaisir à tonton Roger. Je dis pas de blague là-dessus, mais ce sont des clientes mineures. Ah oui? Oh, non. Mais je les suis après. Moi, je les suis après. D'abord, j'ai vu l'info circuler, genre, du voyeurisme, un Décathlon. Donc, moi, je cherche après le truc sur le net, je trouve pas. D'accord. Et moi, je dis, bon, j'ai pas trouvé, tant pis. Moi, je pensais que c'était des dames, tu vois, et tout ça. Et après, je vais lire l'info qui va sur un autre site internet et je vois des mineurs. Je fais, bon, heureusement que j'ai pas trouvé. Hein. Oh putain. Heureusement. J'avais trouvé le lien, j'aurais la rigueur envoyé à tonton Roger, c'est tout, tu vois. Quand même pas. J'adore parce qu'il y a son fils qui reste stoïque. Ah, il ne rigole pas. Non, bah, il a compris que c'est le tour. Et toi, il lui a mis de la musique dans les oreilles en même temps. Il lui a mis une autre radio, tu vois. Genre, écoute pas les conneries qui se passent là. Voilà, effectivement, donc ça s'est passé dans un Décathlon en France, figure-toi. Où il y a des dizaines de vidéos qui montraient le visage et la poitrine et le sexe des clientes. Donc ils ont mis des caméras cachées et puis ça a été sur le net. Alors, il est évident que c'est complètement con d'avoir fait ça. Parce qu'il n'y a pas 10 000 personnes qui travaillent. C'est ça. Voilà, dans un magasin Décathlon. Et surtout, quand tu sais que ça prend une ampleur. Pas international, mais quand même national, et quand tout le monde en parle, les enquêtes sont bien plus précises. Moi, je crois que le gars en ce moment, il est en train de flipper. Mais il est viré. On sait pas qui c'est encore. Mais si, ils l'ont trouvé, non? Non, ils l'ont pas encore trouvé. Mais ils vont le trouver. Bien sûr qu'ils vont le trouver, mais il doit être en train de flipper. Moi, qu'est-ce que tu ferais dans ce genre de cas? Ah, j'en sais rien du tout. Et toi, moi, je sais pas, mais en tout cas, tonton Roger, il a fait ses valises déjà. Parce qu'à mon avis, il y aura des perquisitions. C'est pour ça que son fils est là, il part en Colombie après l'émission. C'est ça, exactement. Moi, perso, je sais pas, je pense que j'irai sur l'ordinateur et je supprimerai tout. Je jette mon ordinateur par la tête. Mais ça sert à rien, on s'est quand même récupéré. Ah ouais, c'est vrai, et puis les adresses IP et tout, voir qui a fait quoi et tout ça. Ah, c'est relou. Ouais, c'est relou comme truc. Bon, ça va, heureusement, c'est bien, personne n'a d'idée, c'est-à-dire que personne ici n'est un dangereux psychopathe. Donc tout va bien. Damien, je te fais un gros bisou et merci à toi. Ouais, de rien, bonne soirée. Allez, bon match. Hein. Merci à toi aussi. Salut. Ciao. Coralie a une idée. Ah bon? Ça m'étonne pas pour une psychopathe. Oui, Coralie. Je suis pas une psychopathe, non? Je peux pas dire ça à l'antenne. Bah si, dis-le. Bah non, mais voilà, si jamais t'as fait ça sur un ordinateur, tu brûles tout simplement. Tu vas dans un endroit où tu peux tout brûler. Après, mais il y a peut-être des adresses IP. Mais regarde beaucoup de séries. Hein, c'est pas non, fait. Elle a l'expérience, elle a brûlé les sextapes de Mike Capus. T'as pas vu l'incendie qu'il y avait avant-hier? Non, j'ai pas vu. Ils faisaient brûler toutes leurs cassettes. C'est la fin de saison. Parce qu'ils sont encore sur cassette, les pauvres. Ce qui s'appelle un grand feu de joie. Oui. On est sur Blu-ray. Voilà. Carrément. C'est bien, ça fait de longues heures avec une très bonne qualité HD. Donc tout va bien. Très intéressant d'ailleurs. Hein. C'est vrai, t'as filmé en 4K et tout? Ouais, bien sûr. C'est bon ça. Plusieurs plans. C'était magnifique. Il va y avoir une surprise de fin d'année, je pense, avec un projecteur à Fun Radio. On a Jonathan qui est avec nous. Salut John. Salut, ça va? Yo, bah, ça va très bien. Jonathan, il a 25 ans, il vient de Limbourg. Oui, c'est une ville, c'est pas qu'une région, Limbourg. Okay. Et Jonathan, alors, bon, tu célèbres quelle équipe ce soir? Les Belges. Eh ben voilà, ah, obligé. Et ils ont poussé le truc très très loin à la télévision, ils ont fait les tirages du loto, ils le font en ce moment. Et regardez, est-ce que vous avez vu la particularité du tirage du loto? Oui, moi je l'ai vu, c'est dégueulasse. Alors, c'est quoi la particularité, tonton Roger? Ce sont les couleurs du drapeau belge. Ouais, grave. Les boules, c'est les couleurs du drapeau belge. Ils ont remplacé les boules par des boules noires, jaunes, rouges, en fait. Et en plus, elles sortent dans l'ordre. C'est un véritable scandale. Il y a de la triche. Hein. Ah ouais, c'est... Non, elles sont pas totalement dans l'ordre. Il y a le drapeau allemand là-bas, tu vois. Donc, non, c'est même pas le drapeau allemand. C'est un drapeau rien à voir. Enfin, bref. En tout cas, Jonathan, bon, tu dis combien pour ce soir? Je dis 2 pour la Belgique. Ouais, bien, bien, bien. Et on a Lionel qui est pas trop d'accord. Salut, Lio. C'est vrai? Ouais. Ouais, salut. Et Lio, il a 26 ans, il vient de Châtelet. Alors, Lio, pour quelle équipe? Ben moi je suis, enfin bon, personnellement j'irais la Belgique parce que bon voilà, on est en Belgique. Ah oui. Mais je pense que ça va être très très dur. Donc toi tu penses que c'est la Suède qui va gagner, toi? Franchement, quand on voit la prestation des Belges, bon d'accord, face à l'Italie, on va dire qu'il y a eu un peu de faux des Italiens en dernier quart d'heure, mais quand on voit le match qu'ils ont fait, le deuxième, je les ai trouvés un peu fébriles et pas sur deux en fait. Donc, ils ont assez descendu Lukaku lors du premier match. Ouais. Quand on voit ce qu'il fait Everton, avec deux ailiers, franchement, il est alimenté Ça devient tout le temps. Ouais. Ouais, mais bon, le problème, c'est que je pense que le système de Marcus Motz ne permet pas à Lukaku d'avoir tout le temps... Donc toi, tu voudrais quoi? Tu penses que tu voudrais pas que la Belgique perde, mais tu penses qu'elle va perdre, en fait? Ben, je dis pas ça, mais je dis que ça risque d'être serré. Maintenant, bon, si parce que bon, Kanté a mis l'équipe B, donc maintenant l'Italie pourrait laisser passer l'Irlande. Donc l'Irlande, si elle gagne, si elle gagne, ce serait sa deuxième victoire dans toute l'histoire de l'Euro. Hein. Ouais, ça serait inquiétant. Voilà, mais bon, voilà, c'est l'Euro. Maintenant, on peut pas dire qu'il y a vraiment une équipe qui se démarque cette année. Moi, je trouve que la France. Non, bah la France. Oui, mais bon, la France, lors du premier match, quand on voit toutes les fautes qu'il y a eu effectuées par Evra, bon, on peut dire qu'il y a un peu l'arbitre qui est avec eux, parce que bon, voilà, pays organisateur, voilà, on va dire. Le complot, lui. Pour lui, l'organisateur, c'est toujours le mec. Il a raison, le tirage au sort, il y a un mathématicien belge qui a démontré que le tirage au sort était quelque part truqué. Mais non, il y a Zeblatter qui a parlé de ça. Il a dit qu'on truquait les tirages au sort en mettant des boules chaudes au frigo. Là, je te parle pas de ça. Je te parle du fait que je connais plus les détails exacts, mais en fonction de ta poule, bah, t'étais clairement avantagé. Ah oui. C'est à lire sur le soir d'ailleurs, c'est encore. Oui, bah ça c'est sûr que quand tu te retrouves, si jamais t'es une bonne équipe et que tu te retrouves face à l'Allemagne et l'Angleterre. Mathématiquement, c'était plus favorable de se retrouver dans le groupe A, B ou C, je sais plus. Enfin, c'est très technique, mais. Mais la France n'est pas avantagée. Hein. Ça, c'est si, si. Non, parce que protégés. La France peut affronter l'Angleterre. Je dès te les dis qu'ils sont protégés. Moi, techniquement, je pense qu'il a raison. Il peut y avoir un France-Belgique dès le 8e. Mais on va retrouver l'article, je dirais. Il y a un truc où il faut pas se leurrer. Et ça, c'est intéressant qu'on en parle. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous ou pas. C'est quand même une compétition. Une compétition importante où il y a beaucoup de téléspectateurs. Ouais. Qui, quand elle se passe dans un pays, ce qui fait aussi gagner beaucoup d'argent pour l'UEFA, c'est les entrées du stade. Bien sûr. Et admettons maintenant, la France est éliminée très tôt. Qui va aller dans le stade? Si, si, parce que les places sont déjà réservées. Les places sont déjà réservées. Les places sont réservées, mais pas beaucoup de Français. Mais c'est-à-dire que tu n'auras jamais. Admettons la Belgique et les Pays-Bas. Enfin, les Pays-Bas, ils sont pas là. Les Belges et les Allemands, tu vois. Ouais. L'Allemagne, c'est facile. Ils peuvent rappliquer en grand nombre. La Belgique aussi. Mais jamais ils vont remplir un stade. Hein, ça coûte trop cher. Ils vont diminuer les prix. Mais c'est impossible. Ils remplissent le stade. C'est déjà. En fait, ils ont déjà acheté leurs billets. Ils sont obligés d'y aller. Alors, ils ont déjà acheté leurs billets. Moi, je me rappelle perso d'un truc. L'organisation de la Coupe du Monde Japon avec Corée du Sud. Ouais. Où la Corée du Sud a eu la chance. Ils ont été loin. Mais après, quand le Japon est éliminé, les Japonais, parce qu'ils sont peut-être méga fans, etc., ils ont été au stade, mais ils ont bien dit, allez, je me rappelle, c'était en 2002, hein, ils avaient dit, ouais, l'affluence a vachement diminué. Okay. C'est normal, les gens qui sont du pays hôte, c'est eux qui vont voir pratiquement tous les matchs. Hein, Mais là, tu vois bien dans les matchs de poule que c'est quasiment plein à chaque fois. Hein. Ouais, mais je me demande si les gens pourront continuer à y aller tout le temps. Ouais, je pense, moi. Parce qu'il y a beaucoup de Français dans tous les matchs. Hein, mais ça va se resserrer, plus ça va se resserrer, plus il y aura des grosses équipes. On va voir. Ça sera intéressant. On va voir. T'as même c'est fort parce que même la météo, ils nous font la météo du stade de Nice pour le match Belgique-Suède. Ils vont loin sur la RTBF, ils vont loin. Hein. Ils savent qu'ils font les records d'audience maintenant. Bah, hein. Ouais. Il paraît qu'ils ont 1 400 000 personnes qui sont en train de mater là. Ah ouais? Ouais, ça fait pour la Belgique francophone, ça fait une personne sur trois pratiquement. Hein, oh, dans le genre, C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Ah, ouais. En tout cas, je vous fais un gros bisou, Jonathan et Lionel, et que le meilleur gagne, comme on dit, hein, c'est ça. Hein. Bien sûr, c'est les Belges qui vont gagner, que le meilleur gagne, c'est des conneries. Ça. Faut que la Belgique gagne, on s'en fout. Que le meilleur Belge gagne, ouais. Voilà, exactement. Voilà, ouais. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt, les gars. Salut, à bientôt. Salut. Bye bye. Salut. Portez-vous bien, ciao ciao. C'est parti pour le son de Jennifer Lopez sur Fun Radio. Oui. Avec Ain't Your Mama. On arrive dans quelques secondes sur Fun, bienvenue. I'm gonna work all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. Shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh, yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh, yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that. De Nutella. C'est vous dire s'il est bon. 20h-23h, Vince sur Fun Radio. Bienvenue. Et le match à Belgique qui va commencer dans quelques instants. Mami, je suis impatient. Ah, t'es impatient. Ah. Et après, ça va plus être une émission de radio, ça va être une émission de radio de foot. Il y a Carrasco en plus. Il y a Carrasco qui joue direct. Ouais, ah, ouais. Direct. Et N'Golan. Ah, et N'Golan aussi pour jouer. Ouais. Bah, c'est bon ça. À la place de Dembélé. Attends, vas-y, fais-moi l'effectif là, l'effectif belge là. Bah, Thibaut Courtois, Yara Meunier, Alderweireld, Vermeulen. Alors attends, c'est Alderweireld. Alderweireld. Alderweireld. Voilà, d'ailleurs, tu sais ce que ça veut dire Alderweireld. Alderweireld. Ça veut pas dire altermondialiste. Ah bon? Non, mais quand j'y pense. Weireld, c'est le monde. Weireld, c'est le monde. Et Alder, je sais pas. Alder, je sais pas, le vieux monde, peut-être older. Alder, je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Alderweireld et ensuite Vermeulen. Non, Vermeulen. Vermeulen. Vermeulen. Vermeulen. Vermeulen. Oui, voilà. Voilà, il est français, lui, on voulait pas. Hein. Vertonghen. Vertonghen. Vertonghen. Vertonghen. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Vertonghen. Vertonghen. Mais tu sais pas parler français toi, Vertonghen. Vertonghen. Ok, non, on dirait sur ton gun. Ensuite N'Golan. N'Golan, Witzel. Ça se trouve N'Golan on le prononce très très mal en fait. Parce que c'est d'origine thaïlandaise, ou vietnamienne, je sais plus très bien. Liberdard, ensuite Witzel, Carrasco, De Bruyne, Hazard et Lukaku. Et il dit bien De Bruyne. Ouais. Comment t'appelles l'entraîneur de la Belgique? Wilmots. C'est bien, tu dis pas Wilmots. Bah non. Ah, en France, vous l'avez appelé Wilmots pendant très longtemps. Ouais, ouais. Ah. Et t'as connu le grand défenseur belge là qui a pris sa retraite il y a pas très longtemps, qui a joué à Marseille d'ailleurs. Van Buten. C'est bien. Vous l'appelez Van Buten d'habitude. Mais non, Van Buten. Si, je te jure, vous l'appelez Van Buten. Oh, ouais, si, si. Pierre Ménès, il l'appelait comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Van Dépend. Voilà, Pierre Ménès, le pauvre, à part son ventre, c'est difficile. Voilà. Enfin bref. Bon, les amis, Give Me Five, on va le lancer tout de suite. On a Corentin qui est là. Salut Corentin. Salut. Yo. Hello. Corentin, ta saison est une d'où, dis-moi. Je viens de Fresnes-lès-en-Vin. Ah, mais c'est pas très loin d'où on était hier, de Lezan-Hainaut. Ah. Ah bah non, j'étais en libre antenne avec toi. Ah bah, ouais, bah encore mieux ça, Corentin. Ça veut dire, ça veut dire quoi? Mais alors, est-ce que t'as kiffé la soirée hier? Ah, c'était super, Vince. Ah bah écoute, je suis content de savoir ça. Attends, Corentin, je voudrais savoir, est-ce que tu fais partie des jeunes à qui j'ai filé justement les accès pour assister à l'émission? Ah bah c'était nous. Ah bah voilà, ok, d'accord. Mm-hmm, non, favoritisme. Bah écoute, je les ai croisés, ils m'ont dit ouais Vince, s'il te plaît, ça me ferait plaisir et tout, allez. Et je leur ai filé 4 bracelets. Je vous dis pas comment on m'a gratté après. Ouais, c'est sûr. J'aurais voulu qu'il y ait. Le dos, t'as gratté. Mais le au final, quand Rov est arrivé, c'était plus possible, il y avait 100 personnes dans ce studio. C'était blindé, c'était. Ouais, irrespirable. Ah mais bah, c'était chouette. Oh, bien sûr. Ouais. Alors Corentin, bah, bienvenue à toi, j'espère que tu vas pouvoir gagner ce soir. Tu es prêt pour jouer au Game of Five? Ouais. Alors tu veux faire équipe avec qui? Entre Tonton Roger et Kaufman. Kaufman. Alors j'aurais vu derrière, il y a quelqu'un d'autre qui a dit Kaufman. Eh ben ça va, on va lancer ça avec... Ah, on t'entend, allô Caroline. Oui. Caroline, là, depuis là tout à l'heure elle parle dans le standard. Ouais. Elle tu sais, elle attendait pas que je l'introduise dans l'émission. C'était en mode, je voyais le vue-mètre, on a un vue-mètre qui nous permet de voir quand les gens parlent et tout, quand il y a du son. Je le voyais depuis le début, mais elle est en train d'être activée, tu vois. Je me dis, la meuf elle est en train de parler, genre, je suis là. Elle est pressée. Pas toute seule. Bonsoir Caroline. Caroline de Verviers. Oh là là, je sens. Est-ce que ça sent pas la Téné Verdi ça? Non. Oh, je sais. Si, si. Si, quand même. J'ai reconnu la voix. Il se passe un truc. Mais non, parce que Tonton Roger il gagne tout le temps. Tonton Roger il gagne tout le temps. Bah oui, du coup j'ai voulu le prendre. J'ai voulu le prendre. Alors, on va faire un truc, les filles, et Tonton Roger. On va vous laisser ensemble. J'ai l'impression que vous connaissez bien. C'est bizarre, hein. Voilà, parce que. Alors, mais non, mais je veux bien, mais une fille qui passe à l'antenne fait mais je le reconnais, c'est elle, j'ai reconnu sa voix, etc. Et je veux le prendre. Ça me fait peur, hein. Elle a quel âge? Elle a 14 ans. Ah, ok, c'est bon. Voilà. Bon, Caroline, on est d'accord, t'es Caroline de la Téné Verdi. Oui, hein. Mais attends, ah bah voilà. Présente la belle-mère, hein, Patrick. Alors Caroline, t'es avec qui à côté de toi? Fanny. Eh bah voilà, Fanny. C'est les deux demoiselles qui ont organisé notre venue. Celles qui ont fait la bâche. Elle est passée où cette bâche d'ailleurs, je la vois pas. Bah on l'a jamais eu. On l'a récupérée, on est parti avec. Tu l'as récupérée. Mais je l'ai récupérée, mais je l'ai remise ici, mais en studio, mais en bureau, mais je la vois plus. Quelqu'un me l'a piqué. Quelqu'un me l'a piqué. L'open space, il l'utilise pour faire le ménage. Tu t'imagines, purée. On va la retrouver, y a pas de souci les filles. Bon, Caroline, tu vas équiper avec Tonton Roger, c'est bon pour toi? Oui. Eh ben super, je rappelle le principe du Give Me Five, on téléphone à des hôtels. Ouais. Et il faut tenter de placer 5 mots dans des conversations logiques. Ah oui. Alors, c'est quoi tes mots, Kaufman? Moi, c'est licorne, bah, peut-être rapport au franc, j'en sais rien. Shampoing, autoroute, raclette. Et mon truc, c'est. Moi, j'ai besoin d'amour, je veux des bisous partout sur mon front. D'accord, ok. Ah, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup de bisous. Hein. Ouais, c'est sûr. Même une baleine, elle peut t'embrasser, ça fera une petite marque, tu vois, sur ton front. Hein. Eh ben, très bien, on lance ça dans quelques instants. Dimitri Vegas avec Line Mike, Arcade, c'est ce qui va débarquer aussi. À tout à l'heure dans l'émission, on a une surprise à 22h30. Ah oui, apparemment. Voilà, une surprise et le seul mot-clé qu'on a reçu, c'est été. Ouais, oui. Je ne connais même pas. On va faire une annonce. Ah, d'accord. Plusieurs annonces pour vous prouver que la libre antenne sera là en force. Très bien, je suis curieux, tiens. Et oui. Très curieux. Demi-Chun également va arriver, on a le TTFX, la radio perd le contrôle, très spécial. Oui. Le jeu, tu réfléchis même pas trop, ça fait longtemps, tiens. Ah, ça fait longtemps, hein. Ah, il revient, ça fait 4-5 mois, là. 3 mois. 3 mois, hein. Ouais. J'aurais dit 4 mois, tiens. Bon, pas grave. Le Rollin' Style, le mot de la fin, on va tenter d'appeler Dominique aussi. Oui. Et comme, alors bon, Kaufman, le truc, c'est que sa voix, on la reconnaît. Oh. Et si c'était Patrick, le fils, bah, c'est un vrai Patrick. Il s'appelle vraiment Patrick. Donc, ce serait fort que le fils de tonton Roger, qui est avec nous en studio parce que c'est les vacances, donc il est bien, ça dit d'appeler Dominique tout à l'heure ou pas? Ok. Tu fais genre, t'es tombé sur son numéro de téléphone, t'es perdu dans le serein, il faut qu'il vienne te chercher et tout ça. Et après, il va demander ton prénom. Et le truc, c'est qu'on va pas mentir, il s'appelle vraiment Patrick. Ça, c'est drôle. Ah, ça. C'est pas mal ça. Et bon, on va faire ça tout à l'heure sur Fun Radio. Bougez pas, libre antenne. Dimitri Vegas, Lagman, c'est Arcade, ça ce qui arrive. Dans quelques minutes d'ailleurs aussi, le match de la Belgique. Enfin. Yeah, enfin, tu vas pouvoir. Belgique, Suède. Parier. Et tu paries ou pas? Ouais, d'office. À combien? Ouais, je sais pas. Je sais pas encore, je vais voir les stats, attends. J'ai pas envie de salaire. Pas envie de m'endetter non plus. Hein. Bienvenue sur Fun. Voix de Fun Radio. J'écoute Vince de 20h à 23h car ça met de bonne humeur. Gagnez votre smartphone Alcatel Pop 4 5 pouces grâce à Fun Radio. Toute la semaine, écoutez Evan et la tribu dès 6h et l'Happy Hour avec Audrey dès 17h. Et repartez avec votre smartphone Alcatel Pop 4 avec son processeur quad-core et son écran 5 pouces en envoyant Pop par SMS au 6322. Un message. Les cadeaux high-tech, c'est uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio, partenaire de DJ Mag Belgique. Le seul magazine de référence sur le DJing, le clubbing et les musiques électroniques. À la une du nouveau DJ Mag, retrouvez le phénomène Kygo. Des interviews de Boy Noize, NK, Gareth Emery, Uppermost. Un dossier spécial avec l'analyse complète du Top 100 Club. Découvrez les 100 meilleurs clubs de la planète, mais aussi toutes les news sur la saison 2016 à Ibiza. Pas de doute, toute l'actualité DJ, clubbing et électro est dans DJ Mag, en kiosque et sur djmag.be. Avec Fun Radio, le son dance floor. Votre série inédite tous les jeudis à 21h45 sur Plug RTL, Lost Girl. Pourquoi j'ai le pressentiment qu'on ne va jamais se revoir? T'inquiète pas, je vais revenir. Dans un monde fantastique, choisira-t-elle le bien ou le mal? Si j'assassine le Fren, il y aura une autre chasse à cour ou elle sera nommée automatiquement? Malheureusement, tu choisis le plus mauvais moment. Ce soir, c'est la lune de sang. Je peux entrer en transe et voir l'avenir. Lost Girl, saison 2, tous les jeudis à 21h45. Plug RTL. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio présente Maître Gims en concert. Samedi 10 décembre, Maître Gims va enflammer la scène de Forêt Nationale à Bruxelles. Le leader de la section d'assaut qui a déjà écoulé plus de 2 millions de disques revient en Belgique pour une date unique. Maître Gims, en concert le 10 décembre à Forêt Nationale avec Fun Radio. Place en vente sur Sherpa.be. Plus d'infos sur funradio.be. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Comment tu te llamas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita. Piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti como bailas así. Con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por ¿de dónde llegaste? Ni pregunté. amanecer. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky, Jam, Saga White Black, La Industria Inc. De 20h à 23h, Vince vous parle sur Fun Radio. En même temps, vous avez déjà entendu un animateur radio qui ne parlait pas? Et voici Dimitri Vegas avec l'iMike. Le single s'appelle Arcade. Ouh là là. Et ça, c'est un avant-goût avant les festivals de l'été. Hein. Ah. C'est enfin, un jeu d'arcade ou c'est... Non, non, ils ont appelé ça Arcade en fait. D'accord. Enfin, festival de l'été à Longimolo, il fait encore un petit peu pourri là. Dimitri Vegas, Like Mike, Arcade, c'est tout de suite. 20h52, on en direct. Attendez, pas de temps. Si, la liberté. Encore, regarde. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Ouais, allez, oui, les gars, il commande dans la classe. Allez, allez, on va taper des goals. On va niquer Ikea ce soir et Volvo. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Bon, Belgique contre Suède. Les amis, on a balancé le match. Là, ça y est, on est en direct. Désolé si vous n'aimez pas le foot. Et vous allez en manger ce soir. Voilà, oh, Zlatan. Et comme par hasard. On commence par l'hymne national suédois et on monte la tête de Zlatan en bon viking, tu vois. C'est le capitaine. Ouais, ouais, bon, d'accord, mais... Mais faut avouer, il est quand même impressionnant comparé à tous les autres. Ah, hein. Ça, c'est sûr. Les autres, on dirait des Playmobil. Bon, allez, on va couper le son. Ils sont en train de faire les hymnes nationales, là. Les hymnes nationaux, pardon, excusez-moi, je me suis rattrapé. pas de bêtises, hein. Et les beaux gosses, par contre, leur premier ministre ou leur souverain, je sais pas très bien qui c'était. Je sais pas. Mais c'est pas grave. Ouais, nous, ils nous ont montré la tête de Didier Reynders. Je sais pas ce qu'il foutait là-bas. Ah ouais, hein, Didier Reynders, tu connais pas, toi. Non, c'est... Bah, il était en match précédent avec le roi. Mais il est ministre de quoi, lui, maintenant? Reynders? Ouais. Des finances? Non, plus des finances maintenant. Des affaires étrangères. Voilà, des affaires étrangères. Genre, hey, les gars, ça se passe en France, c'est mes affaires. C'est mon cabinet à moi, je veux des places pour la France, là. Il est malin, incroyable, il est malin, lui. Hein. Alors bon, vos messages au 3044, on les check en live, on va continuer avec le Give Me Fire, on va surtout commencer. Caroline, t'es la première, est-ce que t'es prête, Caroline? Oui. Ah, génial. Caroline, attention, tes mots sont les suivants. On a porc, ramadan, gorge... Au bon aidé. Et on salue tous nos amis qui font le ramadan. Encore une heure, oui, les amis, bon courage. Une heure. Allez, courage. Et après, tu manges, tu bois, tu te fais plaisir. Ah là là. C'est parti, on appelle. Je compte sur vous, les filles. Ça va, pour l'instant, c'est pas trop chaud. Il fait pas trop chaud. Ouais, ça commence, là. Attends, Vince. Ouais, dis-moi, Vince. Ça sonne, dis-moi. Le dernier mot, c'est bonnet ou bonnet D? Bonnet D. Un bonnet D. C'est une référence, c'est une auditrice qui nous écoute toujours. Elle s'appelle Valérie, elle est dans son étable et elle a un bonnet D. Vite. Dis allô. L'hôtel parle pas. Allô. Attends. C'est perdu. Ouais, non. Ça a décroché super vite. Non, on va laisser une chance. Quoi? La personne doit dire allô clairement. Bah, oui. Il y a du favoritisme. Non, la personne doit dire allô clairement. Et puis, si j'ai envie de faire du favoritisme, je peux en faire. C'est ça, oui. Malheureusement, oui. Alors, c'est parti, on y va. On rappelle. Et ben voilà, on a un bisou de bonne idée qui nous écoute. Ok. Valérie, toujours à l'écoute. Hein. Elle a un bonne idée. Elle a un bon aidé dans son. Quand tu dis ça, toi? Parce qu'elle nous l'a dit, c'est pour ça qu'elle signe toujours bon aidé. Okay. Elle nous a dit ça en 2013, hein, pour vous dire. Merci de patienter quelques instants. Nous allons prendre votre appel. Il joue à pile ou face entre Zlatan et Hazard, là. Oh, comment Hazard est plus petit que lui? De formation et de qualité, cet appel peut être enregistré. Ah bah chouette, comme ça fera un super point. Merci de patienter quelques instants. Nous allons prendre votre appel. Il garde le magique. Hôtel Binbin, mon plaisir, Adji, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais avoir quelques informations, car ce n'est pas Internet. Oui. Alors, est-ce que il y a du porc au souper? Vous avez appelé à l'hôtel Binbin, mon plaisir, madame. Allô? Oui, parce que je fais le ramadan, donc... Ce qui, techniquement, n'a rien à voir, hein. Parce que même quand tu fais pas ramadan, tu manges pas de porc. Hein. Mais elle se rend compte. Madame, vous êtes à l'hôtel Binbi, mon plaisir. Normalement, ça doit être quelque chose de logique. Hein. C'est pardon, la base j'ai mal à la gorge. Oui, vous avez appelé à l'hôtel Binbi, mon plaisir. Ça va. C'est pas logique, hein, quand même, pour la discussion. Vous avez de l'eau? Bah si. Elle pose des questions. Et. 3. Madame? Non, bah, elle a mis du temps, mais elle a raccroché. Ah, allez, c'est 3. Non, mais elle l'a placé quand même. Ouais, mais elle n'a pas répondu. Elle l'a placé. C'est pas validé. Non, elle l'a placé, il faut le placer. D'accord. Allez, fais pas de mauvais front comme ça. Caroline, bravo, c'est bien, 3 sur 5. C'est sympa. Bisous à Fanny qui est derrière toi. 4. Non, c'est 4, pardon. 4. Mais c'est pas vrai. Ça va. On a Corentin. Corentin, t'es prêt? On a un Kaufman. Oui, je suis prêt, Vinny. Allez, Corentin. De Fran Léonvain est avec nous hier dans l'émission. En plus, ça va en direct du CBS. C'est parti. J'en ai marre ce truc. Comme je suis en overboard, je me ramasse un drapeau belge dans la gueule. Bah, c'est bien. Bah, attends, je vais l'accrocher quelque part là. Ah, mais y a pas moyen. Bon, allez, bah, c'est pas grave, c'est une circonstance. Bon, Corentin, on appelle. T'as vu, c'est beau aussi. Et les mots de Corentin sont. Eh bah, comme par hasard, overboard. On voit où est-ce que vous cherchez votre créativité. Bonbon, nuage multicolore, LSD et sorcière. Ces stagiaires, ils font n'importe quoi. C'est quoi du LSD, tonton Roger? Hôtel Alexandra, Stéphania, bonsoir. Après. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que, par exemple, dans votre hôtel, est-ce que vous auriez des bonbons, s'il vous plaît? Des bonbons pour la gorge? Oui, parce que je suis malade. Mmh. Et oui, est-ce qu'il y aurait moyen de faire de l'overboard? Un thé chaud aussi, ça peut aller avec du miel. Un peu de sucre. Ça va. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire de l'overboard, s'il vous plaît? Mais il a déjà dit, c'est bon, c'était déjà. Non, pas chez nous, je suis désolée, mais je pense, notre voisin, l'hôtel d'aîné, je pense qu'ils le font. Allez, continue. Et on voit les clients pourris du côté. Est-ce que vous auriez une cage pour mettre ma sorcière de mer, s'il vous plaît? Ma sorcière de mer? Non, mais je pense aussi que l'hôtel d'aîné est un nain. Pas mal, continue. Est-ce que on peut prendre du LSD chez vous? Non, mais attendez, je vous donne le numéro de l'hôtel de Attendez, on va les J'ai juste envie de savoir, est-ce qu'il y a des nuages multicolores chez vous? Ah oui, non, mais ça c'est génial, c'est on en a de toutes les couleurs. C'est 5. Ah, ça va. Merci, madame. Alors, Corentin, c'est pas mal, mais il y a eu deux mots qui ont été placés après une minute, donc ça fait 3. Ah, 3. Ça fait 3. Malheureusement. Gakko, il est dégoûté. Il est dégoûté, Kaufman. Il est mauvais joueur, celui-ci. Mais attends. Bah quoi, plus d'une minute, c'est la règle. Ouais, d'accord, je vais t'en foutre des règles. Mais c'est pas grave quand même. Bah oui, bah, si, c'est grave. Bah, c'est un jeu. Ça va faire que tu vas plus te donner pour gagner. Bah ouais. Bon, Corentin, 3 sur 5, c'est très bien. Attention, t'es prêt, Kaufman? Non. Allez, c'est bon. C'est quoi tes mots? Licorne, shampoing, autoroute, raclette. Moi j'ai besoin d'amour, je veux des bisous, j'en veux partout sur mon front. Il dit ça de manière... il est dégoûté. Et il lance son du match entre Suède et Belgique. Ça y est, C'est parti les amis. Et déjà une attaque pour la Belgique. Ouh là là, attends, une belle attaque pour la Belgique. Ah, qu'est-ce que ça donne? C'est pas vrai, on va taper notre mégot. Le space, il a de l'espace de ouf. Oh, oh là là. Eh, hey, bien joué hein. Witzel. Ouais, tir de Witzel là. Bon, malheureusement, il a tiré un peu comme au rugby, tu vois. Mais ouais, c'est dommage. Ah, c'est dévié, ça a été dévié. C'est dévié. C'était cadré à la base, mais c'est dévié. Hey, première occasion après 2 minutes 30, c'est bon ça. Pas mal. Ça fait plaisir. Allez, voici DJ Snake sur Fun Radio, ça s'appelle Talk, c'est son nouveau single. D'accord. Il est vachement bien, il met de bonne humeur comme ça. Sympathique. Il est très été. Ah, sympa. Ah, ça veut rien dire été, tu vois. Il y a soleil, dire, piscine, ouais. La totale, tu vois, la belle-mère. Ah là là. Faut pas la belle-mère. La belle-mère. La jolie mère, la mère. Ah, où tu vas nager, tu vois. Allez. Belle-mère. La belle-mère. La jolie mère, la mère. Ah, où tu vas nager, tu vois. Allez. C'est dévié. Hey, première occasion après 2 minutes 30, c'est bon ça. Pas mal. Ça fait plaisir. Allez, voici DJ Snake sur Fun Radio, ça s'appelle Talk, c'est son nouveau single. D'accord. Il est vachement bien, il met de bonne humeur comme ça. Sympathique. Il est très été. Ah, sympa. Ah, ça veut rien dire été, tu vois. Il y a soleil, piscine, ouais. La totale, tu vois, la belle-mère. Ah là là. Faut pas la belle-mère. La belle-mère. La jolie mère, la mère. Ah, où tu vas nager, tu vois. Allez. La belle-mère. La jolie mère, la mère. Ah, d'accord. Où tu vas nager, tu vois. Allez. Ah oui, paye. Oh, c'est passé à deux doigts là. C'est que par Fear of Me. Bah, j'espère bien. Actuellement, et alors ça joue. Ça joue bien. Hein. Ça joue pas au milieu de terrain, les gars. Là, si. Alors, matez pas le match parce que comme ça, vous continuez à nous écouter. Mais je peux vous donner les résultats et vous dire un petit peu comment ça se passe. Mais pour vous donner un petit peu la physionomie du match, j'ai toujours rêvé d'utiliser ce mot, physionomie. Ouais. Et ben, ce qui se passe, c'est que la Belgique et la Suède. Alors, j'ai coupé le son parce que c'est un petit peu relou. Voilà, c'est voilà. Bon, comme ça c'est mieux. La Belgique et la Suède en fait jouent vraiment dans leur partie de terrain. Ça se joue pas vraiment au milieu de terrain, c'est un côté de l'autre, un côté de l'autre quoi. C'est du tac au tac. Ah, ça va vite. Hein. Et la Suède prend des risques, hein. Tu vois, qu'ils sont vachement portés vers l'attaque, donc ils ont des espaces de ouf au niveau de la défense et au niveau des milieux. Donc la Belgique en fait est en train de jouer sur des, bah, c'est pas la possession de balle, mais surtout sur des attaques rapides, des jeux en un temps et des contre-attaques sur les ailes. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai fait mon Rodrigo Benkens. Hein. C'était très technique, hein, je suis désolé, mais j'essaie de vraiment expliquer un petit peu ce qui se passe et ça joue du tac au tac. Non, mais pour l'instant, bien, on est dans le. Ah, mais j'ai travaillé à la rédaction des sports de l'RTBF. Hein. Mais ça s'entend. Ah, bon. Alors, par contre, ça joue dans la surface de réparation. La Belgique fait tant bien que mal, tente de se dégager avec la Suède. La Suède joue, et ils jouent serré, hein, ils jouent chaud. Hein. On dirait vraiment qu'ils ont envie de gagner ce match, les Suédois. Ah oui, ils ont intérêt de la gagner. Et les Belges aussi, d'ailleurs. Hein, ouais, les deux. Bon, remise en jeu pour la Suède. Les amis, on continue tout de suite, vous êtes prêts? Oui. Oui. Ah, c'est bien. On commence avec. avec Kaufman. Kaufman. Infériorité numérique. Kaufman, on appelle. Oui. C'est parti, bon courage à toi. Merci. Il faut placer tes 5 mots et ta phrase dans une conversation logique avec un réceptionniste d'hôtel. Oui. Vas-y de front. Ouais. Rentre dedans. Toute l'équipe de l'hôtel communique en qualité vous remercie de votre appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Fabrice Licorne à l'appareil. Je vous appelle pour réserver une chambre, s'il vous plaît. Mais d'abord, pour la localisation, vous êtes près d'une autoroute, vous ? Alors, près d'une autoroute, écoutez, non, en fait, on est exactement dans le 13e arrondissement. Oui, je sais, mais ça je sais, je l'ai vu sur Internet. Dites-moi, j'aurais 2-3 questions pour vous. Dans les chambres, est-ce qu'il y a du shampoing ou est-ce qu'on doit amener ces produits ? Ah bah écoutez, on est à 4 étoiles, donc vous avez tout nécessaire dans les chambres. J'ai la chevelure très sensible, il me reste très peu de cheveux, en fait. Ah, je vous en prie, vous moquez pas de moi quand même. Il connaît bien. Non, là, je m'en vois de vous. Non, est-ce écoutez, que, est-ce que pour le repas, vu que vous êtes un 4 étoiles, on peut avoir de la raclette ou de la choucroute ? Écoutez... Si je la commande avant. Bah, écoutez, venez, vous allez voir d'accord. Vous-même. Hein. Dites-moi, moi, et j'ai... vous allez nous... Comment dire ? Moi, j'ai besoin d'amour, je veux des bisous partout sur mon front. Bah écoutez, on vous attend. Merci monsieur, bon, à tout de suite. À tout de suite. 5 sur 5. Bravo. Bravo. Bien magnifique. Joué. Magnifique. Bien joué, Kaufman. Merci, merci. Tu joues comme l'équipe nationale belge, là, pour l'instant, tu joues bien. Espérons qu'elle fasse aussi bien que moi. Ah, j'espère aussi. Bah, comme a dit Tonton Roger, il faut que ça attaque de front. Exactement. C'est oui. Important. Bon, Tonton Roger. Oui. La pression, puisque pour l'instant, ils sont à 8 sur 10. Hein. Ouf. Oui, pas mal. Et tu fais équipe avec Caroline, pardon. Alors. Et je vais faire avec ma fille. Avec mon fils. Sérieux, vous partagez le truc ? On partage le truc. Il y a le fils de Tonton Roger qui est avec nous ce soir. Là. C'est les vacances, donc il est venu, c'est normal. Hein. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, ils sont avant dans le match, mais il y a du monde en studio. Faites ouais. Du bruit, Ah, ça fait plaisir ça. Mmh. Il monte ses muscles, il est fou. Non, non, ça a un peu fondu là ces derniers temps. Hein. Bon, allez, Caroline, tu peux encourager Tonton Roger et son fils. C'est parti. Allez, Tonton Roger. Et son fils. Il s'appelle Patrick. Il s'appelle Patrick, ouais. Allez, Patrick. Elle sait. Salle de casting. Le Lyon Métropole met également à votre disposition plus de 1000 mètres carrés de séminaires non professionnels. Le Lyon Métropole, résidence Spa, alors. Bonsoir, Pierre Contina apparaît. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je vous téléphone pour réserver une chambre pour moi et mon fils. Papa, n'oublie pas de réserver une babysitter aussi. Non, mais attends, voilà. Donc, il y a moyen de réserver une chambre pour moi et pour mon fils et à la limite aussi pour la babysitter. À quelle date vous voulez réserver, monsieur ? Pour la deuxième quinzaine. Voilà. Vous avez quelqu'un pour qu'il puisse pour lui chanter une berceuse, parce qu'il est quand même jeune. Comment ? J'ai pas compris votre demande. Vous l'avez dit quoi ? Non, mais je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait lui chanter une petite berceuse, voilà, du style. Mettez où, Patrick ? Mettez pas là. Mettez où ? Pas là. Mettez où ? Pas là. Mettez où ? Pas là. Mettez où ? Pas là. Mettez où ? Pas là. Mettez où ? Pas là. Mettez où ? Je crois que c'est gagné. Mettez où ? Pas là. Mettez où ? Pas là. On laisse comme ça. Mettez où ? Pas là. Merci. Pas là. C'est gagné ! Alors, vous deux, vous formez un beau couple. Vraiment. Alors, un beau couple. J'adore parce qu'ils faisaient ça avec, tu sais, une telle... Un tel détachement. Ils étaient en train de lire leurs feuilles. Ouais, ils ont vendu du rêve. Pas là. Mettez où ? Pas là. Mettez où ? Et tu sais, il passe le micro à son fils. Pas là. Et le pire, c'est que au lieu de se regarder et de jouer un peu entre eux, ils continuent à lire le texte. Donc le mec, il dit, mettez où ? Et son fils, il dit, pas là. Et à chaque fois, il lisait, tu vois. Vous avez vendu du rêve, les gars. Merci à mais vous. Mais ils ont gagné. Oui, et c'est la grande victoire du coup, ce soir de Caroline. Bravo, Caroline, bravo, c'est gagné. Bravo. Merci. Avec plaisir, ma chérie. Je te fais un gros bisou. Bisous bien à Fanny fait. Aussi. Et je te passe Coralie tout de suite, ça va ? Oui ? Dis-moi, je t'écoute. Tu peux regarder le message de Fanny sur Facebook, s'il te plaît, dès que t'as le temps. Sur quelle page ? À quel endroit ? Ton Facebook. Mon Facebook. Toi aussi, tu fais dans les jeunes. Le privé. Oui, mon privé qui n'est plus privé depuis 2000... Non, tu verras comment on t'écoute. Il y a le style où t'as le style où tu l'as pas, tu vois. Ah d'accord, je suis très curieux de voir ça. Alors À poil, merde. Alors je regarde après. Je vois que Fanny m'a envoyé prêt à vous écouter. Joli avec la décoration de la Belgique et tout. Avec les. Oh putain, non, rien à voir avec les canettes de bière. Des chapeaux en canettes de bière. Quoi, ça, vous... Tu sais, les chapeaux qui tiennent des canettes de bière. C'est de l'ice tea. Ouais, c'est de l'ice tea, pardon. C'est pas des canettes de bière, on va déconner. Et alors, t'as une paille et tout. Ah, sympa ça, ouais. Ah, c'est pratique, c'est sympa ça. Ah, c'est bien ce truc. Je devrais mettre ça quand je vais courir, tu sais, faire des courses et tout. Ça a un peu l'air d'un con, mais c'est pas grave, c'est ça. L'air d'un con. Bon, ouais, je vous dis bisous les filles, à bientôt. Merci Fanny, merci Caroline. Bisous. Bisous. Bye bye. Bisous. Et Corentin, bon, ça sera pour une prochaine, hein, Corentin, t'as bien joué en tout cas. Ouais, je peux juste demander un truc. Vas-y, demande. Je fais un gros big up à Lorelai Vanek et à Richard Coulon. Eh ben, pardon. Et Sean Hug. Eh ben, super. Et on les salue aussi. Et ouais. Merci Corentin, big up à toi. Hein. Bisous, bisous. Merci. Ouais. Ciao, bisous, bisous. Qu'est-ce qui arrive tout de suite, la Françoisiche? On a The Mission, on a également une deuxième battle. La radio perd le contrôle, TTFX, réfléchis mais pas trop. Le rôle, le style, le mot de la fin. Dominique. Oui, et on essaie d'appeler Dominique. Ah, ça va être bon ça. Et Suède-Belgique, 0-0, un quart d'heure de jeu. On peut dire que ça joue très bien. On peut dire que ça joue très bien. Et si on se faisait une petite occasion, voir s'il va y avoir une occasion là. Peut-être. Ah, tu sais quoi, on va laisser ça. Allez, on laisse un peu le match pendant genre 2 minutes. Ok. On en profite, hein. Ça se trouve, on va peut-être avoir un goal en direct. Ça me ferait plaisir en tout cas. Hein. Zlatan, il a déjà l'air crevé. Il a l'air fatigué, hein, Zlatan. Ah, c'est foutu pour lui. Et Larsson, j'ai l'impression, je sais pas, à chaque fois que je le vois, je pense à Nicky Larsson, moi, pour la première. Ah ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a chaque année, tous les 10 ans, il y a un Larsson. T'as un Larsson qui est super bon joueur et qui est attaquant. C'est vrai. Il y avait pas Henrik Larsson à l'époque, là. Si, c'est ça, ouais. Voilà. Oula, alors c'est bon, ballon récupéré par la Belgique dans son camp, devant le gardien de Thibaut Courtois. Ah, ils se sont pas compris, là. Ils ont voulu faire la passe à Dolberold. C'est Meunier qui a récupéré. Et attention parce qu'ils sont en train de construire, les Belges sont en train de construire, ils vont tenter d'avancer. Je vous dis un petit peu comment ça se passe. Ce match est important pour la suite de la compétition, les amis. Hein. Je tiens à le préciser quand même. Alors, du coup, on va être éliminé ce soir. On peut l'être. Ouais, mais c'est vraiment. Bah, c'est vraiment. Il y a l'Italie qui joue en même temps. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, Eden Hazard est sur le flanc gauche. On a Witzel qui est juste derrière lui. Un beau centre en profondeur pour Yannick Carrasco sur le côté droit. Il récupère ce ballon en plus. Il en a perdu le contrôle. Et malheureusement, c'est une remise en jeu. Enfin, coup d'envoi au 6 mètres. Voilà. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on dit un coup d'envoi au 6 mètres. Mais c'est pas grave. Bon. Je sais toujours pas pourquoi. Hein. C'est un coup de pied de but. Le coup de pied de but, on appelle ça un renvoi au 6 mètres. Ah bah oui, parce que le ballon est à 5 mètres 50 de la ligne. Bah, ils auraient dû dire un renvoi au 5 mètres 50. Ou un renvoi au 5 mètres. Toujours à arrondir, là. Allez, Face. Avec Afrojack, ça s'appelle Hey. Et c'est tout de suite, c'est en fin de radio, on est en direct, j'espère que ça se passe bien de l'autre côté. On va accueillir Soufiane dans quelques instants pour lancer le demi-shun de ce soir. Et je me demande bien ce qui va se passer. Ah, tu verras. Je suis très curieux. Ouais. On va lui donner une mission, s'il réussit, c'est gagné. Yeah. See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling, why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you want? I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love. I say, would you call me? I say, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? A sign of love. I say, would you call me? I say, hey, hey, hey. Would you stay with me? I say, hey, hey, hey. Sorry, you don't have to be alone. I love to see you smiling, why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you want? I know when you're gone, you're just looking for a little. I say, would you call me? I say, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? A sign of love. I say, would you call me? I say, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I say, hey, hey, hey, I say, hey, would you come with me? I say, hey. Yeah. Allez, bienvenue sur Fond dans un... Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Qui essaie de faire le commentateur sportif. Parfois, le commentateur sportif, il trouve des mots. Ouais. Hors contexte. Des expressions. Genre, c'est une belle attaque, on l'a senti vraiment dans son exutoire. Il y a un mot qui sort de nulle part, comme ça. Voilà, ça joue plutôt bien. On se retrouve très souvent devant leur goal. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on a difficile. On panique un peu, j'ai l'impression. J'ai une impression. C'est compliqué. Mais on a faim, ça se voit. Kaufmann. Oui. La vie est belle, Kaufmann. Bien, merci. Kaufmann, ça fait des semaines, je le sens fatigué. Hein. Il est mort. Lui, il a besoin de vacances. Et besoin de vacances, attends, il va faire une émission pendant l'été, là c'est officiel, hein, ça y est. C'était sa surprise. C'était sa surprise. Merci Vince. Bah, ça va, je lui dis que tu vas faire une émission pendant l'été, on n'a pas dit laquelle, hein. Peut-être tu vas faire un truc qui dure 30 secondes. C'est vrai. On ne sait pas, il n'y a pas plus d'infos. Hein. J'ai failli donner le titre, le nom de l'émission en plus. Hein. Ouais, c'est ça ta surprise de 22h30. Ah, t'es déçu en plus. Juste ça quoi. Attends, il y a toute la libre antenne qui va envahir la grille d'été. Tu devrais être fier. Ça c'est bien. Ah, le matin je serai pas et là. L'après-midi. Ouais. Vous allez prendre Tonton Roger de temps en temps, j'espère. Ouais, c'est ça. Le ouais. prendre. Calmons-nous. Non, vous allez avoir Tonton Roger, j'espère, de temps en temps. Ouais, moi je suis fier parce que mes équipes se retrouvent un petit peu partout. On va donner les horaires après. Voilà. Même Coralie oui, elle va être ailleurs aussi. Mais c'est elle parce qu'elle a couché. Voilà. Et moi je vous ferai des lives Facebook depuis mes vacances un petit peu partout dans le monde. Depuis Tokyo. Voilà. Ah, pas forcément que Tokyo. Il y aura Tokyo, il y aura d'autres villes aussi. Ah, ok. Non. Et après, il va dire que la radio ça paye pas bien. C'est pas pareil, j'ai épargné. Et puis je t'avoue que mon nombre de dates en termes de DJ a augmenté. Donc ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Non, je déconne, ça fait que dalle. Bon, parce que je vous regarde, genre. Et si on lui grattait davantage pour la fin de saison? Genre un petit pécule de vacances ou un truc dans le genre. Soufiane est avec nous, coucou Soufiane. Ouais, ça allait, c'est quoi? Mais bien, et toi, Soufiane? Ça se passe ou bien? Eh, Vin, je te jure, tu sais depuis quand je te connais? Depuis quand? L'époque où t'avais les longs cheveux. Mais je te jure, hein, depuis l'époque, t'avais les longs cheveux avec toute l'ancienne équipe. Lara et Fatal et. Alors, Lara. Le petit taille, j'ai oublié son nom. C'est pas grave, c'est que tu l'as oublié. Non, mais Lara, elle est toujours là, elle est toujours dans l'équipe, je précise. Hein. Elle est toujours. Mais vous l'avez pas remplacée à un moment donné? Non. En fait, on n'a jamais remplacé personne dans cette émission. Ça, il faut le savoir. Il n'y a jamais quelqu'un qui est parti pour me dire, cette personne part, je vais la remplacer par une autre. Non, du tout. Tu vois, c'est des. C'est comment? C'est des gens qui arrivent et tout ça. Mais Lara, elle est là tous les jeudis, elle sera là demain, Soufiane. Elle était là hier en plus. Ah, je savais pas. T'inquiète, y a pas de soucis. Bon, Soufiane, si t'es avec nous, c'est pour faire deux missions. Tu vas faire quoi ce soir? Alors ce soir, ce que je vais faire, je vais aller au McDonald's de Bourse et je vais créer Common Belgium avec mon équipe. C'est bien ça, ton équipe, c'est-à-dire, vous êtes combien? Bah, tous mes potes là qui sont là, on est 5-6. Oh, c'est bon ça. Bah, ramène des cheeseburgers plutôt. Oui, c'est mieux. Ah, mais je crois que c'est un peu loin là, William. Ouais, c'est vrai. Eh ben écoute, alors, t'as le temps maintenant ou alors tu veux qu'on lance ça dans quelques minutes? Lance ça dans quelques minutes. Ah va. En gros, je suis pas exagéré, tu vois, je suis à 2-3 pas là du McDo. Ouais, on va te laisser le temps, t'inquiète. Vas-y, à ton aise. Vas-y à ton aise parce que nous, entre-temps, on offre des cadeaux tout de suite. Oui. Je suis ton père. La scène culte. Il est interdit de parler du Fight Club. Allez-vous reconnaître le film? J'ai pensé à un cheval ou une truie, mais. Avec ta tronche ou quoi? Bon, c'est faire un bouquin sur Halloween si tu veux, hein. Alors, si vous avez une réponse. Vous l'envoyez par SMS au 3044. Tout le monde est prêt? Oui. Et c'est parti, on y va. Alors j'espère que ça va se lancer correctement. Ouais, non, il faut que je lance le son, voilà. On y est. L'ombre de ces arbres étaient mes amis. Trouvé. Bravo. Des créatures que j'ai connues à l'état de noix et de glands. Oh, ils ont eu des glands. Désolé s'il veut pas. Ils avaient leur voix propre. Saruman. Ce n'est pas digne d'un magicien. Alors ça vient d'où ça? Allez-y au 3044, 50 centimes le message. C'est bizarre hein. Ouais. Pensez-y, je vais regarder, je ne me dis rien du tout. Mais c'est facile. Ça me donne envie de le revoir. Saruman. Ça donne pas trop d'infos. Et il a dit des hommes pour qualifier ses. Avec sa voix, on dirait qu'il a dit. Je crois que. Regardez les arbres. Ils avancent. Ah si, c'est bon, j'ai. Comment elle se la pète, elle? Ah, mais c'est mon préféré. Où est-ce qu'ils vont? Et tu l'avais pas connu direct. Ça m'a pensé au septembre, je sais pas pourquoi. Alors, si vous avez la bonne réponse, allez-y au 3044, t'as compris la référence, au ton Roger? Oui. Ah, voilà, je donne des indices de ouf. Hein. L'indice, c'est 11 septembre. Voilà. Alors, pourquoi il me regarde avec un air, le. Mais je comprends pas pourquoi. Vous, quand je vous coince dans le cerveau, vous parlez plus tout d'un coup. Mais pourquoi? Bah, je donne un indice. Rapport. Enfin, bon, bref. Il y a un rapport avec le film qu'on cherche. Donc d'accord. Si vous avez la bonne réponse, allez-y au 3044. Et voici quoi. Et putain, je pensais qu'il y avait Gaulle. T'as levé la main. Genre fallait regarder. Je me suis dit merde. Après, je vois juste que c'est une petite tête là. Alors pour l'instant, de part et d'autre, ça joue bien puisqu'on est à 23e minute de jeu. 4 tirs cadrés des deux côtés. 4 tirs des deux côtés. Un seul cadré pour l'instant pour la Belgique. Et là, Eden Hazard. Ah, ils reviennent vite en défense. Hein. Et je rêve où il est revenu en défense. Oh purée. Et mais il est revenu en défense, Zlatan Ibrahimovic en plus, hein. Ah ouais. Zlatan est revenu en défense, regarde. Attends, tu vas voir, il est là au milieu. Où ça? Il y a devant le gardien, il était devant le gardien. T'es sûr que c'est lui? Bah oui, si c'est lui. Attends, regarde. Non, c'est celui qui a essayé de le tacler par contre. Non, c'est vrai, non, c'est pas lui non plus. T'es sûr que t'as travaillé à la RTBF, toi? Non, non, je suis sûr que je dois aller refaire mes verres. Parce qu'à mon avis, je vois très très très mal. Mais c'est pas grave. Zlatan à l'avant, Zlatan à l'arrière. Il voit Zlatan partout. Moi, j'ai l'impression de voir Zlatan partout, c'est ça. Faut pas m'en vouloir. Il s'est fait zlataner dans sa jeunesse. Et ben, c'est très gentil. Il galère avec la bonne réponse. Il y a pas beaucoup de bonnes réponses. Allez-y au 3044 si vous avez une idée pour la scène culte de ce soir. Voici MHD sur Fun avec Maman J'ai Mal. Oui. Son nouveau single, il est 21h24, on est en live avec deux Michel qui arrive tout de suite. Bienvenue. Ah, hey. Soit riche ou pauvre, au fond c'est la même. Les mêmes comptes à rendre devant le tout puissant. J'essaie de garder la foi. Entre anges et démons, je pète les deux à la fois. Maman me fait confiance, elle dit que je suis un bras. Le bled compte sans moi à la fournée de loi. Les gens, j'en suis désolé. Je crains des cesses pour me consoler. Et les mêmes qui m'ont équipé. Le début du business. J'essaie de tracer mon chemin. Le soir je me demande quel sera le sens. C'est de tracer mon chemin de bas. Non, c'est vrai, non, c'est pas lui non t'es plus, t'as que le pain. T'es sûr que t'as travaillé à la RTBF, toi? Non, non, je suis sûr que je dois aller refaire mes verres. Parce qu'à mon avis, je vois très très très mal. Mais Zlatan c'est pas grave. À l'avant, Zlatan à l'arrière. Il voit Zlatan partout. Moi, j'ai l'impression de voir Zlatan partout, c'est ça. Faut pas m'en vouloir. Il s'est fait zlataner dans sa jeunesse. Et ben, c'est très gentil. Il galère avec la bonne réponse. Il n'y a pas beaucoup de bonnes réponses. Allez-y au 3044 si vous avez une idée pour la scène culte de ce soir. Voici MHD sur Fun avec Maman J'ai Mal. Oui. Son nouveau single, il est 21h24. On est en live avec deux Michel qui arrive tout de suite. Bienvenue. Ah, riche ou pauvre, au fond c'est la même. Les mêmes comptes à rendre devant le tout puissant. J'essaie de garder la foi. Entre anges et démons, je pète les deux à la fois. Maman me fait confiance, elle dit que je suis un bras. Le bled compte sans moi à la fournée de loi. Les gens, j'en suis désolé. Je crains des cesses pour me consoler. Et les mêmes qui m'ont équipé. Le début du business. J'essaie de tracer mon chemin. Le soir, je me demande quel sera le sens. J'essaie de tracer mon chemin de bas. L'équipe, le soir je me demande quel sera le sens. C'est de tracer mon chemin de bas. Ah, je suis souvent sous le porche calme. L'équipe c'est rimage vas-y tout seul. La confiance achète, la vitesse ça paye. Bah moi je retire la neige sur ma. Je vais faire penser mes proches. Toujours les méchants, j'en suis désolé. Je gratte de cesse mon suivi. J'ai pas son histoire qui s'écrit. Maman j'ai mal. Non mais les jaloux sont là. Pas le souci de demain. Mais les jaloux sont là, maman j'ai mal. Les jaloux sont là, et demain. Et plus le temps passe, j'ai des lois des strats. Mais les jaloux sont là, maman j'ai mal. Les jaloux sont là, et demain. Et plus le temps passe, j'ai des lois des strats. On sort l'estrade, j'entends ton fils va tenir le coup. Dis que j'ai prié à l'enceinte. J'essaie de le soir j'me demande. J'essaie de tracer mon chemin là, maman j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux me demandent quel sera le sens. Mon chemin mais les jaloux, maman j'ai mal. Allez, bienvenue sur Fun Radio, on est en train de mater le match de foot là, Suède contre Belgique, et contre-attaque de la Suède, oula, ils sont à 2 contre 4, et... Ah bien essayé, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Ouf, on a failli encaisser. Enfin non, pas failli encaisser, ça a pas tiré, ça a pas tiré, ça va, voilà. J'avouer. Mais... Ah, t'as vu, oh, il est flippant ce match de foot là. Ah, oh, c'est là, stressant, là. Hein. Ouais, il est très stressant, j'avoue, ah, là. Ouais. Et j'espère que ça va quand même se décoincer un petit peu. Bon, on a la 30e minute de jeu, il reste un quart d'heure à jouer dans cette période. Ouais, 0-0. Allez, 20 minutes, plus les arrêts de jeu, etc. 0-0, mais j'ai l'impression qu'un goal peut tomber des deux côtés, plus du côté de la Belgique. Bref, on vous tient informés, les amis. Libre antenne, let's go. Ok, Vince Libre antenne. Vince! 20h-23h sur Fun Radio. Allez, Libre Antenne, en direct là avec vous toutes, vous tous, de plus en plus nombreux à nous écouter chaque soir et très bientôt. C'était les vacances avec la grille d'été, on nous l'a présentée aujourd'hui. Ah. Ah, elle est très sympa cette grille d'été, on va vous en parler. Oh, on a failli marquer. Oh là là. Oh là là. Qui ça, qui Lukaku ça? Allô. Oh là là. Romelu. Eh, ils vont changer Romelu à mon avis. Hein, mais non. Moi, tu sais, en qui je pense qu'il faut faire confiance. Bon, Romelu, il est bon, je respecte le gars, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais un gars qui devrait plus tenter. Bah non, il était loin, il était loin. Il était loin. Mais un gars qui devrait tenter, franchement, en attaque, et je suis pas en train de dire ça en mode il faut changer l'équipe, pas du tout, mais parce que je pense qu'il peut apporter vraiment quelque chose de sympa. Ouais. C'est Batshuayi. Michy Batshuayi. Ouais, je suis persuadé qu'il peut, faire quelque chose de cool. Ouais, en remplaçant, il est bien. Ouais, mais il a. Enfin, le faire rentrer maintenant, c'est trop tôt. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, il est pas mauvais, quoi, tu vois. Je dis, attention, je suis en dialecto en plus, je dis ça d'un standard man. C'est vrai. Voilà, on me dit la ligne verte pour le film. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas la ligne verte. Bon, allez, attention, tout de suite sur Fun Radio, on va se faire deux Mission. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer dans deux Mission, François Zich? Alors, un auditeur va aller au McDonald's et il va crier avec des copains. Allez, diable. Il va foutre le bordel, il va essayer de monter sur les comptoirs et tout. Il va foutre un bordel, ouais, bah, faut pas non plus qu'ils appellent la police. Non, et que ça dit... on va pas abuser. Non, parce qu'on a déjà eu ça dans l'émission. Hein. Ah bon? Non, ça dit rien, ça dit rien du tout. Un mec à la police, non. Un mec qui s'est retrouvé dans le cachot pendant quelques minutes. Ici, ça me rappelle quelque chose, effectivement. Voilà, bien ce qui me semblait. Bon, allez, c'est parti. The Mission sur Fun. Qui est prêt à tout pour remporter la très convoitée The Mission sur Fun Radio? Et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec Soufiane, qui est avec nous, il a 18 ans, il vient de Bruxelles. Allô Soufiane, est-ce que tu nous entends? Mais ici, ils sont d'accord. Allô Soufiane? Oui, allô? Ouais, attention, là, t'es en direct, ouais. Soufiane. C'est prêt. T'es en direct, tu peux lancer quand tu veux. D'accord, attends. Allez. Alors. On n'entend plus rien, Soufiane. Il s'est déjà fait arrêter avant de commencer. Ah, mais... il nous prend malheur, la Belgique va encaisser, tu sais. Mais non, arrête. Soufiane. On a perdu Soufiane, on l'entend plus. Et le mec, il a muté son téléphone, il s'en est pas rendu compte. Ouais, c'est possible. Imagine, c'est très possible. Il est en train de le faire pour voir qu'il est en train de muter son téléphone. Mais non. Non. Ah, ça me fait peur. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça me fait peur. Je crois qu'il va falloir qu'on le rappelle. Rappelle-le. Ouais, le mec, il a muté son téléphone. Voilà, bah plouf, hein, comme on dit. Plouf. Bon, bah c'est pas grave, il y a le match de la Belgique, allez hop là. Moi, j'en profite, je vais mater le match. Ouais, toi, tu préfères. Écoute, un fan de la Belgique comme moi, là, un fan de foot. Bien sûr. Ah, j'ai testé le match à FIFA. Hein. À FIFA? Ouais, j'ai joué en mode pro et tout, je me suis fait éclater par la suite. J'espère que ça va pas être la vérité aussi. Hein. La vérité? Ouais, la vérité. On a récupéré Soufiane. Allô, Soufiane, c'est prêt? Oh, t'as perdu, c'est Soufiane. Eh, hey, mute pas ton téléphone. Prêt, hein. Ouais. Vas-y. 2, 1. Quel bordel. Mais mec. Bon, eh hey, mais c'est pas possible, ça a coupé là, vas-y rappelle-le vite. Je le rappelle. Et alors j'ai demandé de faire une blague genre allez les Belges, j'ai l'impression qu'ils vont faire une émeute. Hein. Ah, ils ont cru qu'il y avait une loi et qu'il fallait absolument pas faire passer en Belgique, alors du coup ils sont. C'est la fan zone direct. C'est ça, ils ont été manifestés les mecs. Ah purée, ça se passe dans la surface de réparation belge. Oh purée, ça sort. Et ils réclament un pénalty, hein. Il y a un pénalty réclamé par la Suède. C'est sûr que c'est pas un coup de coin plutôt qu'il réclamé. Je sais pas, j'ai l'impression que le tac était un peu dur. T'es sûr que t'as travaillé à l'RTBF, toi? Non, du tout, très chez RTL en fait. Le mec, il nous annonce un péno. J'ai plus le niveau d'RTL. Contre-attaque, attention. De Bruyne qui mène la contre-attaque au niveau du milieu de terrain. Sur sa droite, il a Hazard et c'était trop lent. Et faute et carton. Et attention. Il revient sur la faute. Ça, c'est très bien. Il a été arrêté par un Suédois, De Bruyne. Beaucoup franc. Hein, De Bruyne qui avait l'occasion quand même de la donner beaucoup plus tôt à Romelu Lukaku, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Qui tire les coups francs chez vous? C'est Hazard généralement. Eden Hazard. On va voir, est-ce qu'il y a vraiment faute? Non, il n'y a pas faute. De Bruyne tire bien aussi, hein, je pense. Non, il n'y a pas trop faute. Attends. Un peu quand même, si. Non, il n'y a pas. Ah ouais, si, il est. Ouais, si, il est. Mais t'es consulté. Non, mais attends, regarde le ralenti. Au début, le mec se rate. Donc tu dis, il le touche pas, et après, c'est vrai qu'il a levé volontairement. Il a levé volontairement, mais tu le vois après le ralenti, salaud. Ah, il y a l'équipe TV qui a téléphoné. Moi, tu marquerais des beaux goals si tu jouais au foot avec ta tête. Avec mon front. Ouais. L'équipe TV vient d'appeler, ils te veulent comme consultant. Génial. Alors attention, et les amis, ça se passe maintenant. Il y a un beau coup franc. C'est Vertonghen qui va le faire. Moi j'avais dit De Bruyne. Mais non, ça va être Vertonghen, je crois. Vertonghen, il a un très bon pied. Ouais, c'est Vertonghen, t'as raison. Il va tirer en. Alors lui, il met pas des faits, lui, il tire des boulets de canon. Hey, De Bruyne, il va décaler. Attention. Dans le bam mur. Boulet de canon. Et malheureusement, c'est dans le mur. C'est récupéré par De Bruyne. De Bruyne l'envoie. Il y a hors-jeu déjà, à mon avis. Non, il y a corner. Et de toute façon, il y a. Corner. C'est Lindelof. On dirait le nom d'un matelas Ikea. Qui a foutu le ballon dehors. Ouais, corner. Alors, on a récupéré Soufiane. Soufiane, on t'a perdu là. Quoi? Mais frangin, t'as raccroché sans faire exprès. Mais non, mais j'ai couru, je parlais sur mon téléphone ouvert. Ah, c'est vrai, t'as raccroché. Bah, t'as raccroché sans faire exprès, t'as pas fait exprès, t'inquiète, c'est pas grave. Ah, excuse. C'est perdu, merci. Y a une ambiance à la bourse, Vin. Ah, bah, j'imagine bien. Vin, y a une ambiance de fou quand il y a 5 écrans, l'un autour de l'autre, et eh ben, attends, oh là là. Ce qui va se passer, c'est que nous, quand le match c'est encore mieux qu'un stade. Eh, frangin, quand le match est fini, je vais aller à la bourse, si on gagne. Hein. Seulement, vous venez à la bourse, si. Bah, t'inquiète pas, dès que le match est fini, dès qu'on a fini l'émission, y'a pas de problème. Seulement si on a gagné. Ouais, sinon, je vais célébrer dans mon lit. Vous le connaissez, il va aller vider les bourses. Vous venez ici à la bourse. Si la Belgique gagne, on va à la bourse, y'a pas de problème. Et on fait réunion avec tous les auditeurs, donc tranquille. D'accord. Je t'aime, Vin, je t'aime. Bah, écoute, on finira pas marié, mais c'est gentil, j'apprécie. C'est un coucou, mais allez, va foutre tranquille, hein, c'est mon coucou à moi. Bah, ça fait t'as, tranquille, merci. Ah ouais, je fais une grande dédicace à mon pote qui va être diplômé aujourd'hui. À qui t'as dit? Une grande dédicace à la team qui est avec moi là et il vient d'être diplômé et je suis trop fier de lui. Eh, hey, bravo à lui. Franchement. Vas-y, Vin, on se dit à tout à l'heure alors. À tout à l'heure, si la Belgique gagne, bah à mon avis elle va gagner, donc à tout à l'heure. La Belgique gagne, tu me rappelles, hein. Ça va, pas de soucis, merci Sofiane, bravo à toi. Vas-y, bonne fête, aïe, je t'aime. Bisous, ciao, ciao. Et j'adore le aïe, je t'aime, comme ça, qui sort comme ça, c'est. Ça fait plaisir. Bon, la radio par le contrôle, ça va bientôt arriver. Et oui. Oh là là. Quoi? Oh là là. Deuxième raté. Il manque une pointure. Pareil pour Romelu Lukaku. La même chose, il lui manquait quelques centimètres, quoi. Bah, mais... c'est ce qu'on dit, oui. Je sais pas, c'est à une femme de le dire, ça. Hein. Alors, attends, est-ce qu'ils vont montrer des ralentis, là? Parce que c'est, genre, c'est une occasion, on s'y attendait pas. Ah, il m'obsède, ce match, là, pour l'instant, là. Ah, c'est un truc de ouf. C'est bientôt la mi-temps, vite. Et François Zich, chirale, parce qu'il va chaque fois se retourner. Mais pour oui, regarder. C'est relou, putain, je suis à l'envers, moi. Tu veux que je te prenne mon overboard, comme ça, tu fais Michael Jackson? Ça va aller, je vais tomber, moi. Alors, on regarde une petite occasion, vite ouais. Fait. Tranquille, et juste après on va se faire un son, et ce soir on a le son de R.I.S. Trefi avec Bonne Bonne qui va arriver. Et le temps pour moi de vous passer à la scène culte de ce soir. Ah oui aussi. Alors, non pour l'instant ça donne rien, ouais bon ça joue du côté oh là là. Côté belge là, non ça va se dégager. Voilà. Ouais ça joue vous contre, en contre-attaque, vas-y on a le temps. Oh presque. Allez Lukaku, donne ta balle. Non mais c'est bon, laissez-le faire. Il a accroché, il a accroché. Et les spécialistes de football là. Carton jaune. Y'a faute, et les Suédois font beaucoup de faute, deuxième carton dans le match. Hein. Il a été très malin Lukaku. Pourquoi? Bah, il a laissé venir et les Suédois s'énervent et ils vont encore s'énerver et on va marquer. T'as été consultant toi, non? N'oublie pas que moi j'ai été voyant, je ne prétends pas du tout consultant. Ah, voyant. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, comment va notre voyant? Écoute-moi bien, Jean-Michel Clairvoyant, en direct sur RTL 20. T'es le voyant des stars? Et la star des voyants. Ah, d'accord. Prends ceci. Le voyant des stars et la star des voyants. Laisse-moi lire ton avenir. Ah, qu'est-ce qui va se passer cet été? Abaisse ton pantalon. Je vais lire entre tes fesses. Attention, il va mettre le doigt. Un avenir radieux s'ouvre à toi. Oh ben, tu vas te marier, mais pas avec qui tu penses. Avec qui? Avec quelqu'un de la radio. Ah oui, il va virer sa cutie pour toi. Il va quoi? Il va virer de bord. Ah, ok. Donne-moi un chiffre entre 1 et 100. Ah, ça fait peur parce qu'il m'a regardé le français aussi. Alors, bon, un chiffre pas, hein. Entre 1 et 100. 1 et 100? Le 53. Le 53, ça veut tout dire. C'est sa date de naissance, tu vas te marier avec tonton Roger. Mais je suis majeur. Mais oui, je vire de bord. Mais il y a ton fils quand même, ouais, tonton Roger. Ouais, il y a son fils à côté. Ouais, non, il s'en fout. On a, il s'en fout. Ouais, tous les mecs qu'il a déjà ramené à la maison. Tonton Roger va dire à Patrick, qui est son fils, bon ben, tu l'appelleras aussi papa. Hein. Bonsoir Clarisse. Bonsoir. Bienvenue sur Fun. Clarisse, tu regardes pas le match des Belges? En fait, je venais de rentrer, j'allais regarder maintenant. Ah. D'accord. Eh ben, bon, bah, écoute, pour l'instant, c'est toujours 0-0, donc ouais, tranquille, on peut parler quelques minutes. Tu reviens d'où, là, Clarisse? En fait, j'étais partie à Villeneuve-d'Ascq, et il y avait le match Irlande-Italie, je ne savais pas. Donc, voilà, quoi, je reviens de là. D'accord, ok. Toujours 0-0 aussi, je pense, entre Irlande-Italie, on vérifie vite. Oui. Ouais, 0-0. Alors, je rêve où tu es dans un parc, là, Clarisse? Oui, en fait, je suis dans le jardin. D'accord, ok, on entend tous les oiseaux et tout, ouais, c'est mignon. C'est mignon. Oui. Bon. Big up aux oiseaux. Hein. Voilà. Sortez le fusil de chasse. Il vient de dire big up Vince, l'oiseau. Ah, tu parles oiseau, toi? Bien sûr. Ah, d'ailleurs. Il parle de pigeon. Attends, il vient de se poser sur mon front, on était. Il vient nicher. Le perchoir, on l'appelle. C'est ça le truc vert sur ton front, je crois. Voilà. J'adore les oiseaux derrière, c'est cool. Bon, Clarisse, dis-moi, c'est quoi la réponse à la scène culte que j'ai diffusée là? Alors, la bonne réponse, le Seigneur des Anneaux, c'est les deux tours. Le numéro 2, les deux tours, d'où la référence avec le 11 septembre. Bonne réponse. Bravo. J'avais pas entendu la référence, en fait. Donc, non, mais c'était un petit indice, mais t'as été très très forte. Bravo. Bravo à toi. Ok, merci. Clarisse, ma chérie, je te souhaite un bon match et on prend tes coordonnées tout de suite, ça oui. va? Oui. Eh, merci. Bisous. Bisous. Bye. Ciao, ciao. Super voix, super sympa, Clarisse. Bon, allez. Je flippe. Pourquoi? On a le son des rails tréfiés avec Bonne Bonne, mais avant ça on a une pub. Et pendant la pub on peut pas parler. Les micros, on a beau les monter, ça marche pas. Oui, c'est vrai. Et j'ai peur qu'il y ait un goal pendant la pub. Tu penses? Parce que ça joue du côté mais suédois. Mais non, là. Vas-y, au plus tu parles, au plus il va attendre la mi-temps celui-là. Il va attendre la mi-temps. Non, regarde, attends, il va se faire quelque chose. Il y a hasard. Il y a un jour qui est scellé en bas, j'arrive pas à voir son chiffre. Je laisse plus commenter, c'est un drame. Allez, reste 6 minutes. Prends ce zige. Quoi? Je laisse plus commenter, s'il te plaît. Quoi? Pourquoi? C'est un drame. Et j'essaie d'apporter de la passion dans ce que je vois. Il faut qu'il progresse un petit peu. Ah oui, pour l'année prochaine, peut-être, ça va te servir. Oui, c'est vrai, parce que je sais pas encore si je re-signe ou pas. Vas-y, entraîne-toi. Fais un training. Je suis toujours pas au courant. Fais un pilote. Je sais qu'il faudra attention parce qu'il faudra aller chercher mon remplaçant. Hein. Ah bon? C'est pas vrai. Ah si, ils l'ont cherché. Ouais, ils ne trouveront jamais. Bah si, il paraît qu'ils en ont trouvé un. Non. Ouais, bah, j'ai peur pour les audiences. Pourquoi? C'est vrai? Ouais, il paraît qu'ils vont engager Tataillé. Tu te rappelles Tataillé? T'as connu Tataillé? Si. C'est une petite marionnette comme ça. Ah oui, c'est moi, Vince. Comment j'en vais? C'est moi, Tataillé. Non, mais c'est bien, ça va attirer les enfants pour moi. Et c'est là-dessus qu'on peut terminer. On arrive tout de suite sur Fun Radio, c'est Libre Antenne comme tous les soirs, 20h, 23h, bougez pas. Le match de la Belgique contre la Suède, toujours 0-0, 39e minute de jeu. Moi, voix de Fun Radio, j'écoute Vince de 20h à 23h car ça met de bonne humeur. Gagnez votre smartphone Alcatel Pop 4 5 pouces grâce à Fun Radio. Toute la semaine, écoutez Evan et la tribu dès 6h et l'Happy Hour avec Audrey dès 17h. Et repartez avec votre smartphone Alcatel Pop 4 avec son processeur quad-core et son écran 5 pouces en envoyant Pop par SMS au 6322. Pour le message. Les cadeaux high-tech, c'est uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio présente la Garden Party les 23 et 24 juin au parc de l'Esplanade à Hatt. Deux jours de fiesta et de son dance floor avec en live James Dino, Teddy K et Vince de Fun Radio. Ne manquez pas la Garden Party les 23 et 24 juin au parc de l'Esplanade à Hatt. Infos et réservations sur ticketmaster.be. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Votre série inédite tous les jeudis à 21h45 sur Plug RTL, Lost Girl. Pourquoi j'ai le pressentiment qu'on ne va jamais se revoir? T'inquiète pas, je vais revenir. Dans un monde fantastique, choisira-t-elle le bien ou le mal? Si j'assassine le Fren, il y aura une autre chasse à cour ou elle sera nommée automatiquement? Malheureusement, tu choisis le plus mauvais moment. Ce soir, c'est la lune de sang. Je peux entrer en transe et voir l'avenir. Lost Girl, saison 2, tous les jeudis à 21h45. Plug RTL. Addict, le nouveau titre de Jepsar avec Liam Summers et Natel. Addict, le nouveau single de Jepsar, le son de l'été. Maintenant disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne et les services streaming. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Dance floor. Try so hard to get away. Think about you every day. Try so hard to live without. But no, no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out. And they can see that you're mine. Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening rain. Set sail on an ocean wave. Cause our love is like a heat wave. Right by my side, burn gas in a Chevrolet. She's so hot, and our connection's like Wi-Fi. Just love how you ricochet, won't stop till you're satisfied. Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening rain. Set sail on an ocean wave. Cause our love is like a heat makes me want you more. Couldn't leave if I want to. I'll wash up at your door. I know at times we break the rule. Temperatures rise when I'm with you. De 20h à 23h sur Fun Radio. Et voici Raïs Trefi sur Fun Radio avec Bonne Bonne, Suède Belgique. Alors on va nous annoncer le temps des arrêts de jeu. Tu dis combien toi, Françoisich? Bah, 1 minute. Une petite minute, moi je dirais 2. Ouais. 2 minutes tranquille. Alors on va nous dire combien de minutes d'arrêt de jeu. Là on est dans 10 secondes de temps supplémentaire. Allez, vous donnez-nous vos chiffres. Ah, il y a eu pas mal de cartons là, un carton jaune pour Witzel d'ailleurs. Ouais. Pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas du tout pourquoi. Et t'as remarqué l'arbitre, on dirait un prêtre. Pourquoi? Regarde l'arbitre, attends, tu vas voir. Alors attends, regarde. Il a l'air sévère surtout l'arbitre. Ouais, il est méchant hein, un peu là. Vous savez qu'il clash un peu dedans comme ça. Ah attendez, on attend, on veut vous donner les temps additionnels, mais ça s'affiche pas. Ah, 1 minute seulement, ouais. T'avais raison, François Gich. Ouais. Tu es bon, un vrai entraîneur. Ah, t'as vu ça? Ouh là là. Et Raïs Trefi, bonne, bienvenue. Ouais. Ouais. Bun bun, and then this is buns bun. Dun dun, bet you wanna taste it. Bun bun, bet you wanna taste it. Get your chitty dun dun dun. Bun bun, and then this is buns bun. Dun dun, bet you wanna taste it. Bun bun, bet you wanna taste it. Get your chitty dun dun dun. C'est le son du foot, moi, alors que ça y est, c'est la mi-temps. Attends, je vais couper. Hop. Ah, bah ça va nous faire des vacances, Vince. quoi, des vacances? Bah, arrête, mais on va respirer, c'est ça que je voulais dire. Ah, bah, bien, oui, commentateur, oui. J'aime bien. Ah, oui. Ah, tu, moi, je parlais pas de ça. Ah, ça va, je vais vous laisser Rodrigo Benken si vous voulez de RTB. Non, pas de problème. Moi, j'essaie de faire ça au mieux et vous me clashez. On voudrait pas abuser. Mais non, mais c'est très bien. On voudrait pas kiffer. Oh, bah, ouais, il est triste. Ouais, il fait bande de salaud. Tu sais qu'il est encore avec son overboard. Ouais, il s'amuse bien. Je me demande s'il va aux toilettes avec. Là, je suis en train de tester quel effet ça fait de mettre son front sur un mur et. Je crois que c'est pour moi. Oui, je crois aussi. Bon, on nous dit qu'à quelqu'un nous dit Vince, la Belgique ça vaut rien. L'Italie c'est la meilleure, la preuve. L'Italie a baisé la Belgique, mais j'aime quand même Anderlecht. Alessio qui envoie le message. Comment ça t'attaque ? Il rentre dedans. Il rentre ah dedans. Ouais, là, net, hein. Ah la vache, il aime pas la Belgique. On a Tarkan qui est avec nous. Salut Tarkan. Oh Tarkan. Salut. Yo. Bon, Tarkan, par contre, la Turquie, ils sont plus là, je pense. Ou ils sont peut-être meilleurs troisième. Ça dit quoi ? Je sais rien. Ah, ils peuvent encore se qualifier. Il faut que la Belgique gagne et l'Italie gagne, ou je sais pas quoi. Enfin. Ils sont encore là, ils peuvent encore être là. Ouais. Ils sont troisième du groupe. Écoute, on croise les doigts. Tarkan, si t'es avec nous à l'antenne. T'as 17 ans. Ouais, mais en fait, Tarkan, je l'aime pas. C'est de la merde. Désolé Tarkan, t'es facile hein, en même temps hein. Bon Tarkan, frangin, si t'es avec nous à l'antenne, c'est parce qu'on va parler de la petite battle du jour. Est-ce que vous préférez le dernier jour d'école ou le premier jour de rentrée? Tu sais, ce moment où t'es excité d'être à la rentrée. Enfin, ça dépend de ta situation. Parfois tu peux ne pas l'être. Si jamais tu changes d'école, quand tu changes d'école, généralement tu te sens pas t'es bien stressé, quoi. Bah oui. Voilà, toi, tonton Roger, tu préfères quoi toi? Lui, il préfère amener à l'école. Oui, voilà. Tu préfères le dernier jour des cours ou alors tu préfères le premier jour quand tu sais que tu peux de nouveau choper des petites filles? Bah oui, le premier, le dernier jour. Le dernier jour. Quand je me barre en vacances. Ah, d'accord, ok. Françoisich. Le dernier jour. Dernier jour aussi, et toi aussi, ouais. Et toi, Coralie? Ah, moi, je kiffe le premier. Tu kiffes le premier jour? Ah, ouais, j'adore le premier jour parce que je revois vraiment toutes les personnes que j'ai pas vues pendant les vacances, parce que pendant les vacances, je ne vois personne. Mais, d'accord. Mais elle se dit qu'elle va revoir Mike Open Space à la rentrée. Ouais, c'est ça. C'est vrai, je le verrai même pendant les vacances. C'est pas vrai. Ça ne m'étonne pas. Ça y est, c'est officiel? Non. donc toi, tu t'aimes bien le premier jour? Ah, j'adore le premier jour. Il va faire standard. Mon préféré, tu fais rien du tout, c'est le meilleur jour de l'année parce que tu fais vraiment rien. Et un jour, Coralie a eu un premier jour et elle a arrêté après 3 mois. Non, c'est pas vrai, c'était après 7 mois. Après 7, ça va, c'est toujours Elle a arrêté les cours. Ouais, non, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui détermine la qualité de quelqu'un, tu sais. Bah, t'as vu ce qu'elle est devenue en même temps. C'est pas ça détermine pas la qualité et tout. Bah, elle est standard 10 dans la meilleure émission de Belgique, hein. C'est bien. C'est sympa. Bah, ça va, t'inquiète pas, on rattrape le truc. C'est bien payé, Coralie? Écoute, on va pas en parler. Quand je te dis qu'est-ce qu'elle est devenue. Attends, je monte en grade là. Ah ouais. Tu vas faire le nettoyage maintenant. Question comme ça, t'es mieux payé dans l'émission que tu vas faire l'été ou pas? Eh ben, écoute, ça y est, on a tout spoilé. Non, je ne sais pas encore. Elle te laisse pas faire. Hein. Non, c'est sûr, t'inquiète pas que je vais demander beaucoup plus. Voilà. J'ai une petite question, t'as pris Mike comme standardiste? Non. Non, bah jamais je le prendrai comme standardiste. Moi, tu peux en trouver plein en Chine, des standardistes pas chers. Non, moi, on le prend gratos. Alors, Tarkan, toi, tu préfères quoi, premier ou dernier jour? Bah, en fait, moi, je suis allergique au premier jour. Pourquoi? Je peux comprendre. Je déteste ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Il est radical, lui. T'es de la famille Dominique ou quoi? Tu viens de Sorel? Bah, j'ai le même accent, on va dire. Ah oui, t'es gitan? Non, mais on va dire que j'ai le même accent. Quoi? Non, mais attendez, parce qu'on a quand même les résultats là. Je dis ça, je dis rien. Ouais. On a eu. Oh, attention! 3500 votes. C'est la mi-temps Kaufmann. Et il y a eu 2500 votes pour l'atmosphère du dernier jour de cours. Ah ouais? Ouais, donc les gens, bah, en fait, quand c'est la rentrée, ils râlent tous, quoi. Bah, c'est normal, c'est non? C'est trop bien la rentrée. Mais non, c'est trop nul. Si, c'est super bien. Moi, j'ai l'impression à la rentrée, je sais pas. C'est bien pendant 10 minutes, mais après, c'est chiant. C'est bien la première semaine. Non, c'est cool la première. Non. Les premiers jours, c'est vrai qu'après de nouveau t'es dans le bain, c'est relou. C'est relou. Mais c'est cool parce que tu vois de nouvelles personnes, t'as envie de montrer les nouvelles fringues que t'as eu l'été, tu vois. C'est un petit peu la période des changements. Tu te rends compte que ta copine t'a trompé durant les vacances et tout. Ah, écoute, parle pour toi. Oui, non, je parle pour mon fils. Il en a une donc. T'as une copine. T'as une copine, Patrick. Attends, deux secondes. On a du bruit du côté de chez Matt. Allô, Matt. Hey, Matt. Mais il est plus là. Elle s'appelle comment ta copine, Patrick? Lucie. Elle s'appelle pas Shoshana? Non. Pourquoi? Shoshana! Est-ce que Patrick est Shoshana? Bah oui, la vérité. Ah, j'ai oublié ça, moi. Elle s'appelle Lucie. Oui. Elle fait combien de temps que vous êtes ensemble? On va dire 3 semaines. Ah d'accord. Elle a quel âge? Est-ce que tu l'as écrit sur Facebook? Est-ce que tu l'as écrit sur Facebook ou Twitter, un truc genre? Elle a pas Facebook. Ah, elle a pas Facebook. Ah, c'est bien. Ah, donc elle est toute jeune, quoi, alors. Elle a quel âge? 5 ans. Mon âge. Et t'as quel âge encore? 12 ans. Ah oui, ça partait de 13 ans Facebook normalement. Hein. Ah oui, c'est vrai. Tu les prends pas plus jeunes? T'es pas comme ton père. Mais alors, on peut pas dire que t'es le père, t'es le fils, merde. Il aurait été chercher à la crèche, ça craint là. Non, mais alors, une question comme ça. Est-ce que tu l'as déjà un jour? T'as mis un. Toi, t'as Facebook ou pas? Ah, j'ai cru qu'elle t'a mis un doigt. Mais non, arrête. Ah, il est jeune. Il est 21h53. Non, est-ce que tu as déjà écrit un petit message comme ça, genre, ah, ça fait 2 semaines d'amour avec ma copine, je suis trop. C'est bien, t'as raison. C'est bien, faut jamais faire ça. Mais j'ai l'impression que c'est un séducteur, comme son père. Ouais, on dirait, hein. Ouais. Et fais gaffe, parce que oublie pas, le physique que tu auras plus tard, c'est le physique de ton papa. Et tu serais. T'es content le voyant ce qu'il a fait. T'es content le voyant que tu vas ressembler à ton papa? Quoi, il ramène pas des, il ramène pas des jolies meufs à la maison parce Il a récupéré le micro, Roger. Il va te faire foutre. Bah quoi, il peut dire s'il ramène des jolies meufs. Tonton Roger, il croise des bras pour cacher son ventre. Et t'en as jamais vu des meufs qu'il a ramenées? Oui ou non? Une seule fois. Et elle était bien? Il a dit oui, mais il a mimé. Il est mort de rire. Il est plié quand il Ah, mais tonton Roger, il ramène des gros produits de soirées de boîtes de nuit et tout. Hein. Ah bon? Ouais. Ah, ça rigole pas, tu sais. Ah non, t'as l'impression qu'il a pêché, mais c'est pas une pêche au thon, tu sais. Non, non. Si, j'ai quand même ramené Coralie, quoi. Ah, ouais, d'accord. Okay. Oui, mais celle qui conduisait. Oui, d'ailleurs, c'est moi qui T'as le permis? Non. Franchement, écoutez pas tonton Roger, Coralie disent des conneries, c'est ça? Oui, non, mais surtout non, je conduisais pas, je sais pas. Ah, t'étais sur ses genoux. Moi, je voudrais savoir, t'as déjà fait quoi avec Lucie? Je voudrais savoir, Saint-Patrick, t'as déjà fait quoi? Un petit bisou sur la bouche? Oui. D'accord, un bisou avec la langue ou pas? Putain, mais... Ah, pas encore, donc c'est juste un mouah, comme ça. Oui. Alors, conseil, le jour où tu embrasses sur la bouche, avec la langue, ne fais pas la machine à laver. Voilà, c'est-à-dire que tu ne fais pas tourner ta langue dans tous les sens, tu vois. Et tu la laisses amener sa langue à l'intérieur de toi. Ok, il rigole. Bah, alors, je sais pas, parce qu'il y a un âge où t'es encore un peu dégoûté. Vince, t'entends ce que tu lui dis? Tu le laisses ramener la langue à l'intérieur de toi. Mais si tu veux. De sa bouche, quoi, c'est bon. T'es aussi bon conseiller que commentateur sportif, toi. Oh, ça va. Purée. Il est effronté ce soir, celui-là, c'est incroyable. Vas-y, bah, conseille-le alors. Mec, écoute ton père. Enfin, non. Oh, là, t'as eu une médaille d'or, là. Non, laisse faire les choses selon tes sentiments. Voilà. Tu veux te marier avec elle? Je sais pas. Il est réaliste. C'est bien. Il est... Non, c'est bien, t'es réaliste. Non, ça va, t'es réaliste. Mais tu lui envoies des textos? Oui. Beaucoup? Non. Elle écoute l'émission, là, maintenant? Je sais pas. Hein? On l'appelle! Tu l'as pas dit que t'étais à la radio? Si. Ah, d'accord. Ah. Bah, elle doit être en train d'écouter. Ouais, alors. Je sais pas. On va lui faire un bébé, j'ai déconné. Bébé, j'ai déconné, j'ai. C'est lui, c'est l'inverse en fait, il est sorti avec quelqu'un de plus âgé. Écoute, j'ai mangé des friandises avec Anna tout à l'heure au cinéma. Bon, allez, on a Matt avec qui on voudrait parler là. Allô Matt, est-ce que t'es là? Tu m'entends, Matt? Non, mais Matt, on l'oublie, hein. Matt, ouais. Matt, ça marche pas, on n'arrive pas à l'avoir. Hein. Tarkan, on voulait te saluer, on voulait te remercier d'être passé à l'antenne. Et t'es en vacances là, officiel ou pas? Ouais, je suis en vacances, bah à mon avis, ça devrait aller à part Matt, c'est un carnage. Ah merde, ouais bah écoute, à la rigueur pour un cours, j'espère qu'ils vont pas te mettre avec un examen de passage quoi. Ça va aller. Oh peut-être. Si, ils vont me la mettre, hein, parce que j'ai, bon, j'ai peut-être foutu un peu le bordel pendant l'année, donc... Ah ouais, donc ils se disent, ah c'est le truc pour les profs, hein. Quand ils savent pas de coincer que t'es super bon en cours, exactement. Oh, et ouais mais, faut dire, la prof c'était un peu... Une connasse aussi. Et ça tombe bien, elle nous écoute ce soir. Non, je ne cite pas de nom, mais je le pense. Écoute, des Tarkan à Ransard, il n'y en a pas des ouais, tonnes. Hein. C'est ça, ouais. À mon avis, t'es tout seul même, donc si on ne te reconnaît pas, tant mieux. Mais il a quel âge? Oh, pas 17... grave, je cours vite, t'inquiète pas. Ah bah ça va alors, il a 17 ans. Bah, voilà. Bisous Tarkan, bonne soirée. Ouais, je peux te demander un truc? Ouais, vas-y, dis-moi. Il n'y aura pas possibilité qu'une fois j'appelle Dominique, parce que j'ai toujours voulu l'emmerder une fois. Bah écoute, ça peut se faire. Alors, est-ce que ce soir c'est faisable? Déjà, il faut voir s'il décroche. Ouais. Parce que le truc, c'est qu'il faut que tu sois disponible, il faut que tu écoutes l'émission tout le temps. Ouais, c'est ça. S'il décroche, on est bien. Là, je sais que ce soir, on va se concentrer, c'est pas facile. Avec Patrick qui est ici avec essayer, nous et l'autre Patrick à Beatboyle. Ouais, donc, pour l'instant, il répond pas. Hein. Voilà, pour l'instant, il répond pas. Merde. On va essayer. Alors, du coup, Tarkan, ce qu'on va faire, c'est que si, un jour, s'il décroche et que t'entends l'émission, t'entends qu'il décroche, et ben tu m'envoies vite Vince, c'est Tarkan, appelle-moi et tout. Et on t'appelle, on te fait passer avec lui à l'antenne, ça va? Ah ouais, ça va. Allez, bisous. Ouais, merci. Je peux juste faire quelques dédicaces? Ouais, vas-y, on t'écoute. Alors, dédicace, encore une fois, à tous les boyards de jumets. Ouais, mec. Si. À Max La Puenta. Je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, d'ailleurs. Parce qu'il pointe, c'est tout. Et à mon petit bébé, et pour ceux qui se reconnaîtront, voilà, c'est bon. Eh ben, message passé. Ouais. À bientôt, Tarkan. Bye bye. Ouais, ben, à la prochaine, pour Dominique. Ça va, ça marche. Ciao, ciao, pour toi, bien, bisous. Et Alessio est avec nous. Salut, Alessio. Alessio. On a des soucis au standard. Alessio. Aujourd'hui, c'est pas possible. Eh ben on a perdu Alessio au standard. Eh, je sais pas ce qui se passe ce soir, ça. Il y en a une qui fait pas son travail. Et Coralie, elle est en train de paniquer. Attends, regarde, on peut plus lui faire une remarque. Elle, elle a le boulard. On est au même level maintenant. Jonas Blue. Oh, qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Attends, t'as vu son front, elle me dit qu'on est au même niveau. Bon, les amis. Coralie, elle se lâche en fin de saison. Hein. On attend de téléphone, ça y est, ça vient. Bah, elle a dit que t'étais un enculé en plus. C'est vrai, ah bon? Jamais. Attends, pour mon classement, tu crois vraiment que je dirais ça de lui? Bah, justement, t'as envie peut-être de l'enculer. Sûrement pas. Je passerai vraiment. Bon, tu sais, pour ce qu'on dit, pff, pas grave. Hein. Bon, Jonas Blue avec Perfect Strangers, c'est tout de suite sur Fun Radio. Bienvenue. Let's go! You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I knew that you were the one. wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. You got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. Here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll reason why. Oh, ce silence, ah, j'aime bien, c'est solennel, ça fait du bien. Parce que quand il y a un silence comme ça, les amis, ça veut dire qu'il va avoir la victoire non, de la Belgique. Non, ça veut dire qu'il va péter, c'est souvent ça. Alors ça j'avoue Non, tu peux rester sur le overboard, t'inquiète pas. Il y a un auditeur qui s'appelle Nemo, il vient de tourner, il vient de loin. C'est si, il s'appelle Nemo. Il a voyagé dans un bocal ou quoi? Pourquoi il s'appelle Nemo? Ah, okay. Il était bourré le jour, il a. Mais vous l'appellerez Nemo. En fait, son père, il a fait plein de gosses. Ils ont tous été bouffés par un gros poisson géant. Il en restait un. Il a appelé Nemo et tout. Et même sa femme s'est fait bouffer. Et il veut faire la radio plus tard, d'après ce que j'ai entendu. Ouais, c'est bien. Bah vas-y à fond, il y a des places qui vont se libérer bientôt. Donc n'hésite pas, tu peux foncer. Les amis, reprise du match entre Belgique et Suède. La Belgique qui joue dans une couleur un peu suédoise, mine de rien. Tu vois, c'est un peu le nord comme ça, c'est un peu bleu ciel. La Suède qui joue bien sûr en jaune et les bleus, mais ça on s'en fout complètement puisque le plus important c'est qu'on tape des goals. Mais bien sûr, oui. 0-0 là. Voilà, et il y a eu un sale coup contre Witzel. Hein. Bon, pour l'instant, ça arrange à Belgique le match nul, hein. Pas se mentir. On est combien? Deuxième avec le match nul? Deuxième, ouais, deuxième. Ouais, je suis d'accord, mais bon, ce serait quand même bien d'avoir une petite victoire, quoi. Bah, deuxième, ça vous arrange, je vous le dis, moi. Il paraît que la meilleure des choses, c'est d'être deuxième. Si on est meilleur troisième, c'est catastrophique. Ah oui, ça c'est catastrophique. Et on peut toujours être premier du groupe, hein. Bah, je sais pas. Si l'Irlande bat l'Italie et que non. Bah, égalité. Pourquoi? Égalité de points, ouais. Oui, égalité de points, mais confrontation directe. Donc l'Italie passe devant, ouais, c'est ça. Ils joueront contre l'Espagne au prochain tour, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Oh, purée, ça va être chaud, ça. C'est le remake de la finale il y a 4 ans, non? 2 ans? Non. Je peux même pas te dire, là. Ah, si, t'as raison. Oui. Il est fort, celui-là, mais il était consultant, c'est pas possible. Écoute, pas sur RTBF, c'est sûr. Et le journal le soir, lui, attention, ça rigole pas. Bon, Alessio, on l'a perdu, on l'a récupéré. Allô, Alessio, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah, Alessio, alors comme ça, t'as clashé la Belgique, quoi. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais je préfère l'Italie, hein, je suis italien. Ah, attends, t'es italien, t'es né où? Je suis né ici, en fait, mais je suis d'origine italienne. Ah, t'es d'origine italienne, t'es pas italien? Ouais. Mais j'ai du sang italien, quoi, donc mais ça voilà. compte. Mais t'as du sang belge aussi. Bah ouais. Une bitch. Attends, je veux savoir, t'es 100% italien ou alors genre il y a ta maman ou ton papa qui est belge? En fait, mon père est italien et ma mère est belge. Ah, d'accord. Et pourquoi t'es pas pour la Belgique du coup? Ben, je préfère l'Italie, quoi. Enfin, voilà, quoi. La recherche identitaire. Non, il est du côté des vainqueurs. La recherche identitaire. Non, mais c'est ouf quand il y a le match Italie-Belgique. T'as vu le nombre de Belges d'origine italienne qui, d'un coup, ils étaient fuck la Belgique, machin. Mais les gars, attendez. Et quand l'Italie, va être éliminée, ils vont soutenir la Belgique, tu vois. Mais ouais, c'est ça, exactement. C'est facile dans ce genre de cas. Mais écoute, moi, je t'avoue que si la Belgique est éliminée, je soutiens la France. Ah ouais? Mais j'ai toujours soutenu la France, de toute façon, je suis pour les deux. Ouais. Si un match, bah, si à la finale. Admettons Belgique-Italie aussi, un match Belgique-Italie, Belgique-France. Oh, je suis pour la Belgique. Ah, ouais, Belgique. Pas nécessairement, bien sûr, j'y suis né, j'y ai vécu toute ma vie, c'est ma culture est belge, c'est normal. Mais comme je suis aussi d'origine française de par mon père, bah, je me dirais quand même, ça serait cool que la France gagne si jamais la Belgique n'est plus là, tu vois. Alors je te dis pas, s'il y a un Belgique-Sénégal, alors là. T'es pour qui? La Belgique. Ah bah ouais, bah, attends. Va. Je veux pas faire l'Africain. En même temps, tu peux manger un poulet frite devant le match. Grave, un bon poulet frite. Ça passe nickel. Là, c'est un bon chip, tu vois, ça va bien passer. Non, mais je veux dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, si maintenant t'as. Par exemple, il y a eu Sénégal-France, eh ben, j'étais pour le Sénégal. Ah bon? Bah, j'étais plus pour le Sénégal. Quand il y a eu Sénégal-France en 2002, là, le 31 mai. Ouais, c'est bon. Bah, tu sais, et d'ailleurs, on a gagné 1-0. Oui, je sais. Voilà, ça, on n'oublie pas. La France était championne du monde, premier match de Coupe du Monde et tout ça. Boum, une grosse claque. Et tu sais pourquoi j'étais pour eux? Non. Parce que je me dis, allez, c'est un petit jeune, tu vois, c'est des petits jeunes, les Sénégalais, c'est la première participation à la Coupe du Monde. Même si je suis pour la France, je voudrais que le Sénégal gagne pour un peu. Ouais, t'es un footix quoi. Bah, arrête footix, respecte ce logo. J'ai kiffé le logo, le footix. Ah, t'as kiffé? Ouais, le logo footix, c'est le logo de la Coupe du Monde en 98. Ouais, il était dégueulasse. Et maintenant, on se fout de la gueule des gens, genre qui s'y connaissent pas en foot, on les appelle les footix. Exactement ça. N'importe quoi là. Bon, Alessio, donc écoute, c'est ton choix si tu préfères l'Italie, hein. Il n'y a pas de problème avec ça, et d'ailleurs je vous souhaite un beau parcours en tout cas, contre l'Espagne surtout. Ouais, pas de chance. Allez, je te fais un bisou, Alessio, à bientôt. Hein. Ouais, mais je peux faire un big up. Vas-y, fais ton big up, on t'écoute. En français. Ouais, en j'aimerais juste passer un big up à Patrick, en fait, qui est dans le studio. Ah, Patrick, il était dans le studio. Mais non, c'est moi, Patrick. Attends, non, mais il y a plusieurs Patrick. Quel Patrick? Tu parles de quel Patrick, Alessio? Le petit Patrick. Ah, hé, fiston. On parle de toi. Patrick. Le fils de tonton Roger. Il y a un auditeur qui te connaît là. Est-ce il que s'appelle Alessio. Tu connais Alessio? Ah, il nous ramène des auditeurs, le fils de tonton Roger, ça fait plaisir. Eh hey, Alessio, je te fais un gros bisou quand tu veux, ça va? Ouais. A bientôt. Allez, salut. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Bye bye. Porte-toi bien. On a Sophie qui est avec nous. Coucou Sophie. Coucou. Ça va Sophie? Ça va et vous? Ça va. 20h, 23h. Vince sur Fun Radio. J'ai été bouffé par un jingle, mais tout va bien. C'était pour prévenir qu'il y aura la radio perd le contrôle. Exactement, dans quelques minutes. ça arrive. J'attends que ça arrive d'ailleurs. Ouais, non, mais tu sais, ouais, c'est pour faire une transition. Le TTFX sur Fun Radio. Je rattrape les choses. Ça va, Sophie? T'es prête pour le TTFX? Ça va? T'es prête pour le TTFX, Sophie? Oui. On t'entend très mal, Sophie. Ah, ou alors tu parles pas beaucoup, oui, je ne sais pas. Oui, pas beaucoup, je pense. C'est plus ça. Hein. Sophie? Oui. Et on l'entend bien, t'inquiète. Alors attends, je vais lui poser une question facile. Sophie, pourquoi veux-tu tester la fidélité de ton mec ce soir? Bah parce que ça fait un an que je suis avec et je trouve que pour l'instant, bah, il me cache pas mal de choses et j'ai pas vraiment confiance en lui. Alors Jean, il te cache quoi? Comment tu sais qu'il te cache quelque chose d'abord? Si bah, il n'a jamais le droit d'avoir son téléphone. Ouais, mais ça, c'est parce mais que ça, c'est normal. Oh là là. Tu vois, le téléphone, c'est un peu ton deuxième cerveau, tu vois, c'est ta mémoire, c'est précieux, c'est ton jardin secret, le téléphone. Même quand t'as pas de secret, c'est quelque chose que t'as pas envie que les gens aillent dedans. T'as peur qu'ils mettent des codes. Et tu sais, attends, t'as des petits copains et des petites copines tellement tarés, ils mettent des applications qui permettent en fait d'enregistrer tout ce que tu fais et de l'envoyer à quelqu'un. Donc c'est une application cachée. Oui, je connais. Si, t'as plein de trucs comme ça. Je connais quelqu'un qui l'a fait. Non, mais c'est ouf, hein. Si. Et il géolocalise en permanence sa copine. Voilà. Non. Bah si, c'est possible. Mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Mais bien sûr, c'est un policier. Voilà, il est, enfin, en même temps. Il non, m'a mais, traqué sa non, mais t'as des, non, mais t'as des applications qui existent, genre pour émettre un signal de géolocalisation, tu vois. Et en fait, quand tu te connectes à Internet ou quand t'es connecté, et ben toi de l'autre côté, si t'as mis le même login, même mot de passe, etc., tu vois où est le téléphone. Ah, d'accord. Ouais. Tu t'actives même l'appareil photo. Alors, je te dis pas les jaloux, hein, genre le mec il voit que sa copine n'est pas à la maison. Chérie, t'es où? Bah, je suis à la maison. Menteuse. Et en fait, sa copine était en train de lui préparer une surprise, tu vois. Ouais, le truc. Non, mais. Et qu'est-ce qui se passe quand le téléphone est dans sa poche? Bah ça marche toujours. Ah ça marche. Tu sais toujours géolocaliser. Ah du moment que t'as une connexion en fait. Et que t'actives ta géolocalisation, tu peux la supprimer si tu veux. Non mais vous êtes des experts en télécommunications. Excuse-moi, toi t'es expert en information. peux faire plaisir aussi à ta femme, tu fais vibrer. Alors, Patrick, bouge tes oreilles. Alors, c'est pas une blague, au Japon, et même je crois qu'ils vendent ça un petit peu partout maintenant, mais les Japonais qui ont inventé ça, ce sont des, comment dire, des œufs que tu mets dans ton vagin quand t'es une demoiselle, tu vois, pour te faire plaisir, une sorte de vibro qui fonctionne par Wi-Fi. Ouais. Ou alors qui fonctionne par, donc, par Bluetooth, c'est-à-dire qu'il est connecté par, à ton téléphone, et toi, à distance, t'as la même application, et tu peux. Ah oui, tu peux activer, donc du coup, tu peux faire un peu jouer ta copine à distance. Mais tu il n'est pas consultant qu'en football, monsieur. T'as vu ça? T'as vu ça? On fait des choses magiques. Hein. Et la forme est extraordinaire de ce petit jouet. Ah, il connaît, t'as vu? J'en ai vendu. Comment ça se fait que t'en as vendu? Mais en fait, mon il y a ton ex... fils à côté, fais gaffe. Non, mais il sait. Mon ex, en fait, a voulu créer une société de produits érotiques. Son ami, il lui en offre. Tiens, et pour finir, elle a rien vendu, donc j'ai tout le stock chez moi. Mais vas-y, ramène, putain! Pourquoi mais tu c'est jamais... pour ça que je t'ai ramené un canard. Ah moi. Mais ça explique tout, mais pourquoi tu ne ramènes pas tout ça pour qu'on offre à l'antenne pour les derniers jours? Tu veux le vendre? Tu veux qu'on le vende? Non. Okay. Oh, tu putain! Voilà. Ah, fais gaffe à mon overboard. Il a failli le casser, il a failli péter. Il a failli lui péter ce jour. Allez, descends, tu fais peur, là, Nemo. Voilà. Retourne dans ton bocal. Oh là là. Tu crois que tu peux, mais tu ne peux pas, Nemo. Bon, Sophie, t'es prête? Oui, je suis prête. Allez, on va tester sa fidélité dans quelques secondes. D'abord, on se fait le son de Soupe sur Fun Radio avec Mi Amor. Et on va voir ce que ça donne dans quelques instants. C'est Coralie qui s'y colle. Oui. Oui. Allez, t'es prête, Coralie? Tout à fait. Bon courage. C'est parti, c'est tout de suite sur Fun. Soupe, Mi Amor. Let's go! Pardonner tous ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie. J'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes. Tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme. Des erreurs, j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes. Que tu m'aimes. C'est la vie. J'ai trahi. Et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Je t'en prie, tu as le plus beau des chats. T'avais raison, c'est comme ça que je t'aime. Mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise. Tu m'as tourné le dos, tu avais cru soumise. Tous ces mots sonnent faux, et quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi. Et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie, tu as le plus beau des chats. Mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor. Mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor. J'aimerais t'enlacer, tu me dis que ce n'est pas assez. Je marche derrière elle, son doux parfum me guide. Et j'aimerais t'entendre assez. Tu me dis que ce n'est pas assez. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor. Oh mais ça veut pas marquer, ils veulent pas marquer. Oh là là. Et mais c'est plus là tout à l'heure, là je suis en train de mater le match, on est en train de mater le match ici dans l'émission. C'est toujours 0-0, on est à la 56e minute de jeu. Vous avez remarqué, les Suédois ils ont refermé les angles là. Ouais, c'est pas fini, soyez positifs. Ils ont refermé les espaces. Mais ça recule, ça recule pour la Suède quand même. Ouais, ouais, grave. La Belgique avance bien et là pour l'instant on va sur un centre inutile, hein, malheureusement. C'est récupéré par hasard, hein, ou pas. Oh purée, et j'espère qu'on va avoir un goal en live, tu vois. Mais oui, enfin, on va l'avoir de toute façon. Bah, pas forcément, peut-être qu'il y aura une musique ou peut-être qu'il y a une pub, tu vois. Ah, c'est... bon, on va couper. Ouais, c'est ça, on peut pas couper la pub, je te rappelle. Hein. Voilà, ah, tir, et il a servi à rien le tir. Oh purée, et non, mais attends, les Suédois, ils ont créé un bloc à l'arrière, là, ça devient super compliqué. Ouais, ils défendent dur. Bienvenue sur Fun. Voix de Fun Radio. J'écoute Vince de 20h à 23h, car ça met de bonne humeur. Et rejoignez-moi à la Garden Party qui aura lieu du côté de Hatt, ce sera vendredi. Ah, c'est vendredi? Ça commence déjà demain, mais vendredi aussi je serai là-bas. Et demain tu y es ou pas? Non, demain pas. D'accord. Demain pas. Donc vendredi, la Garden Party, venez très nombreux, ça se passe du côté de Hatt, les amis, vous êtes bien sûr invités. Et puis voilà, tranquille, on a le son de boss avec Linka et Mondelogy, ils viennent de Belgique avec Body Tremble, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun. Ouais. Et attention parce qu'il y a une attaque de la Suède, Zlatan au contrôle. Oulala, oulala, ça sent mauvais. C'est bon, non. C'est récupéré par. Il y a beaucoup de chance sur ce coup-là. Ouais. Récupéré par Courtois. Et il renvoie. Ah, il y a une contre-attaque. De Bruyne. C'est de la contre-attaque, c'est ce qu'on appelle la contre-attaque. De Bruyne qui est là, Carrasco. Carrasco m'a mal contrôlé, on a perdu du temps. Ah, c'est bon, attends, c'est bon, il est dans la surface, Carrasco. Ouais, il est du côté droit de la surface de réparation, il temporise. Le centre. Il a failli taper dans son goal. Ouais, corner. Oh, il a failli taper dans son goal. Ouais, il est dégoûté. Ouais, enfin, Coco qui commande du foot, quoi. Il est dégoûté. Ah, c'est dit, Vince, ah, en fait, il l'a fait alors. Je veux bien le faire. Moi, je regarde le visage des joueurs, c'est tout. Moi, je te dis, elle a le boulard, cette bonne femme. Bah, toi, on joue avec un attaquant, en fait. Vous? Ouais. Lukaku. Oh, purée, on aurait dû en mettre deux. Oh, c'est dommage. Ah, ça mais non. Bon, on met le corner en live. Allez, il est important. Allez, corner. Je te rappelle qu'avec un match nul, on est qualifié. Bien sûr. Oui, mais bon, il faut quand même qu'on gagne. C'est mieux gagner. Ouais, Coco, je t'ai pas parlé. Je parle au patron. Et pour donner la confiance, tu vois. Si vous êtes deuxième, vous affrontez la Hongrie. Ah, moi, ça me convient bien. Ouais, très bien la Hongrie. C'est mieux que l'Espagne en tout cas. Ça c'est sûr. Ouais. Attention parce qu'il peut y avoir une surprise. Hein. La Hongrie peut être les. Il y a toujours une équipe surprise. Mais elle joue pas trop mal la Hongrie. Je pense. La Hongrie qui est première de son groupe devant le Portugal. Hein. C'est fort quand même. Ouais. Très très fort. Devant l'Islande aussi. Devant l'Islande. Ouais, ça fait Hongrie, Islande et Portugal troisième. D'accord, Islande qui joue bien aussi. Hein. Ouais, deuxième Islande, ils ont terminé. Portugal est troisième. Ouais, je te jure. Ils vont s'écrouler, au tour suivant, ils vont s'écrouler. Non, pas sûr, attends, ils ont bien joué pour les qualifications. Enfin, j'espère qu'ils ont battu les Pays-Bas. Je les aime bien, mais j'espère qu'on n'aura pas une finale Hongrie-Islande, c'est tout. C'est sûr, parce que ça va être chiant. Non, j'avoue. Ça va être chiant, regarde. T'imagines que Vince nous commande ça, nous on se tire une balle. Hongrie-Islande. C'est Goulash qui vient de récupérer la balle. Je crois que ce sera la moins bonne audience de toute l'histoire de l'Euro. Mais tu te rappelles quand la Grèce a organisé, la Grèce a gagné. Ouais, mais ils avaient un bon jeu. Grèce-Portugal, c'était, ouais. Ouais, Grèce-Portugal, ils avaient gagné 1-0, ils avaient joué avec un attaquant devant et puis tous les autres joueurs étaient derrière en fait. Mais c'était chez eux, non? Ouais, c'était chez eux. Ah, c'est pour ça. Alors attention, regarde. Oh, oui, la main, coup de quoi? Hop, un corner. Ouais, il a touché la balle de la main, c'est vrai. On aurait dû avoir un pénalty, mais on n'a pas eu. Il n'y a pas eu pénalty. C'est dommage. Allez, t'étais fixe sur Fun Radio, t'es prête, Coralie? Oui. Sophie, est-ce que t'es prête aussi? Prête. On coupe le match de la Belgique. Voilà. Bouge ta tête, François Zich. Hop, voilà. T'étais dans le champ. Allez, c'est parti, Sophie, bon courage à toi. Tout de suite, on appelle Julien. Tu écoutes ce qui va se passer. Ouais. Coralie va tenter de voir si le mec est fidèle. Ok. On va voir ça. T'as toutes les infos, Coralie? On est bon, on est sûr? J'ai toutes les infos. C'est parfait. Magnifique. Allez, c'est parti. Ça sonne. Oui. C'est bon, ça sonne. On coupe nos micros. Attention, on coupe nos micros. Bien suivi de Coralie. Allô? Allô? Oui, Julien? Oui. Ouais, dis, excuse-moi de te déranger, en fait, tu me connais pas. Je m'appelle Caroline et j'étais ce week-end au Delirium. Oui. J'ai un peu parlé avec Thomas, ton ami, en fait, et quand je lui parlais. Thomas? J'étais, ouais, ah oui. Je t'ai vu au loin et en fait, tu m'as un petit peu tapé dans l'œil et je trouvais vraiment mignon et du coup, je l'ai demandé. Au Delirium? Ouais, au Delirium ce week-end. Enfin, je sais plus si c'était vendredi ou samedi, mais c'était ce week-end. Mm-hmm. Et voilà, en fait, je t'avais vu et je t'avais vraiment trouvé mignon. Et du coup, bah, je voulais demander ton numéro. Ah, c'est gentil. Je voulais t'appeler. Mais genre, j'ai croisé ton regard ou pas? Mais je pense qu'à un moment, tu m'as regardé et tu m'as souri, oui. Ah, ouais. Bah, je sais pas, et tu t'appelles comment? Je m'appelle Caroline. Ah, Caroline. Okay. Je portais un pantalon noir avec une blouse blanche et j'avais une petite veste en jeans. Je sais pas non, je me rappelle pas, je me rappelle pas. Avec des longs cheveux blonds. Mm-hmm. Et sinon, enfin, pourquoi tu... Donc Thomas, il t'a donné mon numéro. Ouais, ouais, parce qu'en fait, voilà, ben, suite à ça, en fait, j'aurais aimé t'inviter, genre, enfin, pour qu'on boive un verre, qu'on se voit, qu'on discute un petit peu, ah. Pour qu'on fasse un peu connaissance. Mais c'est quand tu veux. Ah ouais. Je suis tout à fait ouvert, bah ouais. Direct. C'est cool. Hein. C'est cool. On pourrait, bah ouais. Bon, on pourrait se voir ce week-end. On pourrait retourner au Delirium. Oh, avec plaisir. On pourrait retourner au Delirium et puis. Et puis voilà, si jamais ça se passe bien, tu pourrais peut-être aussi, je sais pas, rentrer chez moi ou quelque chose comme ça. Ah, bah ouais, direct. Quand ce week-end? Ouais, vendredi, si tu veux. Vendredi, on peut se donner rendez-vous en ville vers 21h. Le gars est un sale. Ouais, sur la Grand Place. Non, et après, voilà, on va boire un verre. Et, déco. Bon, après, oh, quand on en a marre, on rentre chez moi. Georges. Ben, j'en aurais vite marre alors. Hein. Un pied au pied. Tu veux, on peut aussi directement aller chez moi, quoi. Ouais, je préfère ça, ouais. Ah ouais, on va direct chez toi ou chez moi, c'est pareil. Ah bah c'est comme tu veux, moi, on peut... c'est comme tu veux, soit chez moi, soit chez toi. Et t'es comment physiquement? Bah je suis à 1m70, donc voilà, je suis quand même un peu grande. Voilà, je sais pas, je suis quand même assez mince, donc voilà. Mince, bah ouais, bah. Ok. Elle a le boulard, cette bonne femme. Donc voilà, okay. J'ai des cheveux blonds, j'ai des yeux bleus, voilà. Et des doubles fois. Ok. Oh la mytho. Bah voilà, on se le fait ce week-end et puis voilà, on verra. Ouais, d'accord. Attends, je vais juste te passer. Je suis avec une amie, je te la passe juste 2 secondes. Ouais, ça va être chaud là. Ok. Ouais, allô? Tu me reconnais pas? Allô? Il est mal. Si. Carté comme jamais. C'est qui à l'appareil en fait là? Tu sais très bien c'est qui à l'appareil. Ouais, non mais la meuf d'avant. T'es sérieux? Mais c'est ma pote. C'est ta pote, tu veux la baiser, c'est ta pote, t'es sérieux, tu te fous de ma gueule là? Comment Ibito, il continue à s'enfoncer? Mais. Oh le con! Et t'as pas compris, le fait c'est que. J'ai pas compris quoi, voilà. T'es un gros connard, si ça je l'ai compris, y'a pas de problème, hein. Aïe. Ouais, c'est bon, hein. C'est ma pote, voilà, on va aller en soirée ensemble. Ouais. En soirée? Elle t'a dit de venir chez elle, t'as dit oui. T'appelles ça aller en soirée? Mais de toute façon, je savais que t'étais avec elle en plus. Tu le savais, c'est pour ça que t'as dit oui, arrête, faut pas de ma gueule, sérieux. Ouais. Après un an de me faire ça, à moi, non mais tu m'as pris pour qui en fait? Tu m'as pris pour juste une meuf ainsi, genre vite fait. Ah, il sait pas quoi dire. Bah non, mais voilà quoi, c'est bon. Toi, si tu casses les couilles, elle m'a de la Belgique là, toi tu me ramènes avec ça, c'est bon. Attention. Et c'est pas toi, le mec énervé, je te signale, c'est quand même moi qui suis en train de t'amener de tromper. Mais d'où je t'ai trompé? Je t'ai pas trompé. Eh, t'as dit tu viens chez moi, t'as dit oui. Je t'ai pas trompé. Ah, c'est trompé ou t'allais, pas? T'allais, mais c'est la même chose. Il est pas passé à l'acte. Oui, d'accord. Ah, c'est trompé. Tu sais qu'en voyant Coralie, il aurait pas voulu. Regarde, en plus, j'ai réussi aujourd'hui et tout, et toi, tu viens avec ça. T'es pas dans mon top 10, alors commence. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? T'as juste pas à faire ça. Tu te prends pour qui? T'es même pas un vrai mec, en fait. Elles sont où, tes couilles? Justement, je suis en train d'assumer. Oui, c'est vrai, je lui ai parlé. Mais en toute amitié, quoi. Ouais. En toute amitié, elle voulait t'inviter chez elle. Tu voulais limite la ramener chez toi. Attends, c'est pas de l'amitié, ça, pour Est-ce moi. Que j'étais chez elle? Est-ce que j'étais chez elle? Okay, tu non. L'étais pas, mais c'est ce que tu voulais faire. Bah ouais, c'est la même chose. Ah, mais qui dit que je voulais aller chez elle? Quel mytho. Mais tu l'as dit, tu sais, tu n'as pas ce que tu dis, t'es con, tu te fous de ma gueule, en fait. Il est bloqué. Bon. Est bloqué. Bon, Julien, bonsoir. Ah, bonsoir. Ah là, bonsoir. T'as compris ce qui se passe ou pas? Oh, je recule. Ah la Vince, poteau. Ah non, il s'est fait des amis comme ça. Oh, poteau. Y'a un poteau ou ça? Un piqué. Non, poteau. Ah, je vous écoute tous les... Eh, je savais... Oh là là là là. Bon, Julien, si t'as eu ta meuf au téléphone? Et si t'as t'as compris ce qui s'est passé? Oui, t'es mort. Ouais, c'est bon. T'as un petit cochon. Oui. Vite, tu es vraiment un gros cochon. Qui aime et ouais, mon petit Julien. Tu es vraiment un gros cochon, oui. Oui, t'as envie de voir ce qui se passe dans ton caleçon ou dans son caleçon. Je crois que t'as déçu Sophie, par contre, Julien. Déception. Non, mais je l'aime. Hein. Oui. Alors, et la meuf que t'as eu à l'antenne, ça va plus tellement t'attirer, c'est Coralie. C'est Coco la Non. Oh putain. Comment c'est la rage. Mais vous êtes sérieux là? Alias Coculato! Mais où Lara là? Lui, s'il avait été Lara qui l'aurait piégé, tu vois, il aurait dit oh oui, ah oui, d'office, avec plaisir. Non mais Julien, c'est pas cool ce que tu fais par rapport à Sophie. Bon. C'est pas cool ce qu'il fait par rapport à Sophie. C'est pas trompé. Ouais, bon, alors techniquement, c'est vrai, Sophie, on va avouer, il s'est rien passé. Mais aussi, on va avouer que t'as un petit cochon, Julien. Un minimum. Ouais. Non mais bon, attends, mais par rapport à Sophie, c'est pas cool, tu vois. Ouais, t'es pas cool. Mais elle sait que je l'aime, tout ce qu'on a fait ensemble. Ouais, bah, Sophie, elle parle même plus tellement les dégoûtée. Ah ouais, Sophie, c'est pas mort. Non, bah l'écoute, ne parle même pas. Je crois que c'est mort. Je crois que c'est toi qui es mort. Bon, c'est moi qui est mort. Je crois, les amis, que nous, on va continuer à regarder Suède-Belgique. Hein. Ouais. Allez, enfin, bonne soirée. Enfin, pour toi, ces vacances, c'est bon. Je regarde tranquille, au calme. Ouais. Maintenant, je suis célibataire, quoi. C'est bon. Ouais. Écoute, t'as compris. Voilà. Ah, t'inquiète pas, il y a Coralie. bisous. Ciao, hein, Julien. Bye bye. Bisous. Salut. C'est la première fois de la saison. Non, c'est la deuxième fois de la saison qu'il y a un auditeur qui se fait choper. Ouais, c'est vrai. Au jeu là. Bon, Sophie, écoute. T'inquiète pas, il y a un auditeur qui m'a envoyé au 3044. Vince, c'est un bâtard le mec. Si elle veut, elle peut avoir mon numéro de téléphone. Ouais. Donc, si jamais. Ça va, vous m'envoyez alors. Eh ben, avec plaisir, ok. On te passe Coralie. C'est 0474-3115. Bon, ça va, on lui donne la suite en antenne. Ouais, bisous, allez. Sophie, au revoir. Hein. Bisous, au revoir. Bisous, bye. Ah, le salaud. Mais comme c'est un auditeur, ça passe mieux. Ah, je rigole. Bon, c'est Linka Modelogy. Voici Body Trembles. La partie de la compile de DJ Party Fun qu'on a sorti tout récemment là. Ouais. La Club and Dance. Ok. Allez, il est 22h25. Et attention, contre-attaque de la Suède. Ouf. La Suède joue chaud quand même, on arrive, on arrive. Step in my direction. action. Bienvenue sur Fun Radio et Lucas Poix a failli la mettre dedans. Encore ? C'est la troisième fois. Oh. Ouais, non mais là il a eu beaucoup de ratés. Il y a toujours pas de changement côté belge. Hein. Ouais, c'est inquiétant. Hein. Alors là, la Suède qui réattaque, attention, Zlatan. C'est vrai que Zlatan joue moins bien en truc là, mais. Oh, attends, c'est pas mal. Ouh, heureusement que ça n'a pas été intercepté. T'imagines ? Contre-attaque immédiate, allez, attention, non, c'est trop court. C'est oui. Pas fini, c'est pas oh oui. Allez, il est seul de regarder, vas-y. Ah ouais ! Non, en jeu ! Non, hors jeu. Fils de pute. Hors jeu, asseyez-vous. Va te faire enculer ta mère. Asseyez-vous, il est hors jeu. Asseyez-vous tout le monde. Tu es l'arbitre. Bouh. Ouais, la Suède. Bouh. C'est pas vrai, on va encaisser. On a failli. Attends, je vais revoir où il y a hors jeu. Hein. Bouh. Asseyez-vous, il y a hors jeu. On a tellement gueulé qu'il y a des gens qui ont été à la fenêtre. Et toi, je t'emmerde. Ah bon, allez, bon, c'est dommage. Regarde. Bon, le but va arriver, ouais. Mais il y a pas hors jeu. Non, il n'y avait pas hors-jeu. Mais putain, il n'y avait pas hors-jeu. Si j'y connais un peu en football, tu sais qu'il n'y a pas hors-jeu. Non, c'est l'autre phase. Ta gueule, toi, le français. Eh, toi, tu t'y connais pas en foot. Non, mais ils sont drôles, ils nous remontrent une autre phase. Ouais, oh là là. Ils sont bien, ils sont magnifiques. Ouais, le réalisateur, merci, hein, c'est gentil. S'ils n'ont pas montré le truc du hors-jeu. C'est ça, ils l'ont montré vite fait, mais après, tu vois, ils l'ont passé, ils ont mis une ancienne occasion. Ah, la réalisation, ils sont nuls. C'est juste parce que c'est des Belges, les réalisateurs français, là, ils veulent nous faire chier. Ah, ça m'a gavé, là. Non, je suis dégoûté. Oh, je zappe, c'est quoi, je vais regarder autre chose. Ok, ça va. Par contre, la Suède, elle presse, hein. Ça se joue où en Suède? Oh non, merde. Bon coup franc, là. Ouais, ils ont touché Zlatan. Ah, Carrasco est sorti, hein. Et ils l'ont sorti. Ouais, Mertens est rentré. C'est Dries Mertens qui est rentré. Mertens. Ouais, bon, désolé, fils de pute, ils sont comme ça. Et l'autre match? Ça dit quoi ? Toujours 0-0 de l'autre côté. Bon, la Belgique est toujours qualifiée, mais. Bien sûr. Ouais, il faut prendre confiance, donc il faut marquer, quoi, tu vois. Ouais, il y a pas... coup franc, là. Bon, on va regarder le coup franc pour la Suède. C'est Zlatan qui tire, non ? Je sais pas trop. C'est Zlatan qui a été touché en tout cas. Moi je pense que c'est Zlatan qui tire. On vous tient informé sur le match, bien entendu. Je sais qu'il y a plein d'auditeurs qui m'ont envoyé des messages genre, ouais, je suis au boulot, je peux pas avoir de vidéo et tout ça. Ouais, on est là, on vous tient informé, y a pas de souci. Zlatan va tirer un coup franc qui est placé plus ou moins à 22 mètres. 25. Alors attention, il est très bon, Franzosic, à un niveau calcul comme ça. 25 mètres tout droit. Ah ouais. Plein axe. Alors qu'est-ce que ça va donner? Il est bien placé. Ah, hein. Il est bien, ouais. Ouh là là. C'est bien tiré. Oh, l'arrêt. Oh, heureusement, purée, c'est même pas un arrêt. Il a rebalancé le ballon. Evan vient d'arriver. Salut, Evan. Salut, les doudous. Oh, Evan. Comment ça va, Evan? J'adore parce que François, il s'est retourné, il a gardé le match, il se retourne. Mais oui, c'est ça, il y a Evan qui est là. Les gars, c'est normal, c'est un trou spatio-temporel. On est le matin. Il est 6h32. Ah, bon, super. Ça va, Evan? Bah, je suis inquiet quand même. Hein. Ah, ça joue. Voilà. 75e minute, là, il n'y a rien qui se passe. Hein. Oui. Et oui, effectivement. On arrive de Rhodes à Genèse. Ils ont eu une panne d'électricité. Donc, les gars, vite, faut qu'on trouve un écran. Ils sont venus à Fun. Des cons, tu sais, en plein match, fini, terminé, plus rien. Ah, c'est relou ça, ça a dû faire bailler. Il y avait du monde à Rhodes à Genèse. C'était blindé, elles étaient magnifiques. Les suédoises. Non. Bon les amis, ah bah Evan, tu tombes à pic parce que je crois que ça va être un moment de vengeance tout de suite sur Fun Radio. Je vais couper le son là. Fun Radio est là. C'est magnifique. Un petit moment de vengeance qui va se passer dans cette émission. Alors on était les premiers à le faire et là je félicite quand même le Françoisie d'avoir fait ça, d'avoir bien mené ça. À savoir la radio perd le contrôle. Bon, on a eu l'idée à deux, faut le préciser quand même. Je te rappelle, on a eu l'idée à c'est deux. C'est vrai, mais je prends quand même les droits. C'est ça. Il a récupéré les trucs, c'est-à-dire que je sens que pendant l'été, parce que tu vas annoncer un truc, Kaufman à 22h30, je dis ça, je dis rien. Oui, oui, bien sûr. Il est 22h33, mais c'est ouais, pas mais grave. Laissons-les faire. Bien sûr. Un petit peu plus, un petit peu moins. Bon, bref, Françoisie, la radio perd le contrôle, on écoutait toutes les autres radios, et en gros, eh ben, on s'est rendu compte que les radios faisaient beaucoup de conneries. Beaucoup, beaucoup. On s'est rendu compte qu'à Fun Radio, il y avait pas mal de bêtises avec Fabien, et ça me fait peur parce que. Pourquoi ? Je l'ai pas encore regardé dans les yeux, et maintenant je le regarde. Fabien est avec nous qui fait le 13h-17h. Depuis le temps que j'attends ce moment. Mais c'est le temps que j'attends de pouvoir venir balancer des dossiers ici. Comment tu vas ? Ben ça va et toi ? Ça va pas bien. Mais pour l'instant, disons que ça va. Ça fait 6 mois qu'il me dit ouais, j'ai du dossier. Alors s'il y a 6 mois, il a dit j'ai du dossier. Ah ouais, entre temps, je vous dis pas ce qui a pu se passer. Des montagnes de dossiers. Ouais, c'est pire que ça. Un front de dossiers. Ouais. Allez, c'est parti. La radio pas le contrôle. Exceptionnellement, c'est Fabien qui va gérer ça. Oui. On écoute les autres radios. On repère les erreurs. Et on vous les diffuse. Et oui, la radio perd le contrôle sur Fun Radio. Allez Fabien, on t'écoute. Bon, je vais un peu faire le trade pour démarrer. Puisque Vince, on a l'habitude de t'entendre sur une radio, sur Fun Radio. Ouais. Ouais. Mais j'ai retrouvé il y a un truc, quand t'as fait un test sur une radio un peu plus vieille. Ouais, est-ce plus que tu vois de quoi je parle ? Nostalgie ? Ouais. Ouais. T'as retrouvé un truc de quand j'ai été faire la bêtise de Nostalgie. J'ai retrouvé quelques trucs, ouais. Oh purée, attends, c'est il y a combien de temps ça ? C'était il y a 3 ans, je pense. Hein. Il y a 3 ans déjà ? Ouais, il y a 3 ans. 2013, un truc dans le genre, je pense. 2013-2014. Bah, tu veux qu'on réécoute ça ? Ah ouais, je te dis pas le bordel que ça a foutu à Fun Radio. Hein. Vas-y, allez, c'est parti. Le groupe de rock britannique à l'instant même sur Nostalgie. Oh non ! Oh non ! Direction Paris, la France. On retourne en francophonie avec Michel Sardou. C'est pas pour ça. Bienvenue sur Nostalgie. Mais c'est quoi cette grosse attends, voix attends, tu attends, attends. Pause deux secondes. Et tout de suite, ouais, j'ai pas fait ça en live chez eux. C'était à l'inscription où il fallait s'inscrire. Exactement, chez eux. Ouais. Non, parce que je dois remettre dans le contexte en fait. Je voyais que Nostalgie avait fait un casting et moi je me suis dit, ah, ce serait trop fort si on pouvait aller faire un délire là-bas, une connerie, etc. Genre, on participe, je viens de participer, etc. Et donc je l'ai fait en sous-marin. Enfin, j'en ai prévu mon directeur d'antenne, mais il a pas assumé après mon directeur d'antenne. C'est pas Evan, J'en ai parlé à mon directeur d'antenne, ouais, vas-y, je vais là-bas, je débarque en mode, ouais, je suis sur Fun Radio et tout. Le directeur d'antenne me fait oui. Par contre, quand le patron était fâché, le directeur d'antenne, il a plus assumé. Je lui ai jamais dit oui. Tu vois. Donc voilà. Qui Mickaël. Et donc du coup on s'est retrouvé dans une situation où c'était super drôle. J'avais participé au matin. Tu as aussi diffusé ça ou pas? Non, ça c'est pas prévu. Ah non, c'est j'ai parce pas que, non. Parce que respect, t'as eu la démo. Ouais. Je l'ai enregistré pour t'as que ça passe crème, tu vois. Alors moi je me suis dit c'est bon, je vais mettre un prénom et mon quatrième nom de famille. Ils vont pas griller. Je suis arrivé là-bas. Salut Vince de Fun Radio. Raté. La suite. Attends, j'en ai d'autres. Et tous les matins, vous avez toujours un thème, un sujet qui apparaît dans la presse. On vous pose la question. C'est moi ça ? Ouais, c'est toi. Aujourd'hui le thème. Mais c'est vrai que t'as pas la même voix. Je voudrais être. Faites-nous part de votre avis en direct à l'antenne. Et on attend bien sûr vos réactions sur la page Facebook des Chauds Matins. N'hésitez pas à faire un petit like meilleur, pour nous rejoindre. C'est meilleur là-bas. Vas-y, postule. Alors ça me rassure. N'oubliez pas le thème. Quand je serai grand, je vous aiderai. Je voudrais être. Quand je serai grand, je voulais la refaire. Non! Non! Comment t'as retrouvé ça? Attends, lui, excusez-moi, il est plus supposé être du côté d'énergie nostalgie, hein, parce qu'ils sont ensemble. Oui. Comment t'as eu ça? Ben, je travaillais là-bas avant d'arriver ici. Ah, il a déjà pris le dossier avant. Voilà. À l'époque, il a je me suis dit, le jour où j'arrive chez Fun, il faut bien que j'ai du dossier. Donc, je préparais déjà le terrain, tu vois. Salaud. Ah, tu m'as bien niqué là pour le coup. Alors, ça me rassure sur un point. Ça veut dire que si jamais demain je dois changer de format, il n'y aura pas de problème. Oui, c'est vrai. Voilà. On peut y aller. Je ne vais pas arriver en disant ouais, je suis bienvenu sur Nostalgie ici. Elle était une voix plus sensuelle là-bas d'ailleurs. Ouais, bah on pose la voix un peu nostalgie. C'est le bonsoir. Combien de fois je ne les ai pas chambrés en plus ici dans l'émission. Ouais, c'est vrai. On a quoi d'autre? Bon, sinon, on a un peu de dossiers sur Fun, des trucs plus actuels quand même. Ah! Voyez bien. Antoine qu'on retrouve chaque week-end. Oui! 10h, 14h. Ah, oui. Bon, normalement, il fait le week-end, sauf qu'ici, il faisait un remplacement en semaine. Et la semaine, ce qui change, c'est qu'il y a les infos. Ouais. Les infos avec notre grand journaliste qui s'appelle Carlo Morello. Bien sûr. Voilà. Carlo Morello, on est d'accord. Bien sûr. Ouais. Voilà, sauf que pour Antoine, c'est pas tout à fait ça. Fun Radio. Il est midi sur Fun. Toute l'actu de ce mercredi 5 août 2015, c'est avec Carlo Romello. Carlo Romello. Carlo Romelu Lukaku. Carlo Romelu. Carlo Romelu. Et le pire, attends, est-ce que tu peux remettre et écouter Carlo Morello qui est stoïque. Le mec il dit, attends vas-y remets, remets un coup. Mercredi 5 août 2015, c'est avec Carlo Romelu. Salut Carlo. Morello, c'est peut-être mieux. Ah non, il a quand même il a repris. Il a quand même. On a pas mal parlé. On a trop rigolé, j'ai même pas entendu ce qu'il a dit le mec. Ah bah, on salue Antoine. Ah ouais, magnifique. Qui va, alors, selon la nouvelle grille d'été, il va faire le morning avec Coralie. Ah ouais ? Ouais. Voilà, donc on pourrait retrouver Coralie dans un morning. Elle va animer. Non. Attention, la chute d'audience. Elle va animer. Ouais. Heureusement que c'est pas sondé, hein, le week-end. Ah non, pardon, la semaine. C'est la semaine. La semaine, pardon, les vacances, je voulais dire. T'inquiète pas, Coralie, ça va rouler, y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh ben, j'ai plein de choses en fait qui se passent pendant les infos. Là, c'était le matin, il y a Sandro qui anime avec Evan le matin. Ouais, ouais. Et un jour, Evan n'était pas là, je crois qu'il était en retard. Et du coup, c'est Sandro qui a lancé les infos. Sauf que c'était une nouvelle journaliste. Et je crois c'est bien qu'Evan est là. Je vais attendre l'extrait pour. La journaliste, elle ne savait pas très bien qui était Evan, qui était Sandro. Je crois qu'elle ne connaît pas les gens de la radio. Et du coup, vous allez entendre ce que ça donne. Fun Radio. Fun. Il est déjà l'heure pour s'informer avec Assia. Bonjour Assia. Salut Evan, salut à tous. C'est pas Evan. Hein. La meuf, si, ils sont arrivés à la radio, genre, on a besoin qu'Evan n'est pas là, le journaliste n'est pas là, toi dans la rue, tu promets son cher, viens, tu vas faire des infos. Mais ce qui est génial, c'est que Sandro il réagit même pas après. Ouais. Donc elle l'appelle Evan pendant tout le truc et il a kiffé. Pas. Ouais, mais c'est peut-être son fantasme. Ouais. C'est ça, il y a eu des zéros en plus tout d'un coup pendant quelques secondes dans son salaire. Aussi non, on a du Lloyd aussi. Ah bien. Lloyd, alors, Lloyd le matin. On a arrêté de le vanner pendant un moment. Moi j'ai arrêté. Pourquoi? Oui, pourquoi t'as arrêté François? Parce qu'elle a pris un coup de front, c'est tout. Mais non, parce qu'on a un peu abusé avec Lloyd et on a. Dans un instant. Dans un instant. Ouais, c'est ça. Dans un instant. Ils ont fait un pot. Après je me suis vengé sur Fabien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est qui le prochain? Le prochain? Bon, ça va être encore toi. Moi je vais rester sur toi. T'inquiète pas. Okay, parfait. Il y a tellement de matière que. Bon, Lloyd, donc c'est l'animateur qui a la grosse voix. Il a fait un passage antenne. Donc le passage antenne, c'est quand on passe d'une émission à une autre. Ouais, ouais. Donc là, c'était la fin du morning. Il devait reprendre juste après. Et je pense qu'il avait perdu un peu sa voix ce jour-là. À partir de 6h avec du son d'Explore, de la déconne et là jusqu'à 13h, c'est Lloyd qui arrive. C'est toi, mon Lloyd. Bisous, mon doudou. Avec dans un instant. Ah, enfin, c'est là récupéré. Attends, mais il s'est passé quoi? Je comprends pas. Et ils ont pas allumé le micro, je pense. Hein. Et non, mais il a parlé en mode normal, donc il avait pas ouais, son casque. C'est ça. Ouais, okay. Il a parlé pendant tout le truc, mais avec son micro éteint. Ah, merde. C'est plutôt pas mal pour faire de la radio. Eh bah, décidément, on a quoi d'autre encore là? Parce que, mais t'as tout un. Ah, mais t'as vu, attends, il en a pour une heure. J'ai encore un autre problème pendant les infos. Alors, pour expliquer en gros, donc sur la radio, la pub quand elle part, ouais. En fait, on a plus le contrôle. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la radio perd le contrôle, puisque quand la pub démarre, on n'a plus le contrôle dessus, on sait plus l'arrêter. C'est vrai. Et une fois en plein flash info, on sait pas pourquoi la pub est partie doucement. Ouais je me permets, tu sais, genre, la pub est partie toute seule. Ouais. Excuse-nous, Fabien, il y a eu un goal. Il y a eu un goal de Nainggolan. Ça fait plaisir, ça. Oh là là. C'était oh, magnifique. Ça délivre, ouais. Ça délivre. Oh, attends, je mets le volume. Evan, est-ce qu'on a des problèmes de droit si on diffuse la RTBF sur les ondes de France? On n'a rien à foutre, on passe. Ok, d'accord. Alors, on écoute l'euphorie dans le stade à Nice. Nainggolan qui a marqué. Oh, ça fait du bien! Ouais, bien! Ah, moi j'ai pas vu le goal parce que je te regardais, tu vois. Attends, regarde ça, c'est magnifique! Magnifique! Alors, voyons voir. Un centre du côté gauche. Non! Le mec il a tiré quoi? Combien de mètres, François? Je crois t'es bon, toi, pour ça. 21,5. Eh, très très beau! Regarde ça! Avec l'aide du cul de l'autre, là! Non, mais ça! Wow. Très très beau! Allez, plus qu'un goal en plus et je me fais 500 euros. Ouais, j'ai parié avec un handicap. Eh ben, joli. Et Zlatan, il va elle. Voilà, il reste combien de temps là? 20 minutes. Il reste 6 minutes. 6 minutes? Ouais, 6 minutes. 6 minutes plus le temps additionnel. Bien sûr. La Belgique va en retard. La Belgique, c'est bon, Thibaut, ouais, pour toi, bon, il assure. Bon, il assure. Bon, la suite, on continue, là, Radio Pôle Contrôle, on est bien lancé là. Ouais, donc c'était pendant les infos. La pub est partie toute seule. Ok. Ouais. Et donc, Carlo, à ce moment-là, il sait pas ce qu'il doit faire. Est-ce que je continue les infos ou pas? Et donc, il y a un moment où il hésite et nous, on a récupéré l'extrait sans la pub. D'accord, oh, sympa, ce qui se passe à la pub, et c'est très sympa. Il est fort, il est fort. Très bon, l'ingénieur. Bien, ben, les contrefacteurs en profitent pour se faire du blé. Ainsi, on a appris hier que le mois dernier, plus de 3 tonnes et demie de marchandises destinées à la confection de ces bracelets plastiques. Et donc là, il a arrêté puisqu'il s'est rendu compte que ça servait à rien. Non, je crois qu'à Paris, il parle plus. Ah ouais, effectivement. C'est drôle ça, le pauvre. Ça sert à rien. Je vais prendre des tibères, ça me saoule. En fait, le seul problème, c'est que les villes où il y a de la pub, il y avait la pub, et dans certaines villes, il n'y avait pas de pub. Donc, on a entendu ça sur antenne dans certaines villes. Ah oui, d'accord. Et donc, il a entendu s'arrêter sur antenne. Oh putain. Pauvre Carlo. Mais j'aime bien le moment d'hésitation. Je continue ou je continue pas? Du coup, t'entends sa voix. Justement, alors, bon, je savais que la radio numéro 1 en matière de conneries dans tout le paysage audiovisuel franco-belge, on va dire, c'est Vivacité. Bien sûr, plus de conneries. Mais là, pour l'instant, on est en train de les rattraper. Donc, est-ce que t'as pas des trucs d'autres radios par hasard? J'ai un truc sur Vivacité. Oui! Vivacité! Ils sont très forts. Voilà. Alors là, eux, chaque jour, j'entends des trucs à mon nez, je me dis, bon, je vais plus les envoyer. Je me dis, je vais plus les envoyer à France. Tu sais que Coralie, elle est venue ce matin, elle m'a dit, j'ai écouté 20 minutes de Vivacité. Il y a que des conneries. J'ai 5 extraits déjà pour toi. Non, mais c'est. Je crois que c'était à 11h44 et midi 1. Très bien, juste avant, on n'est pas des pigeons, on les salue. 16 minutes de bonheur. Deux conneries. Non, d'accord, deux conneries. Ah, ça va. Tu écoutes l'après-midi avec un certain Marc Vernon, t'as que ça. Voilà, bon, chers auditeurs, restez sur Fun Radio. Et si jamais on vous appelle pour répondre à un sondage, vous dites que vous écoutez Fun Radio. Tu vas avoir des soucis, toi. Voilà, et si jamais vous écoutez d'autres radios, dites que vous écoutez Fun quand même. C'est tout plaisir. On t'écoute. C'est une pauvre journaliste qui a eu un petit problème sur un mot. Deux minutes également. En plus, à noter en intérieur de Grand Bigard à Zaventem. Et puis, on a toujours cette moissonneuse batteuse en panne sur la Nationale 5, Charleroi, Bruxelles, Waterloo. Peu après, la butte de la butte. Attends, est-ce que c'est pas moi qui t'ai envoyé ça, Francis? Non, c'était Fabien qui nous l'avait envoyé. D'accord, ouais. C'est toi qui l'avais envoyé. Oui, il faut savoir que j'ai entendu un des fournisseurs de Radio Père Confort, là. Ah, ça fait plaisir. Ça. Ouais, c'est les auditeurs qui nous ont beaucoup aidés aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je vous rappelle, même si vous écoutez ailleurs de temps en temps, si on vous appelle, vous dites, vous répondez, vous écoutez. Voilà, clin d'œil. La suite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, j'ai toujours du Evan. Alors, Evan, Allez, tiens, je te passe le casque. Attention, il est fort. Vas-y. Evan, il a fait pas mal d'émissions en extérieur cette année. Et je sais pas pourquoi, maintenant, il a fait une émission en direct d'une cathédrale. Tu te rappelles ou pas? Alors, attends, j'en ai fait tellement, mais je ne sais plus laquelle, non? Non, mais je vais te faire écouter. Vas-y, fais péter. Avant le boulot. Bonjour à vous et bienvenue, il est. Alors c'est soit une cathédrale, soit en direct des toilettes, je ne sais pas. Et ça, je sais, quand ça fait ça, c'est qu'on a c'est l'ordinateur, c'est le son de l'ordinateur en fait qui est pris à ce moment-là, c'est pas le son ouais. du micro, et c'est totalement pourri, j'ai l'impression d'être dans ma cave avec aucun meuble. Hop. Voilà. Et tu en veux encore? Parce que moi, je peux continuer des heures comme ça. Vas-y, on se fait plaisir, encore un qui est hilarant, un qui est fort. Bon, j'ai... Où tu veux. Voilà, j'ai Sandro une fois qui remplaçait aussi Evan. Ouais. Et je crois qu'il avait un peu du mal à expliquer l'histoire. Vas-y. Vous réveillez tous les matins et puis avec des best-of un peu les meilleurs moments. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Jérôme, qui était de Charleroi et qui voulait rencontrer l'amour, il était dans un magasin et oui, un magasin c'est spécial. Je vous en dis plus. Juste après Katy Perry avec California Girls. Oui, sort les en fait, le jeu qu'on joue tous les matins, c'est un jeu. Le pauvre. Une question, pardon, et vous devez citer trois réponses. Bon, au début, c'est simple parce qu'on dit la première réponse, ok, ça va. Vous réveillez tous les matins, et puis avec des best-of un peu les meilleurs moments. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Voilà, l'intervention qui n'en finit pas. Et le pauvre. Et j'ai rien d'autre à dire qui dit. Ah, ouais, le pauvre. Ah, c'est pas évident. C'est embêtant en radio. Non, oui, effectivement. Mais c'est comme ça qu'on apprend en même temps. Oui. Eh ben, super. Un petit dernier ou pas? Un petit dernier. Ça date de la saison dernière. Oh, dommage. Il y avait Cyril dans la radio. Ouais. Je te rappelle juste avant ton émission. Ouais. La toute première émission de Cyril dans la radio. Ouais. Il a un petit problème avec le nom de la radio. C'est l'émission de déconne parce que maintenant il va falloir qu'on soit drôle. Ouais, on va essayer. C'est pas gagné. Je suis pas tout seul pour vous accompagner tous les après-midi sur Énergie. Déjà il y a. Oh non, mais ce qui est très fort, c'est ce qu'il dit juste après. Écoute. Prem sur Énergie. Déjà il y a toutes les stars de Fun Radio qui sont là. Il y a Nick. Énergie avec toutes les stars de Fun Radio. C'est pas bien. Ouais, mais attends, c'est pas évident quand t'as fait des années quelque part et que d'un coup tu dois switcher. C'est pas évident. Hein. Bon, Fab. Ouais, ben le reste, ce sera pour une autre fois peut-être. Bah la semaine prochaine si tu veux. Bah écoute, avec plaisir. Ou tu reviens demain, moi y a pas de problème. Hein. Bah, écoute, fixons-nous la semaine prochaine. Demain j'ai un truc. Ouais. bravo, femme. Bravo. Bien. Et si jamais t'es intéressé pour un poste, presque. Et si jamais t'es intéressé pour un nouveau poste pour remplacer François Sousis, parce que je te trouve très très bon dans ce jeu là. J'ai l'impression que t'as toutes les sources. J'ai l'impression que chez toi à la maison t'as un programme qui te permet de tout écouter. Ouais, c'est fou. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que je fais la nuit en fait. J'écoute toutes les radios là. Il est bon. Très bon. Comment ça s'est passé sur Skyrock d'ailleurs? Mais très bien. Ah, de quoi tu parles? Non, mais t'as été apporté un gâteau à Diffoul Skyrock. Oui, j'ai fait une petite surprise. Voilà, eh, mais ça, franchement, je m'y attendais pas. Tu sais, je vois, je suis un peu toute la radio. Ouais. Et je vois tout d'un coup Fabien qui est publié sur un truc. Alors, Skyrock, on s'en fout, on en parle. C'est bien en sûr. France. Voilà. Ils n'ont pas site internet pour les écouter. Voilà. Faudra en prendre un. Et tout d'un coup, je le vois et je me dis, mais Diffoul là-bas. Mais comment il a fait pour se faire transférer avant le mercato? Mais est-ce que t'es obligé de dire ça quand il y a tous les boss qui sont à l'écoute de la radio? Bon, ça va, c'est pas grave. Non, mais tranquille, ils payent mieux ou pas? Je sais pas encore. Négocie. Ouais, tu me diras aussi. Très bien. Ça marche. Bon, bah, merci Fab, c'est gentil. Merci à vous. Alors, 3 minutes d'arrêt de jeu, bah, il reste 2 minutes de match. Ouais, hein, c'est bon. Ah, ce serait bien un petit goal, juste histoire que je puisse inviter tout le monde à la bourse après. Mais je doute que ça va tomber, malheureusement. Bon, allez, bienvenue sur Fun Radio. Théoro qui arrive avec Bailar. Hein? Dernière ligne droite de l'émission. On a quoi de prévu, Françoisie? Je toi qui es omnibulé par cet écran. Là. Le mot de la fin. Ah, le mot de la fin. Eh ben, c'est bien urbain. On arrive tout de suite sur Fun. Bienvenue. Fun. Dans moins d'un quart d'heure, Mike et la team Open Space débarquent pour retourner la Belgique sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Tous les soirs, dès 23h, Libertad, l'Open Space, avec Mike, sur Fun Radio. Oui, donc voilà, je disais que je trouvais que ma fille n'était pas belle, elle a 6 mois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te plaît elle, pas elle est trop potelée, elle a pas de cheveux, elle est... Trop potelée, oui. Pas de cheveux. T'es sûr que t'as pas accouché de ton grand-père? En quart ce soir, à 23h, pour le retour des délires sur Fun Radio. L'Open Space, avec Mike, le soir sur Fun Radio. Votre série inédite tous les jeudis à 21h45 sur Plug RTL, Lost Girl. Pourquoi j'ai le pressentiment qu'on ne va jamais se revoir? T'inquiète pas, je vais revenir. Dans un monde fantastique, choisira-t-elle le bien ou le mal? Si j'assassine le frêne, il y aura une autre chasse à cour ou elle sera nommée automatiquement? Malheureusement, tu choisis le plus mauvais moment. Ce soir, c'est la lune de sang. Je peux entrer en transe et voir l'avenir. Lost Girl, saison 2, tous les jeudis à 21h45. Plug RTL. Radio. My station. Fun Radio. There is something in my mind, something that you should know. There is pain in my soul that you may not be before you leave. There is you and me fighting against the world. There is you and me. I miss your love and I want you. Prends ma main, dis-moi que ce n'est pas un jeu. Aussi loin, j'ai rêvé qu'on partait tous les deux. Je veux savoir que le temps nous réunira. Je veux y croire, je veux savoir. c'est comme une tartine de Nutella. C'est vous dire s'il est bon. 20h-23h, Vince sur Fun Radio. Allez, De Oro là, qui a fait un featuring avec Elvis Crespo, ça s'appelle Bailar, et on a une info là qui vient de tomber, bah, l'Italie, ils ont perdu contre l'Irlande. Ouais. Et donc on a égalité de points avec l'Italie, et je me demande, est-ce que par hasard on passe devant l'Italie ou pas? Non, c'est pas possible, dans 3 minutes. On est deuxième. L'Italie joue contre l'Espagne. Ouais, l'Italie joue contre l'Espagne. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Personne ne veut me croire. Non, mais ça, d'office, d'office, quoi. Ouais, c'est d'office. Donc, donc c'est vraiment la confrontation directe. C'est Hongrie, Belgique, normalement. Ouais. Hongrie, Belgique. C'est quoi, c'est lundi à 21h, c'est ça? Je sais pas, j'ai encore. Bon, ben, on croise les doigts. Allez, 2 euros avec Bailar. Bienvenue sur Fun, libre antenne. Il est 22h53 dans quelques minutes, c'est le mot de la fin. Welcome. À 23h, Vince vous parle sur Fun Radio. En même temps, vous avez déjà entendu un animateur radio qui ne parlait pas? Tout de suite, le mot de la fin sur Fun. Ceux qui met le plus la pression aux auditeurs de toute l'histoire de la radio. À la fois redouté et adoré. Ouvrez Google, vos dictionnaires. On va jouer au mot de la fin. Au mot de la fin. Alors, c'est quoi la nouvelle que je voulais annoncer à 22h30? Je sais pas, j'ai oublié. Bon, allez, arrête, vas-y. Mais t'as déjà tout spoilé, on va pas faire comme si. Mais non, mais les auditeurs savent pas, alors dis par rapport. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors. Bon, tu nous as soutenus, tu nous as donné du temps de parole. Allez, arrête. Et maintenant, les petits oiseaux s'envolent du nid. Voilà, exactement. On part tous. Bon. Pour alors, les petits quand oiseaux, vous voulez, essayez de voler, hein, parce que généralement, les petits oiseaux, quand ils s'envolent du nid, ils tombent. Bon, quand je parle des petits oiseaux, c'est pas Coralie et moi, nous on est plutôt des mouettes hein, qui s'envolent du nid. Coralie, donc... c'est une dinde. Donc, Coco, arrête un peu, elle a pris le boulard. J'ai pas compris, donc j'ai pas réagi pour ça. C'est pas grave. Donc, Coralie animera avec Anto le morning pour. Comment ça va s'appeler? Summer Fun. Et puis. Ouah, Summer Fun. On n'a pas choisi le prénom quand même, hein, le nom de l'émission, on choisit quand même. Le prénom, vous avez baptisé et tout. Ouais, coup de fil de la direction, ce n'est plus possible quand même. C'est qui a choisi le nom? La direction. Je pense que c'est Ludo. Ludo, d'accord. Il me semble que c'est Ludo. Ah, d'accord, ok. Ludo qui est un consultant d'antenne. Hein. Oui, tout à fait. Donc ça s'appelle le Morning Summer Fun, c'est ça? Summer Fun tout court. Le Summer Fun. Summer Fun, ouais. Waouh, ça fait très 80s. Hein. À la suite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis. Il y aura Franz Ozich avec sa femme. Oui. Et moi. Ah, donc il ramène sa meuf. Ah, il qui est du, non, une ancienne stagiaire de la Libre Antenne, je tiens à le préciser. Il est très fort et que le patron a dit qu'elle avait vraiment un talent pour la radio. Ah, ça c'est sûr qu'elle est forte. Ça j'ai juste à avouer. Non, je crois pas. Non. Oh, ça va, je rigole. Moi je suis comme Coralie, j'ai rien à foutre. D'accord. Et donc, et donc du coup, et nous on animera le 17-20 tous les jours sur Fun Radio. Ouais. Donc vous pouvez retrouver. Wow. Alors bon, ça n'est pas la dernière émission. Hein, on a encore une semaine d'émission. Mais comme, et tout ça. Comme t'as déjà spoilé, je vais donner une autre nouvelle. Ah oui, c'est que du fun. Ouais. Voilà. Ça s'appelle c'est que du fun. Rappelle le titre quand même parce qu'on a des intérêts. Nous, par contre, on aime bien notre titre. Ouais. Coco, On l'a choisi, nous. On a quoi de la chance. Et donc, je vais annoncer quelque chose que personne ne sait encore. On aura, pendant tout l'été, le casque PlayStation VR de PlayStation à faire tester ici dans le studio. Oui. Ça sort en octobre et nous... J'annule mes voyages. Et nous, on l'aura déjà à partir du 4 juillet en studio. J'annule mes vacances. Et les auditeurs pourront venir l'essayer. T'as pas envie de l'essayer le dernier jour de la Libre Antenne? Écoute, on peut négocier, ça dépend combien tu payes. Oh là là, j'ai plus de budget, c'est la fin de l'année toi aussi. Oh mais tu nous as rappelé où tu partais en vacances. Ah ouais, merde. Si tu pars en économique au lieu de première, ça va libérer du budget. Hein. C'est du sponsoring. Oh là là. T'inquiète pas, on t'invitera. C'est sympa, donc les auditeurs vont pouvoir venir tester le casque en fait. Ouais, exactement. C'est bien. J'ai vu des jeux de ouf. Hein, voilà. Et on sera les premiers à pouvoir le faire tester aux auditeurs. Et bah c'est ça qui est très très bien. Bah bravo les gars. Bravo. Bah tu peux être fier. Bah je suis fier de vous. Crie pas. Les gars, j'en ai jamais douté moi. Hein. J'ai toujours dit, et Coralie le sait, tous ceux qui passent par Libre Antenne, ça devient des tueurs de la radio après. Ouais. Ça je le sais, y'a pas de problème. Et tonton Roger fera le 4h-6h. Pour le réveil des enfants. C'est plus que du fun. Et pour le garder, on a envoyé spécial quand même. Hein. Ouais. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Je lui dis qu'il passait quand il voulait. Oui, oui, comment t'as tonton Roger? Mais non, mais c'est bien. Bon, malheureusement, je passerai à la fin des vacances. Alors, on a voulu appeler Dominique. Je précise quand même, il décroche pas malheureusement. Non, il décroche pas. Hein. Ouais, et je voulais lancer le mot de la fin, mais il est 22h59. Ah bah ouais, trop tard. Et Open Space, il arrive ou quoi? Open Space. Non, bah attends. On peut le lancer. Hein. On a le temps. J'ai lancé le mot de la fin. On a le temps. On va faire le mot de la fin. Allez, c'est parti. J'ai un mot en tête. La première personne qui trouve le mot gagne. C'est aussi simple que ça. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. C'est parti. On commence avec Coralie. Voiture. C'est chaud. Overboard. C'est froid. Moteur, c'est froid. Histoire de l'art. C'est froid. Moto. Ah non, j'ai dit moto, pardon. Mais non, ça n'a pas été dit. Bah, elle a bu ou quoi? C'est froid. Voiture, c'est chaud. Allez-y au 3044. Accident. C'est froid. Volant. C'est froid. Hélium. C'est froid. Oh là, bus. Et Patrick pourrait jouer. C'est froid. Le petit Patrick, là, le fils de tonton Roger. Le petit Patrick. Cheval. Le cheval, c'est froid. Pare-brise. C'est froid. Voyage. Ouais, c'est chaud alors. Musique. Donc ce qui est chaud, c'est voiture et voyage pour l'instant. Okay. Musique, c'est froid. Ça peut être chaud. Si, c'est chaud aussi. C'est chaud précisément pour une raison précise. Donc ce qu'on cherche, a un point commun avec la musique, voiture et voyage. Ok. Desperados. C'est froid. Avion. C'est chaud. Soleil. C'est froid, c'est très froid. C'est très très froid. Écouteur. C'est très très très froid. Autoradio. C'est froid. Annonce. C'est froid. Casque, c'est froid. On me dit suspension 344, c'est froid. Plage. Ah, c'est très froid. Brrr, on se gèle. Travail. C'est froid. Classe. C'est froid. Hôtel. Ça peut être chaud, oui, ça. Oui, peut être chaud, mais bon. Camping-car. C'est froid. Apesanteur. Apesanteur, c'est froid. Montagne. C'est brûlant. C'est chaud. C'est pas super chaud, mais ça se réchauffe un peu, tu vois. D'accord. Donc, quel est le point commun entre montagne, voyage, voiture? J'avais dit quoi de chaud encore? Avion. Musique. Avion. Et musique. Quel est le point commun? Je sais pas, moi. Radio. Froid. Crash. Froid. Ski. Ça peut être chaud, ski. Oui. J'aime bien ski. Je suis fier de toi, Patrick. J'aime platine. Bien ski. Tonton Roger. Platine. Brûlant, platine. Quel point commun entre ski, musique, platine, voiture? Ok, on va y arriver. Non. Voyage. Je crois pas. Est-ce que t'as une idée, Mac Open Space, qui va démarrer l'émission tout de suite? Couscous, j'en sais rien. Non, c'est froid. Bluetooth. Bluetooth, c'est froid. Festival. Non, c'est froid. C'est pas. Non, pas festival. Bah, je vais pas proposer un truc. N'importe quoi. Allez. Un cercle. Non, c'est froid. Neige. Et je vais donner un indice. Alors on voit pas taille. Je vais donner un indice. Ils ont joué aujourd'hui contre la Belgique. Ah d'accord. Ah ok, c'est bon. Voiture, voyage. Voiture. Voiture, Volvo. Oui, hein. Voiture suédoise. Quoi. Ah bah okay. Voilà, bah, hey, Volvo, c'est tout. Je dis, depuis Belgique, j'avais dit voiture, j'aurais dit froid. Ok, hein. Ok. À part la marque Gilet, si elle existe encore, les voitures Gilet. Allez, la première personne qui m'envoie le pays contre qui la Belgique a gagné, tout simplement. D'accord. On appelle le gagnant demain dans l'émission à partir de 20h. Mike Open Space tout de suite. Yes. Bonne nuit tout le monde. Rendez-vous demain à partir de 20h pour la dernière libre-antenne de la semaine. Bisous, bisous, bisous, bisous. 23h. La journée se termine. Vos paupières sont lourdes. La lumière vient de s'éteindre. Mais ne dormez pas encore. Un vent de liberté s'engouffre dans votre rue. Il souffle jusqu'à pénétrer chaque recoin de votre chambre, de votre véhicule. Vos poils se hérissent. Votre pouce s'accélère. L'heure est venue de l'ouvrir. Ne restez pas caché sous votre couette. Levez-vous et montez le son de la radio. Montez-le encore. Encore. Le voisin gueule. On s'en tape. Encore. Soyez où que vous soyez, la nuit ne fait que commencer. Total délire, 100% tolérance, 2. Radio Bordel, 1. Mike Open Space, 1. Jusqu'à 2h sur Fun Radio. 0. Et on est là, bonsoir la Belgique, bienvenue tout le monde. On va fêter la victoire des Diables Rouges ensemble jusqu'à 2h du matin. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée là. Vous êtes en train de regarder le match avec les potos, avec la meuf. C'est la tanasse de regarder le foot avec ta meuf. Ah ouais. Elle te demande toujours d'expliquer les règles du hors-jeu. Ah, c'est ça. On va pas se mentir, maman, on les connaît pas trop. Non mais moi, ma meuf, j'en ai marre de lui expliquer les règles du hors-jeu. Je lui ai dit, Coralie, je t'ai dit. Le hors-jeu, c'est quand entre la table, la table basse et la télé. Voilà, là t'es hors-jeu, je peux pas te conserver. Bonsoir Coralie, ça va bien? J'ai pas compris, mais oui, ça va. Non mais tu comprends jamais de toute façon mes vannes. C'est l'histoire de notre vie à Coralie et à moi. Tu m'aimes quand même. Je passe mon temps à t'expliquer. Tu les expliques jamais, c'est pour ça que je les comprends pas. Bon, ça s'est bien passé chez Vince? Oui, super. Très bien. Le numéro pour t'appeler, Coco? Le 02-851, 4x0. Oui, vous tous et vous, tout en direct ce soir, les SMS au 3044 aussi. Il y a Jonathan qui est dans la plage, je sais plus si je t'ai salué ou pas. Bonsoir Mike. L'homme de l'ombre, Zezel est là. Et bonsoir. Comment ça se passe avec ta meuf Billy? Tout se passe. Est-ce qu'elle est repartie dormir chez son meilleur ami? Je sais pas. C'est encore le fil rouge de cette année. Écoute, hein, je vais le savoir bientôt. Hein. Mais attends, mais à chaque fois que je te pose la question, tu dis je sais pas encore. Donc quand ça se trouve, t'es cocu, mais en fait, tu laisses faire. Ouais, je sais pas, je prends un kiff. Donc, t'es pigeon, je suis peut-être maso. Ok, pas très bien, mon Zezel. Il y aura plein de choses à faire ce soir. Le tap à l'info mec qui arrive sur Fun vite. Radio. Jonathan qui sélectionne des infos insolites. Il vous donne le début. Vous pouvez lui poser des questions pendant 30 à 40 secondes. Ouais. Et c'est à vous de trouver la fin. Sinon, vous n'avez pas l'info. Vous jouez contre un membre de l'équipe de l'Open Space. Tiens, l'info du jour. Allez. Jackie et Michel. Le site évidemment de glamour et de poésie sur internet lance Jackie et Michel Elite. C'est quoi ça? Bah en gros, c'est le chic de porno glamour. D'accord. Le porno haut de gamme. Okay. Bah, franchement, j'ai rien contre Jackie et Michel, mais maintenant on attend juste Lidl Gourmet et Jean-Marc Morandini, journaliste de guerre, sans déconner. Mais franchement, on va se mentir. Mike Posner, c'est ce qui arrive dans quelques instants sur Fun Radio et tout que Pili Ibiza. Plein de cadeaux à vous offrir dans le site Pabien. Il y aura une montre connectée tout à l'heure à Pécho. Et Jenna qui est là. Bonsoir Jenna. Bonsoir. Hello. Comment ça va? 20 ans à Bruxelles, Jenna. Ouais, c'est ça. T'as regardé Match des Diables? Ouais. T'as regardé avec qui? Entre copines? Ouais, non, c'était entre potes. J'étais dans un bar et tout. Mais bon, je suis vite rentrée parce que je suis plus pour l'Italie. Je sais pas si vous voyez. T'es plus italienne. Putain, mais t'es comme Zezel, mais je comprends pas. Ça, Zezel, il était plus pour la Hongrie aujourd'hui, qui a d'ailleurs fait un très beau match contre le Portugal, que pour la Belgique. Ouais. Eh frérot, t'as vu tout? Je suis dégoûté, on a perdu. Les allocations, tu les coûtes. On les a laissé gagner, c'est pour ça. Les Italiens qui ont perdu contre 1-0. Contre l'Irlande. Ah oui, contre l'Irlande du Nord. D'ailleurs, c'est non, 2-0. Non, c'était 1-0 pour l'Irlande, 1-0. Mais c'est quand même. Voilà, ils ont pas marqué en l'euro depuis plus de 20 ans, je crois. C'est un record en fait. Ouais. Bravo les Irlandais, en tout cas. Désolé pour les Italiens. Ça va, de toute façon, qualifiés quand même les Italiens. Ouais, il y a la Belgique aussi du coup. Jenna, tu es notre auditrice mystère ce soir. On va devoir trouver pourquoi est-ce que tu nous appelles. Est-ce que tu as un indice à me donner? Oui. Alors, donc. J'ai rencontré un mec super beau. Ouais. Le feeling, il passait bien et tout. On s'est vu une fois. On projetait même de se revoir et tout. En fait, sauf qu'hier, il y a quelque chose qui m'a bloqué. Et voilà. À nous de trouver quoi? Ouais, voilà. Qu'est-ce qui a pu te bloquer? Qu'est-ce qui a pu être rédhibitoire pour toi? C'est vague. Dites-nous sur l'SMS, vous posez des questions au 3044 dans l'équipe. Vous allez lui poser des questions. On aura 2 minutes pour trouver. Et si on trouve, il y a bien sûr du cadeau Fun Radio qui arrive pour toi à la maison. Tu bouges pas, Jenna? Ouais, je bouge pas. Vous tous et vous tout en direct au 02-851 4x0. Coralie, connectez aussi sur les réseaux sociaux de l'émission, la page Facebook. Mike Open Space, vous pouvez nous envoyer tous vos messages et je les lirai à l'antenne dans quelques minutes. Twitter Mike Fun Radio et Mike vous followera juste après l'émission et le Snapchat c'est Mike Open Space. C'est bien. progresse. Il reste plus que 6 émissions avant la fin de l'année, les amis. Serait temps. On va les kiffer ensemble. Voici Mike Posner sur Fun Radio. Bonne nuit. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but there was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad souls, darling. All I know are sad souls, sad souls. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls, darling. Oh, I know or sad souls, sad souls. Merci d'écouter Fun Radio, passez une bonne nuit la famille. C'est l'Open Space jusqu'à 2h. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Et bordel, il reste que 6 émissions avant la fin de la saison. Vous tous et vous direct, régalez-moi au standard là, 02 851 4x0. SMS au 3044 pour me demander les sons que vous voulez vous écouter là. Comme d'hab, c'est vous qui faites l'émission. On peut changer la prod pour vous à la dernière seconde. Il y a Will.i.am et Justin Bieber qui arrivent, c'est Dead Power. On peut changer la prog là. La gueule. Alors c'est bien. Ah je kiffe. Un petit classique là, Dead Power, ça va faire plaisir à beaucoup de monde là pour fêter la victoire des Diables. Bravo la Belgique, 1-0. Victoire de la Belgique qualifiée pour les 8e de finale. C'est pas fifou non plus, 1-0, on va pas se mentir quoi. Hey, l'essentiel c'est de gagner 1-0. L'essentiel c'est de gagner, mais c'est il pas vaut fifou. Mieux gagner 10 fois 1-0 qu'une fois 10-0. Parce que tu peux gagner une fois 1-0. Tu peux gagner une fois 1-0 éventuellement, ça peut arriver, bon t'es bien une fois. Mais pas 10 fois. Tu peux gagner 2 fois 1-0. Ouais. Bon, t'es bien, t'es en forme en ce moment, il y a Eden Hazard dans l'équipe. Bon, mais pas 10 fois. Tu peux faire 3 fois. Non, je vais pas le faire, c'est bon. On joue BDR, il reste que 6 émissions, il faut faire que du bon là maintenant. Et on a plus droit à l'erreur. C'est sûr, et dimanche on jouera contre la Hongrie, voilà, comme ça vous le savez déjà. Ouh, bon, match. C'est tendu. Zezel, c'est tendu. Non, c'est tendu. En tant que belgo-hongrois. Ouais, mon cœur est partagé. Tu vas pronostiquer qui? Parce qu'on va pronostiquer ce match tout à l'heure dans le loup. Non, on le demain. Ah oui, on est que mercredi. Ouais, ça va. Ouais, je peux balancer l'info. Je vais pronostiquer la Hongrie gagnante. Ils sont chauds cette année, ils sont vraiment bons. C'est vrai que la Hongrie est très très bon, ils ont fait un très très gros match contre le Portugal. Ah ouais, j'étais ouais, surpris. J'avais dit 3-2 pour le Portugal, j'étais pas très très loin les amis. Très belle défense. On fera les résultats tout à l'heure du Loto Foot avec Maître Kini, on va voir qui passe en tête si le classement général de ce Loto Foot de l'Euro bouge. Auparavant, Jenna est avec nous. 20 ans, Bruxelles, Jenna, t'es toujours là. Ouais, je suis toujours là. Ma chérie d'amour, tu es l'auditrice mystère de ce soir, Jenna. Alors, tu m'as dit que t'avais rencontré un mec, ça faisait combien de temps que t'étais célibataire, Jenna? Ça faisait 5 mois. Ah, quand même? Bah, ça va. 5 mois sans rien du tout ou 5 mois sans relation sérieuse? Sans relation sérieuse. D'accord, tu t'es quand même amusé à droite à gauche. C'est normal. Bah, t'as bien raison, attends, 5 mois c'est long. Alors, Jenna. Tu m'as donné un indice, donc tu m'as dit que t'as rencontré un mec et que ça s'est super bien passé, tu le trouves super beau, super à ton goût. Sauf qu'hier il a fait un truc qui t'a bloqué. Ouais, voilà. A vous de trouver quoi chez vous à la maison, vous posez vos questions au 3044. Si vous nous posez, si vous lancez la bonne question et la question qui nous permet d'avoir la bonne réponse, vous repartez avec du cadeau. Idem pour toi, Jenna évidemment, dans l'équipe, vous êtes prêts? Oui, oui. 2 minutes, top chrono, c'est parti. Alors Jenna, est-ce que c'était un truc qu'il a fait ou bien c'était physique? Un truc qu'il a fait. D'accord. Ok, est-ce que c'était au restaurant? Non. On nous dit au 3044, 50 centimes par message, et on nous dit est-ce que il t'a chanté du Jenna Lee? Oh putain, non. J'aimerais tellement que tu m'aimes encore. Mais c'est mon info. Est-ce que le mec s'est grillé en fait et c'est un gros ninfo et il baisse tout ce qui bouge? Non. Est-ce qu'il a roté? Non. On nous dit est-ce qu'il a lâché une chaude, est-ce qu'il a pété? Non, c'est pas ça, c'est un peu dans ta question. Au 30-44, est-ce qu'il a dit un mot qu'il fallait pas? À peu près. Ah, on se rapproche. 30-44, les amis, aidez-nous à trouver pourquoi Jenna a bloqué sur son nouveau mec hier. Est-ce qu'il t'a dit que tu lui faisais rappeler son ex? Non. Ah non, ça c'est. Ah, ça c'est paf! Est-ce que ça a un rapport avec le sexe? Non. Pas de rapport avec le sexe. Est-ce que c'est un rapport avec son attitude? Pas bah oui, s'il a dit un mot plus haut que l'autre, c'est que c'est un rapport avec son attitude. 3044. Est-ce qu'il te l'a dit par SMS, on nous demande au 3044? Ouais. Ah, par SMS. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir dit par SMS? Il a maltraité ta famille, Brandon qui nous dit ça. Non. Il a insulté tes parents, non? Pas ça. Je sais pas, il t'a avoué qu'il était gay. C'est embêtant. C'est assez gênant dans ces cas-là. Je sens qu'elle veut sortir avec lui. C'est ça. Est-ce qu'il a dit que t'étais grosse? Non. Est-ce qu'il a dit que t'étais moche? Non. Bah non, mais c'est son nouveau mec, il va pas lui dire ça. Bah, t'es moins belle que mon ex par exemple, tu vois. Il lui a écrit un message plein de fautes d'orthographe, on nous demande au 3044. Ouais. Et Valentin. C'est ça? Et bah, Valentin, cadeau pour toi. Oh. Et Jenna, cadeau pour toi aussi, bravo, Jenna, putain. On a trouvé. J'aurais jamais trouvé. D'accord, un SMS ou message Facebook, c'est quoi? Bah, ça change pas grand chose, tu me diras. Bon, en fait, le gars, il m'a envoyé un SMS avec plein de fautes d'orthographe et avec en plus bisous partout à la fin. Expression, enfin, je déteste ça, quoi. L'expression t'aimes pas, bisous partout. C'est rédhibitoire, quoi. Ah ouais? Et pour moi, je me demande si je suis pas un peu taré, quoi. Bah, bisous partout, il a été un petit peu loin, le gars. Là, j'avoue que là, il a un peu dépassé les limites. Ouais, voilà, quoi. Coralie, tu trouves ça mignon, toi, ou pas, cette expression bisous partout? Non, je trouve ça. Non, j'aime pas du tout. Ah, peut-être quand ça fait 2 ans que t'es avec ton mec. Ouais, mais toi, en même temps, Coralie, si un mec te dit bisous partout, il faut qu'il vienne avec une équipe de mecs pour pouvoir te faire des bisous partout. Non, mais tu vois. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse comme expression. C'est pour ça que quand je le dis, je dis bisous partout sauf entre les fesses. Je trouve ça absolument affreux. Mais après, je te comprends, Jenna. C'est vrai qu'il y a des petits trucs comme ça, des trucs qui cassent tout. Ah, genre, je sais pas. Par exemple, la nana, elle t'envoie Kikou. Ah oui, d'office. Kikou. K-I-K-O. Là. Non, mais c'est pas possible ça. Non. Impossible. Quand on me le dit, j'ai l'impression d'avoir 13 ans. Non mais Kikou, ça va ou quoi? Est-ce qu'il y a des mots qui cassent tout, des choses comme ça rédhibitoires pour vous, Zézel, un mot qui casse tout? T'es bien avec la meuf, elle te dit un truc, t'as juste envie de partir. Je sais pas moi, non, enfin, j'ai jamais fait attention. En fait, j'écoute pas les meufs quand elles me parlent. Voilà, c'est quoi. Bien Zézel, l'inspiration de la galanterie, ce gars-là. Moi, il n'y a pas quelque chose qui est dit en particulier, c'est surtout aussi la façon d'écrire. Genre, les mecs qui vont me dire Kikou, qui vont vraiment te faire plein de fautes d'orthographe, comme toi d'ailleurs. Moi? Oh, ouais. Non, mais moi, c'est parce que je speed pour écrire. Non, mais je l'écris C. Chez toi, il y a une faute d'orthographe, elle m'horripile, mais vraiment. C'est laquelle? Quand tu écris, par exemple, quand tu dis D maintenant. Comme tous les Français, tu écris D avec un E accent aigu. Ah oui, c'est ça, E accent grave. T'as fini ma câblée? Non, elle m'horripile. Eh ben, tu sais quoi, je trouve ça dommage que les fautes d'orthographe ce soit pas rédhibitoire pour toi. Bam, dans ta putain de gueule. Ça me fait chier, c'est ça. Non, moi, ce que j'aime, c'est les smileys. Ce que j'aime pas, pardon, c'est les smileys. Ah c'est ouais, genre le mec qui tire la langue ou le smiley qui rougit. Mais pourquoi? Bah, je sais j'ai pas. Envie de casser la gueule au gars qui a inventé les smileys, sans déconner. Après, ça rend le message plus doux. Enfin, moi personnellement, j'écris. Le seul smiley que j'aime bien, c'est le petit zizi qui saute. Excuse-moi, attends, est-ce qu'il y a des trucs rédhibitoires pour toi? les techniques de drague en fait. Je te l'ai expliqué pas plus tard que lundi, je me suis fait draguer. Il y a une meuf qui me demande tu fais quoi dans la vie à part être mannequin. Non, bah, hashtag Gassos 2000. Mais là, je t'ai dit, la prochaine étape, c'est ton père est un voleur, il a volé les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Voilà. C'est un putain de voleur. Mais ça m'a fait plaisir quand même, la technique. Ah ouais? Ouais, ça. Moi, je prends n'importe quel compliment où il est, de toute façon. Donc, Ah non, moi, c'est enfin, franchement, il y a quelqu'un qui dit ça, après, c'est. Non, mais c'était, à mon avis, c'était tourné sur le ton de l'humour. Mais ce que je déteste aussi, non plus que tout, c'est les fautes d'orthographe. C'est impartial. Ah non, c'est Gassos 2000, ce compliment. Jenna, à part le petit terme de ton mec, est-ce qu'il y a un autre mot qui comme ça ne te convient pas? Qui te dit putain mais quel casseau, j'ai envie de partir. Ouais, souvent je sais pas pourquoi les filles, genre avant de se voir, j'ai déjà eu ça, genre un petit je m'a fait ouais, tu viendras t'asseoir sur moi et tout. Ça genre ça me donne direct, c'est genre bouge quoi. D'accord. Ok, très bien. Et tiens, on nous dit sur l'SMS, moi j'ai connu un mec qui mettait LOL à tous ses messages. C'est Karine qui nous dit ça. Ah ouais, mais ça passe. Ah non. T'imagines, je t'aime, LOL. Non, mais ça, oui. Non. Mais pas tous les messages, mais ça, LOL, c'est voilà, c'est quand même. T'as passé une bonne soirée. C'est vrai, moi j'ai une meuf aussi qui me disait tout le temps ça. Genre, elle me disait, t'as passé une bonne soirée, moi j'ai passé une bonne soirée, LOL. Tu vois, non, mais elle mettait des LOL n'importe où. Non, mais le plus chelou, je trouve, dans les LOL, c'est les mecs qui le disent à haute voix. Ah oui, dans la vraie vie, tu vois. Ouais, j'étais dans le train l'autre jour, il y a un mec qui arrêtait pas de dire ça, genre il était avec ses potes. Non mais alors là, mais LOL de LOL, non mais sans déconner, on est au top du LOL. Non mais. Mais c'est le genre de mec, je suis sûr, quand ils font l'amour à leur meuf, ils se retirent de leur meuf, ils disent fichier déconnecté. Je te jure, j'en suis sûr et certain. C'est pas faux, ouais. Bon, bonne soirée, Madina, je t'envoie du cadeau à la maison. Ouais. A bientôt, Jenna, gros bisous. Il fait chaud dans le. Ah là, j'en peux plus, il fait 40 degrés. Oui, Coraline, ne te déshabille pas, s'il te plaît. 23h19. Oui, bah ça, je sais que t'as envie de chauffer toute la Belgique. Hein. Ce soir, victoire de match, je peux vous dire, c'est pipe à volonté. Gaëtan est avec nous. Salut Gaëtan. Salut mec. Salut. Ça va mon pote?